La soirée électorale vous est présentée dans le cadre des élections générales provinciales 2018. Alors bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à cette soirée électorale sur CKRL 89.1, une édition spéciale du magazine politique de CKRL, Accès Pouvoir. Alors je suis Jean-François Arthaud au microphone et je suis accompagné ce soir non pas d'un seul, mais de deux co-animateurs. C'est un grand bonheur. Il y a Luc Ferland qui est à ma gauche. Et oui, toujours à la gauche, c'est normal. Qui est en général à gauche. J'en ai pas tout le temps, mais pas des toujours. Fois, et aussi une jeune co-animatrice qui est avec nous ce soir, Marie-Soleil Brou. Bonsoir. Bonjour. T'es à ma droite, mais t'es plus à gauche, j'imagine, qu'à droite. On verra bien. Un petit milieu. On verra bien. Bon. Alors, là, t'es au centre. Moi, je suis au centre. Et exactement. Voilà. Moi, je ne prends pas position. Alors, justement, on va être avec vous toute la soirée pour décortiquer un peu avec vous les résultats qui vont entrer au fur et à la mesure. D'ailleurs, les bureaux de scrutin qui viennent tout juste de fermer. Hein, on avait jusqu'à 8 heures pour voter. Alors, si vous ne l'avez pas fait, tant pis. Moi, c'est fait. Moi, c'est fait aussi. Et moi aussi. Et toi aussi. Donc, OK, on a des bons, des bons samaritains quand même, hein, des bons citoyens. Le devoir du citoyen. Oui, exactement. Donc, c'est important de le faire, je pense. On oublie souvent qu'il y a des pays qui meurent pour voter, sans vouloir tomber dans l'excès de langage. Il y a des pays, même des endroits où ils ont une amende assez salée si ils ne vont pas voter. Ouais. Et d'autres, même, ça peut être passible de prison ou de. On en a parlé dans les derniers jours du vote obligatoire. On va y revenir au cours de la soirée. Et pour les femmes aussi, à un certain point, je pense que c'est important de pouvoir y aller là, pour garder. Reprendre notre droit. Les jeunes aussi. Les jeunes. Alors, on aura ces différentes perspectives, justement, qu'on va vouloir aborder tous ensemble ce soir. Mais on aura aussi, bien sûr, les résultats. On aura aussi des invités. Des invités de marque. Alors, des candidats actuels, des anciens candidats, des anciens ministres. Oui. Des gens qui ont perdu leurs élections au fédéral et au provincial, comme mon ami Luc Ferland. Et qui se retrouvent, comme dirait mon ami François Gendron, qu'on va recevoir ce soir, des devenus commentateurs. Oui, c'est ça, des commentateurs. Alors, on va vouloir ensemble, justement, suivre le déroulement de ce soir-là. On va faire des commentaires un peu ad lib, bien sûr, sur les candidats, sur ce qu'on a pensé des élections, sur les comtés en particulier. Je vous rappelle qu'il y en a 125 comtés, donc pour avoir un gouvernement majoritaire, ça prend 63 députés. C'est loin d'être fait ce soir. 63, c'est majoritaire, mais c'est limite, parce que parti à 63 députés ne peut pas nommer un président de l'Assemblée de son aile parlementaire, doit aller dans l'opposition. Exactement. Parce qu'il tombe à 62, donc il n'y a plus de majorité. Il n'y a plus de majorité, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de candidats, il faut pas de députés malades, ça ne prend pas beaucoup de chicanes non plus. Ça ne prend pas une grosse grippe, non. Donc c'est vraiment très ténu si on avait 63 députés, mais c'est le minimum requis pour avoir un gouvernement majoritaire. Oui. Il y a plusieurs gens qui se sont prononcés sur des perspectives de vote ce soir. Certains vont dire qu'on aura un gouvernement majoritaire CAQ, minoritaire CAQ, minoritaire libéral. Alors, on verra bien tout ça, mais les sondages sont moins révélateurs que par le passé, je pense. À un certain point, je pense que toutes les options sont bonnes. Oui, c'est ça. Regarder ça. Exactement, oui. Mais pour cette année, à un certain point, 22 ans, la jeunesse. Oui, la jeunesse. Oh, la jeunesse. Ah oui, la jeunesse qui va voter. Je trouve ça le fun parce que les jeunes, cette année, ont beaucoup plus été votés que par le passé, je crois. Ouais. En tout cas, on en parle plus. Ouais. À certains points, je ne sais pas si les votes aux blancs sont plus populaires, mais les gens vont quand même beaucoup plus voter. Et pourquoi tu penses? À cause de la présence de Québec solidaire? Parce que le Parti québécois... Non, mais ce qu'il faut dire par ailleurs, c'est qu'il y a vraiment une véritable désaffection des jeunes 18-34 du Parti québécois. Le Parti québécois ne rejoint plus du tout cette strate-là de la population. C'est clair qu'on peut voir que Québec solidaire va chercher beaucoup plus les jeunes à un certain point. Autant par leur présence, je pense, sur les réseaux sociaux que leur présence dans les... Excusez-moi l'anglicisme, les speeches qu'ils font. Ouais. Ils vont vraiment plus venir nous chercher et ils vont aller englober plus certaines valeurs que je pense que nous pouvons avoir. Ouais. Certainement que tous les jeunes votent pour eux, on ne croit pas. Non. Mais s'ils ont quand même une avancée assez historique, je pense, cette année. Non, pas 35%, je crois, là-dedans. Mais vous avez soulevé un point qui fait en sorte que les jeunes vont peut-être aller voter plus. Ce qu'il n'y avait pas il y a une époque pas si lointaine, les réseaux sociaux, les chaînes en continu, toutes les informations, ces choses-là. Donc, et bien entendu, on parle aussi beaucoup de politique. Et cette campagne-ci, on va en discuter là, dans l'ouverture de notre émission. Oui, parce qu'on va être avec vous jusqu'à ce que mort s'en suive, à peu près. Jusqu'à 23 heures. Jusqu'à temps que le signal ne vient pas nous dire si la tendance se maintient. Alors, ça peut aller tard si la tendance se maintient. Si les sondages se révèlent. On va peut-être se risquer à des prédiction okay. dans quelques minutes. Ouais. Moi, j'aimerais ça parce que j'ai analysé un peu, là, même il y a 125 circonscriptions. Ouais. J'ai fait le tour des 125. Oui, on va en parler ce soir, mais on va se concentrer, parler. Bien sûr, sur les circonscriptions de la grande région de Québec. La grande région de Québec, bien c'est sûr. C'est entendu. Ouais, ouais. Mais allons-y donc, ouais, justement, de nos prédictions, puis je lance-toi donc, Luc. Tiens. Ben, moi, je vais me lancer, comme c'est toujours à mon habitude, mais moi, je pense qu'on va avoir un gouvernement minoritaire caquiste. Quand même. Marie ouais. Soleil. Avec un plus grand nombre de... Explique-le pas. Ouais. Juste non, ton prédiction. Okay. Prédiction. Marie Soleil, c'est à toi. Minoritaire caquiste. À un certain point, j'aurais envie de dire la même chose, mais tu sais, quand on dit une chose, on dirait toujours le contraire. Ouais, Chris, c'est ça. Mais ouais. Ça prend juste un gagnant. Prends une autre option. Oui, c'est ça. OK, c'est parfait. Ouais, parti vert. Non, mais... Écoute, là, si tu gagnes, on s'achète un 6,40. Ah, s'il te plaît. Non, sincèrement, je pense que ouais, minoritaire caquiste pourrait être possible, mais les libéraux aussi, à un certain point, ça pourrait être un revirement de situation assez plausible, je crois, d'avoir. J'ai une tendance à penser que ça sera pas, il y aura pas de majorité cette année. Moi, je dis, ouais. Là, je mets main sur la table, pas de majorité cette année, on reste en minorité. Lesquels? Caquistes, ben, libéraux? Moi, mais... je vais vous surprendre. Je pense qu'on va avoir un gouvernement majoritaire caquiste. Oh. On va voir. Parce que les gens, au moment de voter, ils vont se dire, ben écoutez, on veut vraiment, je pense qu'on veut du changement. Ça fait 15 ans de règne libéral quand même. Je fais une confession, je suis d'allégeance libérale. Et moi-même, je suis un peu tanné de la présence des libéraux au pouvoir. C'est long. Il y en a que c'est long, je t'allais. Et la véritable option, c'est pas le Parti québécois, malheureusement. Pas pour l'instant, en tout cas. Bon, QS, pas tout de suite. Et c'est la CAQ. Parce que, et les gens se disent, bon, on va essayer la CAQ. On ne l'a jamais essayé. Peut-être qu'ils vont être bons. On verra bien, mais il y aura des luttes très intéressantes dans la région de Québec, bien sûr, mais ailleurs aussi. Il y aura des gens très heureux ce soir et des gens très malheureux aussi. Oui, il y aura des plaies à penser pendant plusieurs semaines et plusieurs mois après. Ça, c'est évident. Là où ça vient, à mon avis, jouer en faveur d'un gouvernement minoritaire, caquiste, c'est justement le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de circonscriptions. Et c'est vrai aussi dans la région de Québec. Très serré. Ben oui. Très serré. Absolument. On le voit dans le comté ici où on est présentement, oui. Dans Jean Lesage, oui. Une lutte à trois. Oui, une lutte extrêmement serrée entre Mme Bourdon, Mme Gamache, Gamache. De la CAQ, et Sol Zanetti, bien sûr, aussi, de Québec solidaire. Qui tire depuis le début, monte, il y a plein. Et là où Québec solidaire, à mon avis, c'est le parti qui a fait plus de gains dans cette campagne-là, en termes de pourcentage, et surprenne dans certaines régions. Je regarde en Abitibi-Témiscamingue, j'ai jamais vu. Non, effectivement. À Rouyn-Noranda. Québec solidaire est deuxième. C'est ça. Je ne sais pas s'ils vont réussir à gagner des comtés ailleurs qu'à Montréal et Québec, peut-être. Non, mais ce que je voulais mais dire, ils vont avoir beaucoup de votes. Oui, ils vont avoir beaucoup de votes. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça va jouer dans le sens suivant. C'est que dans plusieurs circonscriptions, QS peut faire passer un caquiste ou un péquiste. Mais pas un péquiste, un caquiste ou un libéral. OK, parce que dans ce comté, peut-être, un péquiste, je pense pas, parce que cette année, là, on pourra en parler tantôt, là, ça va être difficile pour le PQ, le Parti québécois après, ça va être très difficile, malheureusement pour... Et même M. Lisée dans Rosemont, qui se fait chauffer pas mal par Vincent Marissal de Québec solidaire, justement. Disons qu'il se fait souffler dans le cou, et très proche, Marissal a le menton sur le cou de M. Lisée, si on peut faire une caricature, en début d'émission, parce qu'on va en avoir plus durant la soirée, mais moi, je pense que ça va jouer dans plusieurs circonscriptions et on va avoir des surprises. Bien sûr, mais je termine là-dessus pour ça, mais je ne sens pas une vague s'en venir, je ne la vois pas. Je la vois pas. Non, mais je te dirais que les dernières vagues, on ne les a pas beaucoup vues. Marie-Soleil, tu voulais ajouter quelque chose? Bien, c'est ça, je regarde en ce moment Rosemont pour, en ce moment, c'est Québec solidaire qui est en majorité, mais pour le reste, c'est du bleu et c'est du rouge. Ouais, c'est majoritairement dans les peu de comtés qu'on a déjà de comtés, là. Effectivement, tu vois, dans Rosemont, on a très, très peu de bureaux de scrutin qui ont été dépouillés jusqu'à maintenant. C'est surtout le vote par anticipation qu'on reçoit. Mais tu fais bien de le mentionner, Vincent Marissal, qui est en avance quand même par 7 points déjà, mais par 40 voix, parce qu'il y a très peu de bureaux de scrutin, encore une fois, qui ont été dépouillés. On parle à peu près 39% pour Québec solidaire et 31% pour le Parti québécois. Ouais. Donc, M. Lisée qui est en danger dans son comté, M. Couillard qui est en danger dans Robertval aussi. Un peu moins, mais il n'y aura pas de majorité aussi forte. Non, il n'y aura pas de grande majorité, parce que, non. Et on le disait un peu avant d'entrer en onde, c'est qu'il y a 4 partis qui tirent bien, qui vont chercher. Donc, c'est difficile. À l'époque, pas si lointaine. Ben oui. C'était libéral, c'était Union nationale, c'était libéral, Parti québécois, Parti québécois jusqu'en 98 et partir de 2003, hop, ça a changé. Là, on arrivait avec l'ADQ, PQ libéral, Québec solidaire est arrivé en 98, je crois, de mémoire, là-dedans. Donc là, on a quatre partis. Oui. Oh oui, c'est sûr que la présence de Québec solidaire va changer les choses. Ouais, mais les besoins changent à un certain point. Je pense que la population veut d'autres choses par moment et c'est là la création du nouveau parti. C'est le vote francophone qui s'est plus divisé. Mm-hmm. Le vote anglophone est encore majoritairement centralisé au Parti libéral. Ben, c'est ce qui donne la base au Parti libéral depuis toujours. L'île de Montréal est à peu près acquise au Parti libéral, si ce n'est que quelqu'un comptait dans l'Est. Hochelaga-Maisonneuve, entre autres, qui pourrait quitter le Parti québécois. Darcy McGill, le candidat ou la candidate. Jean Cartier. Ah, il va se faire élire, c'est clair. Ben oui. Assis dans le salon, en écoutant Passepartout. Au lieu d'écouter, ils vont être élus pareil. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de problème là. Non, effectivement. Mais on va voir comment ça va se dérouler ce soir. Dans quelques minutes, comme tu le mentionnais, on aura François Gendron au téléphone avec nous. Oui, vers 8h15, là, dans ces jours-là. C'est François ça. Qui est en Abitibi, qui est encore élu présentement au moment où on se parle, jusqu'à dans quelques minutes. Oui, qui est le politicien avec le plus d'expérience. Il est quand même vice-président de l'Assemblée jusqu'à la nomination d'un nouveau vice-président. C'est-à-dire aux alentours du 15 novembre. Et François qui occupe un siège à l'Assemblée nationale depuis 42 ans. 42 ans, oui. Il faut souligner ça. Alors, on aura la chance de lui parler quelques minutes directement de la SAR. Je pense qu'il est à la SAR ce soir. Directement de la SAR. Et c'est très intéressant d'avoir quelqu'un comme François Gendron qui a une mémoire extraordinaire, qui a une 42 ans d'expérience. Ouais. Donc, des souvenirs mémorables dans toutes les parties. Absolument. Oui, ça. Alors, on a la chance d'avoir une jeune avec nous, Luc. Ça fait du bien. Ah, ben, 22 ans. On va en profiter. Moi, j'aimerais ça, je ne veux pas te coincer, mais j'aimerais ça qu'un seul mot, que tu me décrives chacun des partis. Québec solidaire, mais je veux juste un seul mot. Québec solidaire, pour toi, c'est quoi? Un mot, c'est toujours difficile. C'est très difficile, oui. Québec, j'ai tellement envie de dire des blagues, mais je ne peux vraiment pas, sincèrement, excuser. Québec solidaire, je pense que je dirais peut-être simple. Simple. Parti québécois. Mon Dieu, mon mot, il faut que je le cache. Parti québécois, je pense que j'irais pour peut-être un effet un peu plus, j'ai envie de dire pas conservateur, mais pas dans le sens du parti, mais dans le sens de quelque chose qui est très orthodoxe, qu'on est très habitué, by the book, si j'ose dire. Le parti libéral. Le libéral, je pense que je dirais courant. On le connaît beaucoup. On le connaît beaucoup. Ouais. On en a parlé en fait tantôt qu'on l'a vraiment toujours. On connaît beaucoup à Québec, puis il revient souvent. Et le dernier, la CAQ, je pense que je dirais un peu du renouveau. Ah, quand même. Ouais, renouveau pour la CAQ. À certains égards, mais je pense qu'ils vont... C'est étonnant, quand même. Ben, pour moi, pour 22 ans, je veux dire, j'étais allée regarder leur programme et tout, et j'aimais le principe qu'ils allaient chercher peut-être certains aspects des divers parties qu'on avait. Mais je pense que ça serait ça. J'aurais d'autres mots, mais je pense que je vais y aller pour ça. C'est embêtant, un seul mot, effectivement, ouais, ça résout pas toute notre pensée. Mais la première impression qui était intéressante. Mm-hmm. Là, tu vois, si moi, je devais m'astreindre au même... Québec solidaire, moi, je dirais fraîcheur. Il y a une forme de fraîcheur là-dedans. Parti québécois, là, je m'excuse, Luc, en tout respect, mais je dirais usager. J'y ai pensé. L'a entendu et est surentendu. Bon, que vous êtes des parti libéraux. Libéral. Si le Parti québécois est usagé, le Parti libéral est ancestral. Ah, le Parti libéral, écoute, il est dépassé. Moi, je dirais. Ça fait 150 ans. Là, la CAQ, je dirais inconnu. Effectivement. On sait pas, effectivement, là, si ça va bien fonctionner. Mm-hmm. On sait qu'ils ont une bonne équipe sur papier, en tout cas. Bon, leur chef est assez âgé quand même. C'est drôle que tu me dises renouveau, tu vois. Parce que leur chef est assez âgé, parmi les plus âgés des quatre. Peut-être du principe que je suis jeune et que j'ai pas nécessairement eu d'expérience avec le mode caquiste, si j'ose dire. Donc, pour moi, c'est un peu un certain renouveau. Mais en même temps... Mais je pense que pour ce que tu avais dit pour le PQ usagé pour celui-ci, c'est des bons termes. Bon, merci. Mais François Legault, ça fait 20 ans, là. Ben oui, ça fait 20 ans. 20 ans, un des doyens, là, absolument. Au moment, je pense. Sinon, pas loin, il y a Sylvain Pagé, peut-être, là, qui est François Legault est arrivé avant parce que François Legault a quitté un bout de temps. Exact. Mais moi, je vais m'essayer avec un mot, c'est difficile dans mon corps. Vas-y donc, On va l'essayer. Parti libéral, moi c'est clair, ancestral, je maintiens ce même ennuyeux, mais ancestral. Le Parti Québec solidaire, surprenant. OK, oui. Oui, au lieu, j'allais dire, peut-être comme vous, talent fraîcheur, ouais. Mais surprenant. Surprenant dans le bon sens du... Mm-hmm. Oui. La CAQ? La CAQ. Parce que je veux que tu finisses par le PQ. Non, la... la CAQ, c'est la côte d'Adam. Non, la CAQ, je dirais... conservateur. Ah, sérieusement? Ouais. Alors, on passe de renouveau à conservateur, puis en passant par inconnu. Oui, non, parce que c'est du vieux jeune. Regardez le parti, les idées, regardez le programme du parti de la Coalition Avenir Québec. Écoute, on retrouve des brides de l'ancien parti de l'Union nationale. Ouais. Et, c'est pas rien, là, OK? Donc, un faux renouveau. Mais non, pour moi, c'est pas renouveau, c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est clair, c'est du... Il essaie de faire du neuf avec du vieux. Bon, c'est ça. Donc, conservateur. Le Parti québécois, c'est... Ouais. Le Parti québécois, c'est... Nostalgie. Usé. Usé, d'un ancien député du Parti québécois, quand même. C'est... Usé, non, parce que... Pas par le jure du pouvoir, pas par ces choses-là. Ouais, ouais. Usé par l'option... qu'il véhicule l'idée qu'il a véhiculée pendant des années, plus usé par la souveraineté, ces choses-là. Mais Luc, c'est sur ces sages paroles que je vais t'arrêter. On va faire une petite pause musicale, puis on va mettre François en ligne pendant ce temps-là. Okay. Alors, on vous revient dans quelques instants après cette pause musicale. Je vous rappelle que vous écoutez CKRL, le 89.1. On est en pleine soirée électorale avec vous. On aura beaucoup de plaisir ensemble encore pour les prochaines heures à venir. Alors, restez avec nous. On fait une pause musicale, puis on vous revient avec François Gendron. Qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler, il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit. Comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, en maillot au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai dans son billet, et musique aux oreilles, et du loin au plus loin de ce neige désert, où vous vous entêtez à acheter vos villages. Je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos proposés parlures jusqu'à perdre mon nom, au bois tant écouté, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur le perron des portes et de chaque côté des cléons, des clôtures. Je vous entends chanter dans ma demi-saison votre trop court été et mon hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de doutant. Il est question de vent, de vente et de gréement, de l'amour à finir, d'espoirs et de récoltes d'amour et du voisin qui veut marier sa fille. Voix noire, voix durcie, d'écorce de cordage, voix des pays plein champs et voix des amoureux, tout ce bois attendri des amours du village, voix des beaux airs anciens, dont on s'ennuie en ville, criaillerie d'école, des palabres, esparages, magasin général et restaurant du coin, les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Est-ce vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez, langage de mon père, et patois du 17e, vous me faites voyage, mal et mélancolie, vous me faites plaisir, et sagesse et folie, il n'est coin de la terre où je ne vous entende, il n'est coin de ma vie, à l'abri de vos bruits, il n'est chanson de moi qui ne soit une fête, avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver, douce comme une rivière. Je vous entends claquer comme un voile du large. Je vous entends gronder comme un chute en montagne. Je vous entends rouler comme un baril de poudre. Je vous entends monter comme un grain de 4 heures. Je vous entends cogner comme un mer aux falaises. Je vous entends passer comme un glace en débâcle. Je vous entends demain parler de liberté. Alors, c'était bien sûr Les gens de mon pays de Gilles Vigneault. On a la chance d'avoir avec nous François Gendron, qu'on rejoint depuis Lassar en Abitibi. Alors, bonsoir François. Bonsoir. Bonsoir François. Jean-François Artaud qui est au microphone avec Luc Ferland et Marie-Soleil Brault. Alors, tu es sur CKRL 89.1. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder une entrevue ce soir. C'est très gentil à toi. Ça me fait plaisir. On voulait voir avec toi, François, qu'est-ce que tu avais pensé de la campagne électorale depuis l'Abitibi? Alors, la vision, bien sûr, de la région que tu habites depuis très longtemps. Comment ça s'est passé, cette campagne-là, si on la compare aux autres campagnes plus récentes, si on veut? Ben, c'est évident qu'il n'y avait pas, selon les commentateurs, et là, il n'y a pas de chemin négatif, le Parti Panthère, il n'y avait pas ce que j'appelle de grands enjeux de société comme j'ai déjà vu dans d'autres campagnes, un. Deuxièmement, c'est clair qu'à partir du moment où ce qui a souvent été un élément clé, souverainiste contre fédéraliste, et que ça, c'était plutôt absent, ça, c'est une nouveauté. Et le troisième élément, c'est évident qu'on n'a à peu près pas parlé des contenus. On a parlé beaucoup des chefs. Donc, lorsque c'est une campagne de chefs et que tous les jours, on entend à répétition M. Legault, M. Couillard, M. Lisée et Manon, c'est plus difficile d'aller chercher la quintessence du contenu des formations politiques. Parce que je vous jure que on avait un programme d'abord très démocratique, bâti avec des milliers de bénévoles de tout le Québec. Et je me rappelle les commentaires avant le déclenchement de la campagne. Est-ce qu'il y avait de la vision dans notre programme politique, d'offres politiques, en particulier en santé, en éducation, en environnement? La réponse, c'est oui. Mais regarde, tout ce que j'ai entendu, c'est non, il n'y avait pas de programme très, très mordant avec de la vision de société. Alors, c'est évidemment, c'est pas mon point de vue, mais ça démontre comment on s'est accroché sur des petites pécadilles, des détails, plutôt qu'aller au fond des choses. Et ça a l'air que c'est rendu de même, la politique. OK. François, c'est Luc. Tu as touché un point, à mon avis, qui est important dans le style de campagne qu'on a connu. On a vu, tu as parlé des chefs, et c'est avec raison. On a vu Manon Massé, on a vu Jean-François Lisée, on a vu M. Couillard, on a vu François Legault. Ça a été une campagne de chefs. On n'a pas vu d'équipe, on n'a pas vu personne mis en avant-scène, sauf qu'à de très rares occasions. Est-ce que ça a joué sur la campagne au niveau national, et si on y va dans une perspective plus macro, même dans certaines régions, parce que il n'y avait pas d'enjeu majeur à ce moment-là. C'était une campagne de chefs, là, où on s'appelait par leur nom. Là. C'est, j'ai pas vu ça souvent, moi, là. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Là. On appelait toujours, comme vous dites, là, M. Couillard, M. Legault, M. Lisée, Manon, Mme Massé. Bon, premier élément, mais l'autre élément encore beaucoup plus... sérieux, là, c'est qu'à un moment donné, normalement, je vous donne un exemple bien concret, là. Le Parti québécois a fait des rassemblements populaires avec énormément de succès. Ça n'avait aucun impact sur l'aiguille électorale, sur ce qu'on appelle le thermomètre ou la boule ou la boussole. C'est la première fois que je vois ça, parce que normalement, quand il y a des rassemblements très réussis, et moi, je me rappelle d'avoir été à Montréal au lancement de la campagne du Parti, ben, il y avait au moins 1500 personnes là, sur la colline dans le comté de Mme Léger anciennement. Jean-Martin. Et le lendemain, j'ai cherché partout pour voir son trait de ce succès de foule, de ce succès de masse. Et pas tout. On a fait différemment dans le traitement médiatique des contenus. Et c'est la première fois que je vois que les contenus ont si peu d'importance. Deuxième point plus grave, moi, je ne changerai jamais d'idée, là, parce que j'ai vécu intensément la partielle de Louis Hébert. Ouais. Tout s'est réglé dans la partielle de Louis Hébert. C'est bien sûr qu'on a fait de campagne, c'est bien sûr qu'on a travaillé, genre qu'on fait des téléphones jusqu'à 8h-10 ce soir, ça me fait plaisir. Puis moi, le Parti québécois a mené une très bonne campagne en Abitibi-Témiscamingue, parce qu'on a fait sortir les chefs des autres formations 3-4 fois, donc c'est parce que c'était assez serré. Mais c'est la première fois que je vois pas ce que je viens de signaler, là. Et rappelez-vous, lisez l'actualité, lisez la revue Actualité de juillet. On fait référence à ce que je voulais vous dire, que dans la partielle de Louis Hébert, quand M. Samaman a été, ce que vous savez, et qu'on élit la députée caquiste, on venait de régler presque le futur du Québec. Enfin, absolument, François, moi je suis bien d'accord avec toi. Un autre élément que je voulais aborder avant de te laisser, parce que je sais que tu auras une soirée très probablement très occupée, c'est le trop-plein de sondages. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a trop de sondages? On voit par exemple Main Street qui publie des sondages tous les jours. Il n'y a pas une espèce de surabondance de consultations. Puis c'est comme si les jeux étaient faits à l'avance, ou encore pire, c'est comme si les sondages influençaient les électeurs. Ben c'est clair. Puis là, là-dessus, là, je ne veux pas, c'est comme, c'est, là, c'est pas vous que je reprends. C'est clair, c'est sûr qu'il y a énormément ce que j'appelle d'achat d'opinion de l'électorat pour plutôt que faire la job sur le contenu des programmes, montrer les différences. Je donne deux autres exemples. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Régine Laurent. Régine Laurent, l'ancienne présidente des infirmières de la FIC, disait le meilleur programme de loin en santé, c'est celui du Parti québécois. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est pas nous qui ai dit ça. Elle l'a répété 7-8 fois que je l'ai entendu. J'ai jamais vu un éditorial là-dessus, j'ai jamais vu un commentaire de journaliste senior disant on l'a regardé, on l'a comparé, et effectivement, c'est un programme qui offre beaucoup de perspectives de solutions. Même chose au niveau de l'environnement. Moi, j'ai regardé. Moi, j'aime beaucoup la science. Au niveau de l'environnement, tous les spécialistes d'environnement ont dit le programme du Parti québécois, il est d'envergure sur la réalité environnementale. Mais à condition qu'on le regarde dans sa globalité, ouais. Puis on ne l'a jamais regardé dans sa globalité, mais tous les, comment appeler ça, les scientifiques qui ont commenté les engagements sur le dossier climatique et environnementaux, on dit le Parti québécois a un programme d'envergure très, très, très crédible. Et je me rappelle d'avoir entendu M. Auger, une chance qu'il y a Manon qui en a parlé parce que personne d'autre avait parlé de ça. Alors, c'est pas ça que les programmes disent. Mais les programmes n'ont pas d'importance. Non, exactement. Malheureusement, c'est sur ces paroles. Et à partir du moment où on joue comme ça, ben c'est pour ça que je conclurai en disant moi, là, je l'ai vécu dans la partielle de Louis Hébert. Et je dis pas ça pour me faire plaisir et avoir raison, c'est même très plate. On sentait que la prochaine élection était jouée. Ouais. Et c'était la conclusion de la page éditoriale, c'est-à-dire de l'éditorialiste de la revue Actualité, qui est une revue de très grande qualité, en disant ben tout s'est joué là. Monsieur Gendron, je vous remercie beaucoup. Vous êtes député du Parti québécois, bien sûr, dans le comté d'Abitibi-Ouest, et vous êtes membre de l'Assemblée nationale depuis 42 ans. 42 ans. Et en terminant, moi, je veux simplement vous remercier pour tout le travail que vous avez accompli. Je sais à quel point c'est un travail colossal et on vous doit tous le respect. Vous avez fait un travail merveilleux. Et merci beaucoup, Monsieur Gendron. Je vous souhaite une retraite, si vous en avez une, la plus occupée possible. Merci François. Salut tout le monde. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut les gens d'Abitibi, François, de notre part. Salut mon Luc, c'est sûr qu'on va aller saluer. Parce que nous, on a d'autres choses, là, je vais aller voir. Merci bien, bonne soirée à vous. Merci d'avoir participé à notre émission. Alors, on va justement prendre ces prochains instants pour aller à la pause publicitaire, la première de la soirée, et puis on va revenir. À ce moment-là, on vous donnera quelques résultats. Il y a déjà un certain nombre de candidats qui sont déclarés élus. Je pense à Marois Risky, par exemple, dans Saint-Laurent. Alors, on va revenir après la pause publicitaire avec certains résultats et nos impressions peut-être sur le déroulement du dépouillement des boîtes de scrutin qui vient à peine de commencer il y a peut-être 25-26 minutes. Allez, à tantôt. CKRL, communication, culture. Moi, j'ai grandi avec la radio. La radio a accompagné mon enfance. Avec mon père, je sillonnais les routes. Et pour moi, la radio, c'est le lieu du débat, de la confrontation des idées, de la discussion. Et on est obligé de porter attention à ce qui se dit, alors qu'à la télévision, parfois, on est distrait par l'image. La radio, c'est vraiment mon média préféré. Je suis Éric Bédard. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz avec le trio Elias, Copland et The Daddy. Soyez les témoins privilégiés de la chimie qui opère entre le guitariste Rody Elias, le claviériste Mark Copland et le bassiste Adrian The Daddy dans l'intimité de la salle d'Youville. Le 5 octobre, vivez la musique à son meilleur avec le trio Elias, Copland et The Daddy. Détails au palaismontcalm.ca. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Société de la Rivière-Saint-Charles, SDC Faubourg-Saint-Jean, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Festival de cinéma de la Ville de Québec et Maison des métiers d'art de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. nouveauté chez Slam Disc, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot, le démon normal d'Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions puis des passes élevées. Disponible maintenant partout, édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. À découvrir cet automne au Palais Montcalm, Maison de la Musique, le virtuose de la contrebasse Petros Klampanis le 18 octobre, la brillante chanteuse jazz Elizabeth Shepherd le 26 octobre et encore du jazz avec la talentueuse chanteuse canadienne Holly Cole le 3 novembre. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. La soirée électorale vous est présentée dans le cadre des élections générales provinciales 2018. Alors, on est de retour sur le CKRL 89.1, bien sûr, à la soirée électorale, une édition spéciale de l'émission Accès pouvoir. Au microphone, Jean-François Artaud, je suis accompagné de Luc Ferland, de Maïsoleil Brault. On va faire avec vous le tour un peu des circonscriptions de la région de Québec, mais avant, je veux vous donner les résultats généraux de la province. Alors, je ne sais pas si j'aurai raison, parce qu'écoutez, il est encore très tôt dans la soirée, il est 20h31, mais pour l'instant, ça semble se dessiner vers un gouvernement majoritaire. C'est très bleu. CAQ, absolument. Ouais. Alors, chez la CAQ, justement, on est en tête, bien sûr, on a 13 élus, 41 candidats qui sont en tête pour un total possible de 54, alors que chez les libéraux, on en a 6 d'élus, 22 en tête pour un total de 28. Québec solidaire, un élu, 5 en tête, 6 au total. Et le Parti québécois, un seul élu, 4 en tête pour un total de 5. Alors, ça va lentement parce qu'on débrouille doucement les bulletins, mais quand même, déjà, on a des certaines indications. Là. Alors, allons-y donc pour les comtés peut-être de la région. Jean Talon. Ah, Jean Talon qui est le fief pour l'instant du Parti libéral, parce que ça a déjà appartenu au Parti québécois aussi, Jean Talon. Jean Talon, qui est là, comme présentement occupé par Sébastien Proulx. Sébastien Proulx, qui est ministre de l'Éducation, qui est un ancien de l'ADQ, qui est un des transfuges, justement, si on veut, de l'ADQ vers le Parti libéral, qui a déjà d'abord œuvré comme conseiller politique à M. Couillard, avant de faire le saut lors d'une partielle dans Jean Talon, justement. Jean Talon qui avait été laissé par le docteur Bolduc, qui était retourné à sa pratique. C'est une bonne chose pour toi, ça, Luc, je pense, c'est ton médecin que je me trompe. Oui. Alors, dans Jean Talon, les résultats dans Jean Talon, Sébastien Proulx est en avance avec 39,5% des votes, suivi de la caquiste Joël Boutin. Joël Boutin qui était employé chez National, une spécialiste des communications, si je ne me trompe pas, qui obtient 29,4% des votes. Ensuite vient le Parti québécois avec Sylvain Barrette à 15,8% et le Québec solidaire avec Patrick Provost à 12%. On a 23 bureaux de dépouillés sur un total de 175, bien sûr. Alors, un autre comté peut-être, Jean Lesage. Jean Lesage ici, je l'ai. On a avec Christian Gamache la CAQ avec 1891 votes. Sol Zanetti qui suit derrière avec 1673. Gertrude Bourdon, 1233. Et Claire Vignola du Parti québécois, 548. Et le reste, bon, OK. Donc, c'est la CAQ qui mène dans un Lesage présentement. On va vouloir passer à Tachereau par la suite. Je vais laisser Marie-Soleil le faire, mais je veux aussi vous avertir qu'on ne va pas vous donner des chiffres comme ça toute la soirée pour qu'à la fin, vous criez bingo. Là, c'est pas ça l'objectif. Mais il faut quand même vous donner certaines indications sur les comtés de la région. Alors, vas-y donc, Marie-Soleil, avec Tachereau, si tu veux. Oui, pour Tachereau, un peu comme je pense qu'on s'en doutait tous, un tantinet. Catherine Dorion, avec 47,9%. En avance en ce moment avec Svetlana Solomykina. Exact, Solomykina, qui est une femme d'affaires d'origine russe. Oui. Phénoména, c'est non. Svetlana. Ah, oh, Svetlana, Svetlana dans Tachereau. Solomykina, On était proches. J'étais dans la région de Montréal. On te croit. Presque à côté. avec un 19,5%, donc en arrière de quand même un grand pourcentage. Ouais. Le PQ, juste en arrière aussi, et avec un 16,7%, et Florent Tanlet. Tanlet, libéral, 14,7%, mais pour celui-ci, pour Tachereau, sincèrement, 17 bureaux de scrutin sur 178 avec l'avance de presque, tu sais, presque 47% pour Catherine Dorion. Ça va se conclure quand même assez rapidement. Ouais, je pense que oui. C'est à la fois une surprise, ça n'en est pas une non plus. Catherine Dorion est assez connue quand même dans la région, très connue dans son comté. Effectivement. Ouais, qui venait par une quinzaine de points, là. Ouais. Mais c'est peut-être la première percée de Québec solidaire à l'extérieur de l'île de Montréal. Exactement. C'est intéressant. Il y a évidemment à Québec Taschereau, qui en est un comté que Québec solidaire pourrait prendre, et l'autre comté, c'est Jean Lesage, bien sûr, avec Sol Zanetti. Pour l'instant, Sol Zanetti qui est troisième, on vous le répète, dans le comté de Jean Lesage. Alors, si on y allait justement avec l'opinion des jeunes et qu'est-ce qui intéresse les jeunes lors de cette élection aussi, moi, ça m'intéresse de le savoir. Alors, on a fait un vox pop, je pense, Marie-Soleil. Oui, effectivement, on a Laurence Bouillon qui travaille pour l'Exemplaire avec les médias-écoles de l'Université Laval. On fait un vox pop appelé « Les propositions qui marquent les jeunes ». Donc, je pense qu'on pourrait se lancer là-dessus pour aller voir un peu l'opinion de la jeunesse. Je dirais que ce qui m'a le plus inspiré, c'est toutes les politiques environnementales que Québec solidaire compte instaurer s'ils sont élus. Mon cas, je priorise l'environnement. Donc, j'étais un ancien pro-parti vert. Mais là, pour avoir plus d'impact un peu avec les autres, comment je vais dire ça, les points, mettons, que le Québec solidaire avait amené, c'était vraiment ce qui se rapprochait plus, ce qui se rapprochait le plus de mes valeurs et de ce que je crois qu'il va faire d'une société idéale, ce que nous sommes au Québec. En fait, pour moi, la question de l'immigration, c'est vraiment important parce que je considère que la langue française, c'est important qu'on la garde au Québec. Donc, la proposition de la CAQ, elle a vraiment attiré mon attention, comme quoi on limite un petit peu les immigrants qui rentrent ici. Puis, on fait passer un test de valeur après 3 ans pour s'assurer qu'ils maîtrisent le français et tout. Moi, je pense que Québec solidaire, leur proposition d'assurance dentaire pour les 0 à 18 ans, c'est très bien. L'aspect, en fait, de la campagne électorale qui m'a le plus interpellé, c'est la réduction progressive des véhicules de Québec solidaire pour l'environnement. Alors, avant d'arriver, de revenir un peu sur ce qui intéresse les jeunes lors de cette campagne, simplement vous mentionner qu'il y a 2 minutes, Radio-Canada a mentionné que si la tendance se maintient, le prochain gouvernement du Québec sera un gouvernement majoritaire et qu'il sera formé par le parti de la coalition Avenir Québec. Alors, on verra. Ah, et voilà. Et ça sent la vague. Ça sent la vague, la vague bleue poudre. Ça sent la vague bleue poudre. Je regarde tout à l'heure un peu. Et bon, j'avais prédit au début un minoritaire caquiste, mais inévitablement, on s'en va vers un gouvernement majoritaire, ce qui va éloigner une élection précipitée avec un gouvernement minoritaire. On reconnaît le politicien en toi, là, qui fait du judo avec le minoritaire à majoritaire. Non, il faut trouver le bonheur dans le malheur. Absolument. Mais revenons donc à ce vox pop, si vous voulez bien. Ouais. On aura tout le temps voulu, bien sûr, pour parler des résultats. Est-ce que ça vous étonne ce que les jeunes ont mentionné comme étant des éléments d'intérêt pour eux lors de cette campagne électorale-là, ou c'est des sujets qui, de tout temps, ont intéressé les jeunes qui le sont moins aujourd'hui? Ben ça, non, ça ne me surprend pas. Retournons en arrière dans les années 70. Avec le mouvement souverainiste, avec René Lévesque, avec les jeunes, c'était la révolution ou le dernier droit de la révolution tranquille, où il y avait plein de choses à changer, il y avait des défis au Québec énormes qui ont été pour la plupart, peut-être pas toutes résolues, mais disons, les combats ont été faits. Luc, je t'interromps parce que dans Taschereau, on vient d'annoncer la victoire de Catherine Dorion. Et voilà. C'était prévisible. Le Québec solidaire. Félicitations à Catherine Dorion. Donc, félicitations. Une première percée pour Québec solidaire en dehors de la région de Montréal. Exactement. Excellent. Et c'est un comté qui appartenait au Parti québécois, bien sûr, depuis longtemps, avec Mme Maltais. Mme Maltais. Et Diane Lavallée, qui mord la poussière, qui est troisième pour l'instant, qui est derrière la caquiste Svetlana Solomikina. Faire en sorte que tu n'aies pas à prononcer son prénom. Svetlana. Non, bon. Puis on ne peut pas donner de surnom. Hein? Non, pas ce soir. On le voit présentement. Et quand on parlait au début, on avait parlé dans d'autres émissions la semaine dernière. Une vague, c'est difficile à voir venir. C'est un peu comme un tsunami où tu as eu un tremblement de terre. On l'a eu, le tremblement de terre, avec des sondages. Mais là, on assiste vraiment là, à un. Je dirais pas un raz-de-marée, mais vraiment là, une vague là, quand même assez forte de la part de la CAQ. Une déferlante. Oui, mais c'est... J'aime bien déferlante. Déferlante. C'est deux pôles aussi à un certain point. Vous avez vraiment les libéraux et la CAQ qui sont d'un côté vraiment, tu sais, un peu en guerre, si j'ose dire, et en bas, vous avez le PQ et Québec solidaire, ouais, ça aussi sont ensemble, mais on a comme vraiment deux pôles qui essaient de prendre le chemin. Oui, et tu fais bien de soulever ça. Peut-être ce qui explique cet élément-là, c'est qu'il n'y a plus d'axe constitutionnel, il n'y a plus de souverainiste. Bon. Alors ça change les choses. L'option a été mise à l'écart dans la dernière course à chefferie avec Jean-François Lisée. Ensuite, moi, j'ai toujours dit ce qui a permis, ou pas ce qui a permis, mais ce qui a ouvert la porte à plusieurs souverainistes d'aller voir ailleurs. Est-ce que c'est le temps d'une campagne? Est-ce qu'il y aura un retour? Mais quand tu as perdu, c'est difficile de ramener les brebis au bercail. Très difficile. Parlez-en, Mme Bourdon, quand on commence à magasiner ailleurs, c'est difficile de revenir à nos magasins du début. Ils n'ont peut-être pas envoyé magasiner, mais ils ont envoyé voir ailleurs. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ce qui est dangereux. Alors, dans Marquette aussi, dans Marquette, bien sûr, qui est un fief libéral, il y a l'ancien joueur de hockey, Enrico Ciccone, qui a été élu pour le Parti libéral. Marquette, qui avait été l'objet d'un... une espèce de petite crise, si on veut. François Ouimet qui avait été cavalièrement remercié de la part de M. Couillard et on avait fait place au candidat vedette, si on veut, Enrico Ciccone, qu'on n'a pas vu, incidemment, non plus dans la campagne électorale, à peu près pas. Mais qui finalement remporte Marquette sans grande surprise. Ouais, Marie-Soleil, j'aimerais ça t'entendre sur le Vox Pop. Est-ce que ce sont des sujets que toi-même t'aurais mentionné ou ça t'étonne un peu ce qui a été mentionné par les jeunes qu'on a entendus? Ça m'étonne pas du tout. Non, en fait, pour moi-même, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, des sujets que j'aurais dit, que j'aurais parlé. Cependant, j'ai quand même été surprise de voir... on parle beaucoup d'environnement, définitivement. C'est un concept, c'est un aspect que les jeunes tiennent extrêmement à cœur. Et un peu comme on disait tantôt, un peu avant, c'est quelque chose qui était un peu moins parlé, si j'ose dire, par les gouvernements, par les partis. Et maintenant, c'est quelque chose qui est très important pour les jeunes, et je pense une des raisons pourquoi, par exemple, le Parti québécois et Québec solidaire vont aller remporter justement les jeunes de 18 et 30 ans. Mais aussi pour... il y avait une jeune fille qui parlait de l'immigration. C'est un sujet que je suis surprise de ne pas avoir entendu plus parler. Parce que, encore là, sans vouloir faire de stéréotypes ou de généralisations, les jeunes sont vraiment... aiment beaucoup aller... imaginer un pays sans frontières. Ouais, La diversité, exactement. Puis une seule jeune fille, tu sais, qui en a parlé. Ouais. Pour moi, personnellement, c'est un sujet que je trouve qui s'est fait, oui, parler dans les débats, mais un peu comme on l'a gratté. Mais sans plus, on s'est concentré quand Legault a fait sa petite erreur de génie. Mais en dehors de ça, on dirait que les gens n'ont pas nécessairement été autant à l'intérieur du sujet. Et je pense que les médias aussi autour de ça essayent de pas non plus trop en parler, peut-être par problème de polémique ou autre, mais définitivement que l'environnement, c'est un sujet qui va revenir et revenir. En parlant justement de l'immigration et de celui qui s'est un peu emberlificoté avec tout ça, il vient d'être confirmé élu dans l'Assomption, bien sûr, François Legault, qui est élu avec 63% des votes, qui a défait le péquiste, c'est-à-dire la péquiste, Sylvie Langlois-Brouillette et Québec solidaire, qui est troisième dans l'Assomption quand même. Marie-Claude Brière, qui représentait Québec solidaire. Laissez-moi juste voir du côté de Jean-François Lisée, qui tire de l'arrière par 12 points contre Vincent Marissal dans Rosemont. Et ça, écoute, il est tôt, il ne faut pas jouer les prophètes de malheur, mais nécessairement que si M. Lisée n'est pas réélu dans Rosemont, ça se pourrait qu'il fasse autre chose que de la politique. Ça va faire dans mal. Quelques semaines, Oui, ça va faire mal. On sait déjà, on peut déjà voir l'apparition de plaies qui vont être à guérir après. Il y en a peut-être même si on va prendre des thérapies. Mais il est évident que pour M. Lisée, et vous le disiez, Jean-François, au début de l'émission, QS était même en avance de quelques points. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Donc, ça va être très difficile. QS est en avance de 12 points, Luc, dans Rosemont. C'est énorme. Mais sans Marissal, il devrait être peut-être déclaré élu dans quelques bureaux de vote. Ça sera pas très Mais je pourrais y revenir peut-être un petit peu plus tard au niveau de qu'est-ce qui arrivera. Ben, c'est prévisible. C'est évident que... c'est quelqu'un de Pointe-aux-Trembles qui pourrait être intéressé, tu penses, Jean-Martin Hassan? Oui, mais il faut voir dans Pointe-aux-Trembles comment ça se traduit. Je n'ai pas regardé. C'est ça, effectivement. C'était serré dans Pointe-aux-Trembles. Il n'y avait rien de gagné. Pointe-aux-Trembles, tu vois, je désire les résultats devant moi. Il y a Chantal Rouleau qui est en avance. Chantal Rouleau qui représente la CAQ, qui est la mairesse, d'ailleurs, de l'endroit, Chantal Rouleau, qui a reçu des menaces de mort, d'ailleurs, pendant la campagne électorale. Elle est accompagnée de gardiens de sécurité pendant très longtemps. Au début de la campagne. Elle allait devant par 8 points ou à peu près sur Jean-Martin Hossan, qui est deuxième, et il y a Céline Pereira, qui est troisième pour Québec solidaire. Ricolette ferme la marche en quatrième position. Alors, c'est pas gagné non plus pour M. Hossan. C'est pas facile dans Rosemont pour M. Lizé. Ça ne l'est pas davantage dans Pointe-aux-Trembles pour M. Hossan. C'est une des raisons pour lesquelles, Jean-François, moi, je ne veux pas m'avancer là, à ce moment-ci de la soirée, sur qu'est-ce qui pourrait arriver de l'avenir, un, de M. Lizé, deux, du parti lui-même. Oui, c'est ça. Pas oublié, du parti lui-même. C'est un peu tôt, par contre, pour parce ça. Parce qu'il est un peu tôt. On va regarder, voir un peu que. Parce que si, mettons, le Parti québécois faisait élire ou réélire moins de 10 députés. Oh. Oui, ben, moi, je dirais plus que. Que le seuil pour être reconnu comme un parti officiel à l'Assemblée nationale, c'est 12 députés. C'est 12 députés, moi, je dirais. Si vous n'atteignez pas ce seuil-là, vous n'avez pas de budget de recherche. Ouais. Alors, et vous n'avez pas beaucoup de temps parlementaire non plus pour poser des questions. Ça risque d'être compliqué. Alors, avant de passer à une pause musicale, si vous voulez bien, je vais d'abord vous donner les grands résultats de la province pour ensuite dire quelques mots de Jean Lesage. Alors, pour ce qui est de l'échiquier provincial, eh bien, c'est la CAQ qui est en tête, bien sûr, avec un total possible de 72 députés. On rappelle que la majorité s'établit à 63 députés. Le Parti libéral suit en deuxième position avec un total possible de 35, alors qu'on prévoit peut-être 5 députés péquistes et 5 députés du Québec solidaire. Ouais. Le PQ, ça va vraiment mal. Ah non, vraiment c'est la débandade totale. Quelques mots sur Jean Lesage avant de faire la pause musicale. Dans Jean Lesage, là où nous sommes présentement, il y a Mme Gamache de la CAQ qui est en avance de 4 points sur Québec solidaire, représenté par Sol Zanetti, et suit en troisième position, Mme Bourdon du Parti libéral. Ah, dans Jean-Lechard, la CAQ est en avance? La CAQ est en avance pour l'instant avec 30 bureaux de vote de dépouillés sur 168. On vous revient dans quelques instants, on fait une pause musicale. Je vous rappelle que vous écoutez la soirée électorale à CKRL le 89.1. On vous revient dans quelques instants. Thank you. Alors, c'était bien sûr Alex Nevsky avec la pièce Les Coloriers. On va faire d'abord un tour des comtés qui nous intéressent plus davantage, si on veut, dans la région de Québec. Marie-Soleil avec... Charlebourg. Charlebourg, Jonathan Julien de la CAQ, 48,3%, et il a remporté avec 2600 voix, et là, ça continue à augmenter. François Blais, 26,1%, juste en dessous. Et... François Blais, qui est le ministre sortant, responsable de la solidarité sociale. Oh, oui, définitivement. Ancien recteur de l'Université Laval. Alors, on aura une nouvelle carrière pour M. Blais. Je te laisse continuer avec les prochains résultats. Vice-recteur ou recteur? Vice-recteur. Vice-recteur, oui. Mais quand même. Le PQ avec Annie Morin, 11,1%. Québec solidaire, par la suite, Elisabeth Germain, 10,8%. Et Valérie Tremblay pour la suite avec 3,1%. Donc, c'est ça, Jonathan Julien, énorme avance. Jonathan Julien, oui, qu'on déclare élu dans Charlebourg. Dans Jean Talon, Luc, ça se passe comment? Jean Talon ici avec Sébastien Proulx qui mène avec 2206 voix, suivi de Joël Boutin de la CAQ avec 1575 votes. Sylvain Barrette du Parti québécois, 848 voix. Patrick Provost de QS avec 609 voix. Et Carl Bérubé du Parti conservateur, 83 voix. Et bon, et de suite, les autres avec 50 voix. Et bon. Donc, Sébastien Proulx mène à l'heure actuelle avec 2206 voix. Bon, excellent. Merci beaucoup. Bien sûr qu'on va vous tenir informés des différents résultats au fur et à mesure que nous les obtenons nous-mêmes. Il y a bien sûr le docteur Barrette qui vient d'être réélu dans la Pinière. Ce n'est pas une surprise. Pas de surprise. De la même façon pour Christine Saint-Pierre, ancienne journaliste de Radio-Canada, qui vient d'être réélue dans l'Acadie. C'est intéressant. Puis comme je vous dis, on va vous mentionner, bien sûr, les résultats au fur et à mesure qu'on va les obtenir. Mais j'aimerais amener une question. On reviendra tout à l'heure, mais je ne vais pas l'oublier. Oui. Est-ce qu'on pourra parler tout à l'heure? Qu'est-ce qui va advenir des vedettes comme Gaétan Barrette dans l'opposition? Vont-ils rester ou démissionner? On en reparlera tantôt. Alors, on a entendu justement tantôt lors du Vox Pop, mais aussi à cause de la charmante présence de Marie-Soleil avec nous ce soir, la position des jeunes un peu sur les élections. Ça, c'est intéressant de l'avoir. Mais évidemment, il n'y a pas que les jeunes qui sont interpellés par cette élection-là. Les jeunes qui, je le souhaite, votent davantage cette fois-ci qu'ils ne l'ont fait par le passé. Mais il y a aussi les aînés. Et ça, c'est intéressant. Justement, aujourd'hui, c'est la Journée internationale des aînés. Oui. Ça, c'est intéressant d'en parler. Et on a quelqu'un au bout du fil qui s'appelle Maude Pétel-Légaré et qui, justement, est allé aux résidences Patrick sur Grande Allée et qui a rencontré des aînés et qui a obtenu de ces aînés-là un certain nombre de témoignages intéressants. Alors, on va mettre Mme Pétel-Légaré en ligne. On va pouvoir discuter, justement, avec elle de ces témoignages. Alors, bonsoir, Mme Pétel-Légaré. Vous allez bien? Bonsoir, ça va très bien. Merci, et vous? Merci, absolument. Merci de participer à notre émission. C'est très gentil à vous. Alors, comme je le mentionnais, c'est la Journée internationale des aînés. Vous avez eu la chance, justement, d'aller dans une résidence pour personnes âgées, de vous entretenir quelques instants avec certaines de ces personnes qui habitent la résidence pour personnes âgées Saint-Patrick sur Grande Allée à Québec. Oui, exactement. En fait, je voulais savoir comment ils avaient pensé, qu'est-ce qu'ils pensaient justement de la campagne électorale. Est-ce qu'ils trouvaient qu'on avait assez parlé des enjeux par rapport aux aînés? Donc, je suis arrivée dans la résidence, dans la salle commune. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde, mais il y avait la télévision qui était ouverte. Donc, il y avait quelques personnes qui regardaient justement les résultats électoraux. Mais c'est en discutant avec ces personnes-ci que je me suis rendu compte que les personnes qui écoutaient réellement la soirée électorale étaient dans leur chambre. Et j'ai eu la chance de discuter avec Pierrette Turgeon, qui, elle, va suivre la soirée avec énormément d'intérêt, car elle trouve ça important de savoir qui la gouverne. Donc, je lui ai posé dans le cadre de la Journée internationale des aînés, si elle avait une suggestion, un message qu'elle voudrait passer au gouvernement, prochain gouvernement qui arriverait. Et sa suggestion serait qu'on aille les voir un peu plus souvent et qu'ils leur accordent le droit d'aînés, tout simplement, donc plus de visites. Ah oui, c'est intéressant. Donc, elle souffrait un peu d'isolement, si on le veut, puis elle se fiait aux élus pour justement les désennuyer, les animer et faire en sorte qu'ils aient leur place et leur droit, finalement, leur voix au chapitre, bien sûr, comme toutes les autres personnes. Est-ce que les aînés, de bon aloi, se prêtaient à ces témoignages-là? Est-ce qu'ils discutaient librement avec vous? Est-ce qu'ils partageaient leurs opinions politiques et où il y avait une certaine gêne que vous ressentiez chez les gens? Non, pas du tout. Ils étaient extrêmement heureux de ma présence parce que ils sentaient que ma présence leur donnait la parole. Ils voulaient donner la parole. Ils voulaient parler pour une fois de leur situation. Et j'ai eu la chance de rencontrer Lucie Carignan, qui est une sorte mère qui a 101 ans et qui, elle, est très intéressée par la politique parce que son père était dans le gouvernement du Plessis. Ah, oh, quand même! Oui, vous pouvez comprendre l'ampleur de la politique, ce que ça représente pour elle. Elle n'a pas pu voter cette année, malheureusement, parce que à cause de problèmes liés aux yeux, mais pour elle, la politique, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, puis ça lui a vraiment permis de discuter, et on a eu vraiment une conversation extrêmement intéressante ensemble. Et est-ce que vous avez senti, comme dernière question, c'est chez Jean, justement, des positions politiques très tranchées, ou s'ils étaient plutôt disposés à converser, à discuter et peut-être même à changer d'idée? Est-ce qu'ils faisaient partie des fameux indécis, des personnes âgées, ou si vous avez plutôt constaté que leurs idées étaient faites et que de tout temps, ils avaient voté Parti libéral, Parti québécois, ou peut-être Québec solidaire même, qui sait? J'ai plutôt constaté que leurs idées étaient déjà faites parce qu'ils n'ont pas pu vraiment suivre entièrement la campagne électorale. Il faut comprendre que ces gens-là sont âgés, donc c'est quand même assez demandant. Mais ils trouvent que les politiciens devraient s'occuper beaucoup plus des aînés. Donc vraiment, j'ai ressenti cette volonté, cette revendication-là de donner la parole aux aînés. Mais ils sont très intéressés et sont en train de suivre justement les résultats électoraux. Alors, Mme Maude Pétel-Légaré, je vous remercie beaucoup de votre participation à cette soirée électorale à CKRL. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de soirée à vous. Alors, on est de retour en studio. Luc, quelques résultats encore une fois dans Rosemont. Écoute, on a seulement 23 bureaux scrutins dépouillés sur 178, mais Vincent Marissal, qui est toujours en avance par 200 voix. Combien de bureaux? Ben seulement 23 sur 178. C'est trop tôt encore. C'est un petit peu tôt. Oui. Mais on vient d'annoncer à TVA là, un gouvernement officiellement CAQ majoritaire. Ben oui. Là-dedans, c'est clair. Oui, je suis assez content d'abord parce que j'ai gagné le pari. Qu'est-ce qu'on avait gagé déjà? Moi, j'avais dit... une voiture? Oui. Mais on avait gagé un café, quand même pas un gros enjeu. Un petit morceau de ta côté, c'est pas super. On n'aura pas longue marche à faire. Mais c'est quand même drôle, il y a comme 4 minutes, Jean Lesage, vous aviez CAQ qui était en avance, et là, Sol Zanetti a augmenté un petit peu plus avec une avance de 137 voix en ce moment. Quand même, donc ça va être très serré dans Jean Lesage. Oui, ça s'interchange. Ça, c'est intéressant. Dans Roberval, alors qu'on mentionnait que M. Couillard était peut-être en danger, ça semble pas s'avérer ce soir, en tout cas, parce que pour l'instant, il est en avance de 746 voix. On a 31 bureaux de dépouillés sur 163, alors il mène à 42% des suffrages exprimés. Sur la caquiste Denise Trudel, Luc, de ton côté, qu'est-ce que tu as de bon? Ben, dans Jonquière, Sylvain Godreau, qui quand même, au niveau du Parti québécois, candidat, quelqu'un qui est très connu, élu dans Jonquière. Bon, ça, c'est intéressant. On ne l'a pas vu beaucoup, justement, Sylvain Gaudreau, pendant la campagne électorale. Non. Peut-être qu'on l'a un peu failli du côté de M. Lisée, parce que c'est un candidat solide, quand même. Oui, mais c'est ça. Mais on l'a dit tantôt avec quand on avait M. Gendron avec nous en onde, et c'était une campagne de chef. Mm-hmm. L'autre facteur aussi qui joue, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avec le pourcentage là, que le Parti québécois allait chercher, très faible, les candidats avaient une tendance et un réflexe à demeurer chez eux sur le terrain. Ouais, et je vais mettre mon énergie pour au moins essayer de me faire réélire. Sauver ma peau. Luc, on va faire une pause publicitaire. Alors, je vous rappelle que cette soirée, justement, électorale à CKRL est présentée en collaboration, bien sûr, avec l'Exemplaire, qui est le Média École des étudiants en journalisme de l'Université Laval. Vous écoutez le 89.1. Au microphone, Jean-François Artaud avec Luc Ferland et Marie-Soleil No. On fait donc une pause publicitaire et on revient dans quelques minutes avec d'autres résultats électoraux, bien sûr, et nos impressions sur le déroulement de la soirée jusqu'à maintenant. Merci d'être avec nous. CKRL, communication, culture. Sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Table de quartier L'Engrenage Saint-Roch, La Rotonde, les éditions Intervention, Alliance Arc-en-Ciel de Québec, Production Bonne Maison. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Laissez-vous impressionner par le souffle rebelle que Beethoven insuffla à son troisième concerto. Le pianiste français Cédric Stébergen rend hommage à ce tournant radical qui marqua la carrière du grand compositeur. Ce mercredi 3 octobre à 19h30 au Palais Montcalm. Hydro-Québec, partenaire de saison. Le samedi 6 octobre, 19h, préparez-vous à une soirée unique où seront mis en valeur des talents 100% locaux. Jérôme Casabon, Blaise Velluto, Ticu Lajoie, Rob Bob et Pico Larouche se partagent la scène, accompagnés d'un house band dirigé par Hugo Lemalte. Il aimait les petits culs. Le samedi 6 octobre, 19h, vous êtes conviés au Bal du Lézard pour un cabaret 100% Limoilou, gratuit et ouvert à tous. Une invitation du conseil de quartier du Vieux-Limoilou à l'occasion de son 25e anniversaire avec l'appui de la Caisse des Jardins de Limoilou et de la Ville de Québec. Information monlimoilou.com/jpp. À découvrir cet automne au Palais Montcalm Maison de la Musique, le virtuose de la contrebasse Petros Klampanis le 18 octobre, la brillante chanteuse jazz Elizabeth Shepherd le 26 octobre et encore du jazz avec la talentueuse chanteuse canadienne Holly Cole le 3 novembre. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. Vous êtes immigrant et vous cherchez une formation qui vous permettra rapidement d'obtenir un emploi en grande demande? Inscrivez-vous au programme Production et gestion de la qualité en industrie offert à la formation continue du Cégep de Sainte-Foy. En un an seulement, devenez un opérateur capable de travailler dans une usine de fabrication dans le secteur pharmaceutique, des biotechnologies, des cosmétiques ou des produits alimentaires et contribuez au contrôle de la qualité. Cette formation vous intéresse? Plus de détails sur le site web de la formation continue du Cégep de Sainte-Foy. Ensemble, on avance vers de nouveaux projets de vie. La formation continue du Cégep de Sainte-Foy. Nous éclairons, vous brillez. Quel match! Quel match! Vous voulez tout savoir sur les remparts, le Rouge et Or, les capitales, le sport scolaire et professionnel. Première Loge Sport est votre rendez-vous sportif au 89.1. Au menu, résultats, analyses et entrevues. Ici Dominique Girard, en compagnie de Marie-Pierre Gosselin et de nos différents chroniqueurs. Je vous donne rendez-vous chaque mardi dès 15h30. Première Loge Sport. Je suis une voix. Bonjour, bonjour à tous, 7h, alors voilà, on part l'émission des Matins éphémères. Bonjour à tous et bienvenue dans Première Loge, Jessica Caleb avec vous. C'est KRL. J'informe. La soirée électorale vous est présentée dans le cadre des élections générales provinciales 2018. On est de retour à la soirée électorale sur CKRL de 89.1. Vous donnez d'abord les résultats provinciaux. Alors, à peu près tous les médias, si je ne me trompe pas, ont déclaré que le gouvernement serait majoritaire et qu'il serait CAQ. Et d'ailleurs, ça vient d'être confirmé tout juste par Radio-Canada. Vous donnez les résultats, encore une fois, à l'échelle provinciale. La CAQ est en tête, bien sûr, et elle sera élue. Elle obtiendra son premier gouvernement majoritaire quand même. Alors, il y aura du changement au Québec dans les prochaines heures, c'est entendu. On a 77 comme possibilité de députés élus du côté de la CAQ. Je vous rappelle que pour avoir la majorité, il en fallait 63. Alors, bien sûr qu'on sera bien au-delà du 63. 39 élus déjà, 38 en tête pour la CAQ. Le Parti libéral a 18 élus, 14 en tête pour 32. Le Parti québécois, je vais vouloir t'entendre là-dessus, Luc. 3 élus, 5 en tête pour 8 et Québec solidaire qui ferme la marche, mais quand même qui est au même niveau que le Parti québécois, avec 2 élus et 6 en tête. Toute une débarque pour l'instant pour le Parti québécois, Luc. C'est la pire des scénarios qui était envisagé. Il était envisagé, pas par le Parti québécois, mais on avait parlé, j'en ai parlé plusieurs reprises, le pire des scénarios, c'était 10 députés et moins. Là, on n'a pas une reconnaissance de parti officiel, ce qui fait très mal. Le chef est en deuxième. C'est un peu tôt, encore une fois, mais il tire de l'arrière par 300 voix là, sur Vincent Marissal, qui mène la marge dans Rosemont. Rappelle-nous donc la pire performance du Parti québécois. Ah oui, ben la pire performance est en 85, avec l'élection de 23 ou 26 députés de mémoire, mais je pense que c'est 23. Aux élections de 85, Robert Bourassa était revenu. Et on se rappelle, la crise a été la pire, les pires résultats à date. Mais là, ce soir, là, écoute, c'est le début de la fin. Oui, c'est ça, exactement. Alors... Marie-Soleil, tu as la pelleterie pour nous, je pense. Hein? Oui, pelleterie. Éric Kerr remporté avec 56,7%. Une belle avance pour lui. Très fort. Libéral juste en dessous et PQ ensuite, et ensuite QS. Et je viens de voir, en fait, on disait justement pour le PQ que c'était... c'était difficile en ce moment. Mais de ma vision des choses, le PQ a comme une décroissance, si j'ose dire, assez négative, historique négativement. Contrairement à Québec solidaire, qui lui a une croissance historique, fait qu'on dirait que c'est vraiment des pôles qui s'échangent d'un positif à un négatif. Et plus Québec solidaire qui est en avance, en fait, dans 9 circonscriptions en ce moment. Donc, on ne sait pas à quel point ça va pouvoir changer vite. Alors, c'est un peu inespéré et inattendu, comme aurait dit Godot. Mais il faut que ça change. Alors, Québec solidaire, justement, parlons-en, parce que c'est une grande victoire pour eux. D'abord, dans Taschereau, Catherine Dorion, qui a remporté Taschereau. Oui. C'est un élément important. C'est le premier comté que Québec solidaire remporte à l'extérieur de l'île de Montréal. Et on a justement quelqu'un qui est avec nous, qu'on va mettre en ligne, Vicky Plourde, qui est au Musée national des Beaux-Arts du Québec, qui est au quartier général, finalement, de Québec solidaire. Madame Plourde, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ben, ça va très bien, merci. J'imagine que l'ambiance, là où vous êtes, ça doit être assez survolté, non? Écoutez, j'ai été obligée de sortir vraiment du Musée des Beaux-Arts parce qu'en ce moment, on ne pourrait pas s'entendre. Les partisans sont survoltés. Il y a même des partisans à l'extérieur qui ne peuvent plus rentrer à l'intérieur. Je doute que l'ambiance est encore plus survoltée, même que la CAQ. C'est fou. Et si vous deviez me décrire un peu la population qui compose ce rassemblement général-là, est-ce que ce sont plutôt des jeunes, des gens d'âge moyen ou des gens d'âge certain, dirons-nous? Ben, d'après mes observations, il y a quand même beaucoup de jeunes, je vous dirais, effectivement, mais c'est quand même surprenant, là. Il y a d'autres groupes d'âge également qui sont présents, mais oui, bien évidemment, là, c'est un parti qui est populaire auprès des jeunes, pour reprendre les mots de Québec solidaire. Et lorsque vous avez appris la victoire de Catherine Dorion dans Taschereau, j'imagine que ça a dû être l'exclamation totale au Musée des Beaux-Arts, non? Oui, c'est la frénésie. Puis vraiment, on voit que Catherine Dorion, c'est une candidate qui était très appréciée de Québec solidaire. Là, on parlait avec les partisans, avec les gens sur place. Puis ils mentionnaient beaucoup que c'était une personne très humaine, qu'elle avait une belle approche. Donc vraiment, c'est une belle victoire pour Québec solidaire. Bon, c'est intéressant. Ce qu'on vous donne comme chiffre pour l'instant, c'est que vous pourriez faire élire à Québec solidaire 7 personnes. C'est intéressant. Vous êtes en avance, entre autres, dans Laurier-Dorion avec Andrés Fortisella à 49,2%. Donc, une belle soirée en perspective pour les gens de Québec solidaire. Je vous remercie de votre participation et certainement qu'on va avoir, encore une fois, faire appel à vous un petit peu plus tard dans la soirée. Oui, Luc, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, j'ai peut-être une question par Québec solidaire par rapport au Parti québécois. On disait tout à l'heure en ondes, dans nos discussions, il y a deux pôles là, qui s'affrontent un peu. La CAQ d'un côté avec le Parti libéral et de l'autre côté, Québec solidaire et le Parti québécois qui se partagent le reste des votes. Mais on voit que le Québec solidaire qui a fait, on l'a dit au début tantôt, Manon Massé, l'équipe, une très bonne campagne. Le Parti québécois n'a pas fait une mauvaise campagne, mais l'aiguille a été loin de bouger. Elle n'a jamais bougé. Et au contraire, on voit ce soir le pire des scénarios qui pouvait arriver au Parti québécois, c'est 10 députés. Moi, on se dirige vers une élection ou réélection de 8 députés. Alors, à Québec solidaire, on voit ça comment, la suite des choses? La soirée n'est pas terminée, là. Hein? Je pense que Québec solidaire a toutes les raisons au monde de se réjouir ce soir, de festoyer, parce que c'est des résultats. Moi, je pense que le grand parti gagnant ce soir, malgré la CAQ, ce sera Québec solidaire. Alors, c'est ce qu'on ressent là-bas au Musée des Beaux-Arts. Il doit y avoir beaucoup d'ambiance, énormément de plaisir et d'allégresse aussi. Effectivement. Parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation encore une fois. Ça fut fort agréable. Et je vous souhaite une belle fin de soirée. Je suis convaincu qu'elle sera remplie de promesses et de plaisir cette fin de soirée. Merci à vous. Allez, à la prochaine. Alors, on est de retour en studio. Ben, justement, évidemment, chez Québec solidaire, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui est réélu, sans grande surprise, dans Gouin. Il y a Mme Massé également qui est réélue. Et on a 7 députés possibles pour Québec solidaire, 9 maintenant du côté du Parti québécois. J'ai ici Harold Lebel d'Arimouski élu. Harold Lebel est un excellent député. Oui, excellent député. D'ailleurs, qui a été 2 ans de suite élu par ses pairs, meilleur député de circonscription. Oui, tout à fait. Alors, Harold Lebel qui est réélu dans Rimouski. Très heureux pour mon ami Harold Lebel. Déçu pour le parti, mais Harold... Peut-être une surprise ici, Luc, dans Lobinière-Frontenac, qui était le comté de Laurent Lessard. C'est la caquiste Isabelle Lecourt qui vient d'être élue. Alors, un changement du côté de Ted Fermines. Frontenac, c'est Ted Fermines ou à peu près, là, c'est pas très loin de Québec. Ouais. Alors, Laurent Lessard, bien sûr, qui avait décidé de ne pas se représenter, mais c'est un comté libéral depuis plusieurs années. Depuis longtemps, j'aimerais ça. Peut-être qu'on regarde le tableau, le rituel, des prévisions pour les libéraux de se faire élire. Combien? Parce qu'il y en a qui disaient au début, ah, 50 députés, ils n'auront jamais ça. Écoute, pour l'instant, les libéraux, ce qu'on leur donne comme, comme scénario le plus optimiste, c'est 35 députés. Non, on en a 18 seulement de confirmés d'élus jusqu'à maintenant, 17 qui sont en tête pour un maximum de 35. Ouais. On n'aurait pas soupçonné ça, sincèrement. Non, on revient aux grosses années entre, on revient aux années entre le libéral et le Parti québécois. Oui. Rappelez-vous, où on disait, les libéraux, de toute façon, ils partent avec au moins 30 députés sûrs. Mais on est à 35. Mais là, on n'est pas très loin de ça. Là. On est à 35, 36, effectivement. C'est, et voilà, c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir un peu comment ça va. Mais la CAQ, elle vient dans les voiles. Là. Ah. C'est incroyable. Ça va être un gouvernement majoritaire. Donc, la bonne nouvelle, au moins un gouvernement pour 5 ans. 4 ans, t'as dit? 5 ans, quoi. Non, tu as changé la loi électorale, toi? J'ai vécu des gouvernements de 5 ans. Oui. On pouvait déclencher on peut dans plus la faire 5e ça. Année. Oui, et c'est voilà, ça. Dans la 5e année. Ça. Ouais. Exactement. Ouais. Marie-Soleil, pendant que tu prends une gorgée, dis-moi, qu'est-ce que tu as comme résultat de ton côté? Charlebourg, peut-être? Ah, ben, Charlebourg, c'est la CAQ. C'est la CAQ, définitivement. La CAQ, oui. Côte-de-Beaupré, en ce moment, c'est la CAQ qui est en avance. Encore et toujours avec 44,8. Montmorency? Montmorency. Élu de la CAQ. Ah, oui, Simard. Jean-François Simard. Ah, oui, Jean-François Simard, élu. Mais il y avait tantôt que je regardais, c'était Jean Lesage que j'avais regardé tantôt. Ben, c'est ça. Là, ça ils font une course. Là, ils se dépassent depuis tantôt. Ouais. Là, il y a deux petites minutes, c'était Christiane Gamache avec la CAQ. Là, finalement, c'est Solzanetti. C'est 0,1%. Là, ils se courent après. Alors, c'est extrêmement serré. Un autre endroit où c'est très serré aussi, c'est à Montréal, sur la rive sud. Alors, Marie-Victorin, la députée sortante du Parti québécois, Catherine Fournier, qui est en avant par 98 voix sur la caquiste Martine Prévost et suivie par le Québec solidaire, le représentant de Québec solidaire, M. Carl Lévesque. Alors, Mme Fournier, là, qui voit sa majorité fondre, évidemment, il y a 19 bureaux de scrutin de dépouillés sur 157. Alors, il est encore très tôt dans la soirée pour le comté de Marie-Victorin, mais la députée péquiste qui est un peu en danger ici, encore une fois. Alors, Luc, de ton côté, tu regardes quel comté pour l'instant? Je regarde dans Bourget, Macacoto, quand même, qui tire de l'arrière au départ du candidat de la CAQ, Richard Campeau, qui est à 1348 voix, et Macacoto à 1277. C'est quand même serré. Et c'est une course à trois, là. Marlène Lessard de Québec solidaire avec 995 voix. Et il y a Vincent Girard, des libéraux, 600, mais disons que c'est une course à trois là, dans Bourget présentement. Dans Vachon, avant de passer une pause musicale, dans Vachon, on a confirmé comme étant député élu, c'est-à-dire candidat élu plutôt, à titre de député, bien sûr, Yann Lafrenière. Pour la coalition Avenir Québec. M. Lafrenière, qui était un ancien porte-parole de la police, hein, de la police de Montréal, alors qu'il était député. C'est son premier mandat, si on veut, comme député. Moi, j'ai l'impression qu'il va bien faire, M. Lafrenière. C'est un gars qui s'exprime très bien. Ben, c'est quelqu'un qui est un spécialiste des communications. Il était responsable des... on le voyait toujours à la TV. Oui, c'est ça. Le charisme. Exactement, beaucoup de charisme. Mais c'est ça, en ce moment, c'est 4 élus, 4 en tête, 4 total pour Parti québécois et Québec solidaire. Donc, alors, c'est sur ces chiffres que nous allons faire une pause musicale. On va vous revenir, bien sûr, en studio après cette pause musicale. Je vous rappelle que vous écoutez la soirée électorale sur les ondes du 89.1 CKRL. On vous revient après cette pause. Je suis celui que les curés de la grande messe électorale fustigent du haut de leur jubé comme l'incarnation du mal. Parce que moi, je rentre pas dans le rang, je ne réponds pas présent. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, mais pour moi les urnes, c'est pour les morts. Je vais pas mettre mon grain de sel dans soupe, elle a mauvais goût, quoi qu'on y ajoute. Oh non, je ne voterai pas. Mesdames les suffragettes, je vous aime bien, mais je vais pas vous accompagner au bureau de scrutin. Non, je ne voterai pas, je ne voterai pas. Je prends le maquis, je suis le déserteur de la démocratie. Je fais défection, je fais défile. Je n'irai pas faire la file. Je reste sur le quai, je monte pas dans le train. J'apporte pas d'eau au moulin, oh non. Je ne voterai pas, oh non. Je ne voterai pas. Je suis celui qui s'isole, loin des isoloirs. Je foxe le vote que le diable emporte. Je fais l'élection buissonnière. Dès que la campagne commence, je débande pour de bon. À tel point que mon abstention dégénère en abstinence. Je mets du pot sur mon bulletin de vote. Je roule, j'allume, puis je fume. Oh non, je ne voterai pas. La démocratie part en fumée. Je regarde la boucane et puis ça me fait pleurer. Oh non, je ne voterai pas. Je ne voterai pas. Non, j'ai pas le temps. Remplissez-le vous-même, votre parlement. Je vais mettre tout mon poids à côté de la balance. Je vais faire retentir mon silence. Je suis l'homme qui ne met pas son X. Je ne veux pas de ma voix dans le mix. Oh non, je ne voterai pas. Oh non, je ne voterai pas. Alors, j'espère que vous n'avez pas fait comme mon oncle Serge, justement, que vous avez voté aujourd'hui. Alors, c'était « Je ne voterai pas, mon oncle Serge » comme pièce musicale. Quelques résultats, peut-être, avant de passer à un candidat libéral défait dans Lévis, Abdoulkadir Apiké, qu'on aura en ligne dans quelques instants. Des résultats dans Rosemont, qui est évidemment le comté du chef du Parti québécois, Jean-François Lisée. Eh bien, Jean-François Lisée tire de l'arrière, maintenant, par 650 voix. Alors, de ton côté, Luc, qu'est-ce que tu as de bon? Ici, je vois dans... Si on va à l'extérieur un peu plus loin, je regarde dans Rouyn-Noranda, avec la CAQ qui est en avance, Jérémy Bélanger avec 3470 voix, parce qu'on avait François Gendron en ligne tout à l'heure, ouais. Suivi de Québec solidaire, Émilie Lessard-Terrien, 3215 voix, Luc Blanchette avec 2312 voix et Gilles Chapadeau en quatrième. Ah, ça, c'est étonnant quand même. Avec 3013 voix, Gilles Chapadeau qui est en campagne depuis 4 ans, fait une campagne de tous Massue, les instants. Ouais. Non, il est quatrième. C'est étonnant. Avec, ça. C'est terminé pour Gilles. Là. Mais Marie-Soleil, avec l'ancien comté du chef Jean Charest qui est maintenant avec Luc Fortin dans Sherbrooke. Oui. Ouais. À l'air de quoi, Sherbrooke? Encore et toujours libéral avec Luc Fortin en avance de 140 voix, 31,1%. Mais juste en dessous, Québec solidaire avec Christine Labrie, 27,6. Donc, ça peut être très serré, mais aussi très serré à l'inverse avec la CAQ juste en dessous, Bruno Vachon, 24,3. Donc, on peut dire, mais seulement 27 bureaux à date sur 170. Donc, ça peut... Ça peut encore changer. Oui, la soirée est encore jeune, comme on et dit, voilà. À une autre chaîne radiophonique. Alors, de Sherbrooke, on s'en va à Lévis. On enligne le député... C'est pas le député, pardon, le candidat libéral, Abdoulkadir Apiké. Alors, bonjour, Abdi. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Je voudrais d'abord te féliciter pour avoir mené une campagne, pour avoir osé, pour avoir eu le courage de te présenter. C'est pas facile. On a toujours l'impression que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on critique à partir de notre sofa dans notre salon. Mais de se présenter, ça prend tout le courage du monde et t'as tout mon respect, Abdi. Je tiens à te féliciter pour ce travail merveilleux que tu as accompli. Définitivement. Excusez-moi, je pense que je veux aussi prendre le beurre au bon en remerciant et félicitant mes adversaires, Québec solidaire, Georges Gourmand, Audrey Bussière de Parti Vert, Raymond, le candidat du Parti québécois, que son nom m'échappe, et monsieur Pierre-Gilles Morel, et monsieur François Paradis, qui est maintenant, là, je félicite dans les ondes de façon officielle, parce que j'avais pas son numéro de téléphone, mais j'ai essayé de le retrouver, puis on n'était pas capable de l'avoir. Fait que je veux le féliciter en nombre en lui souhaitant un meilleur des chances au service des gens de Lévis, là. Puis je comprends, oui, c'est beaucoup de travail. Demain, je vais dormir beaucoup, je vous le garantis. Et qu'est-ce que tu retiens? Écoute, Abdi, je me permets de te tutoyer parce que t'es un ami, on est des amis proches et on se connaît depuis quelques années. Qu'est-ce que tu retiens de cette campagne électorale-là que t'as menée? Mais, vous le savez, moi, je suis un fier libéral. Je resterai toujours un fier libéral. Je sais que notre parti a été au service des Québécois et Québécoises depuis 150 ans maintenant. Cette partie-là, c'est un vrai parti fédéraliste. C'est un parti, moi, je crois, qui est centre au niveau de l'idéologie politique. Et je crois que on a beaucoup à offrir au sein des valeurs que nous avons au sein de cette partie-là. Maintenant, le message que je retiens, c'est que les Québécois ont dit « Vous avez travaillé fort. » Vous avez mis les finances de l'État en ordre. Maintenant, vous avez livré une bonne économie. Là, on retient que vous avez besoin de vous reposer. Alors, vous reposer, vous peut-être renouveler et nous revenir avec des nouvelles idées, avec des nouvelles personnes. Puis peut-être, on va peut-être vous donner la confiance à nouveau. Je pense que notre parti a souffert depuis son existence. renouveau constant et peut-être offrir aux Québécois une partie qui forme des gouvernements qui seraient responsables. OK. Alors, salut Abdi, c'est ton ami Luc Ferland qui t'écoute depuis tout à l'heure. Et moi aussi, je tenais à te remercier. Je te lève mon chapeau pour avoir eu le courage de faire le saut en politique. À Lévis, c'est pas facile, je vous le dis. Eh, maintenant, j'en sais quelque chose. D'ailleurs, ma question était la suivante. Pour leur dire, à 50 fois. Oui, mais on aura le temps de se revoir bientôt. Québécois. Moi, je parle pas français, je parle français. Même à ça, ça a été un peu défi à relever. Mais quand même, je vous le dis, là, je ne sens rien aux électeurs de Lévis. Puis honnêtement, là, je suis touché. Les gens qui sont venus me voir, j'ai senti aucunement de manière différente. Ils m'ont toujours donné le respect que je leur demandais. Ils m'ont écouté. Et je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, j'aurais voulu remporter le comté, mais le résultat, c'est qu'on me lance le message en me disant « On vous connaît pas assez, mais reviens nous revoir la prochaine fois, par exemple. » Ça, c'est intéressant. Écoute, Abdi, je te remercie beaucoup d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que tu es un avocat spécialisé en droit de l'environnement et en droit des affaires. Alors, je suis convaincu que tu auras évidemment une très belle carrière devant toi. Puis encore une fois, félicitations et tu as tout notre respect. Et tu as nos salutations les plus sincères. J'ai bien hâte de te revoir. Bravo, repose-toi, tu le mérites bien, mon ami. Merci beaucoup, vous êtes bien fin. Salut bien, on se revoit pour un café sur Grande Allée bientôt. Bientôt. Bye-bye. Salut. Alors, on avait Abdoul Kadir Apke, qui était candidat libéral dans le comté de Lévis. Je tiens à mentionner aussi, dans le comté de Lévis, il y a Georges Gaumard qui se présentait pour Québec solidaire. Georges, qui est un chroniqueur, un habitué de CKRL, qui a animé des émissions aussi, que je connais bien, que j'apprécie particulièrement. Alors, je pense qu'on doit aussi lever notre chapeau à Georges Gaumard, comme à tous les candidats, d'ailleurs, parce que c'est pas facile de mener une campagne électorale. Luc, t'en sais quelque chose. Très difficile. Je regarde peut-être un comté que je suis de loin, mais qui est mon ancien comté, Angavan. Juste pour les résultats, qui est en tête le député sortant Jean Boucher, libéral, 691 voix. Alichan Toukapic. Oui. OK, avec 513 voix. Le Québec solidaire, oui. Oui. Qui est originaire de Koujarapik, qui est une Inuk. Une Inuk. Ah oui, donc une Inuit, si on veut, là, c'est le singulier des Inuits. Une Inuk, c'est Koujarapik, Alichan Toukapic. Qui est donc deuxième dans le comté. Oui, ça, c'est intéressant aussi. Oui, effectivement. Mais, même en 2014, le candidat... c'était Kakis, c'est un Inuit. C'est Michael Cameron. C'est ça. Et, voilà. Et qu'en troisième, c'est la CAQ avec Denis Lamotte, 422 voix. Et quatrième, le Parti québécois, Jonathan Mathieson, avec 417 votes. Donc, c'est serré, mais on sait que dans Angavan, les premières boîtes de scrutin qui sortent, c'est celle du Nord, c'est-à-dire du Nunavik, après ça, on verra plus tard. Avant de te passer la parole, Marie-Soleil, pour d'autres résultats, peut-être dans Chauveau, ici, tout près de Québec, eh bien, la ministre sortante, ministre déléguée au transport, qui est défaite, Véronique Tremblay, qui est défaite, qui est une ancienne animatrice, d'ailleurs, au FM 93, qui est donc défaite dans Chauveau. Le comté qui est remporté par Sylvain Lévesque, un habitué, bien sûr, de la politique. Aussi, M. Lévesque, qui représente la CAQ et qui remporte le comté par 3804 voix. Oh. C'est énorme, quand même. Ce qui n'est pas une surprise. Hein? C'est pas vraiment une surprise. Non, Marie-Soleil, de ton côté? De mon côté, je vous dirais, en ce moment, encore un peu comme tantôt, Sherbrooke, les libéraux, Luc Fortin, toujours en avance. Vous allez avoir Jean Lesage, encore et toujours, la course est très serrée. Ils s'interchangent depuis tantôt. Et pour Jean Talon, Sébastien Proulx, en fait, qui est encore aussi... qui est encore en avance avec 835 voix, 36,1%. Joël Boutin avec la CAQ en dessous, 29,6%. Tout est très serré. Très serré. C'est la fin, là, ça continue, mais les bonnes scrutins se vident. Oui, Luc, vas-y. Dans Roberval, Philippe Couillard élu avec 4881 voix. Quand même. Et suivi de Denis Trudel de la CAQ, 2781 voix. Et Thomas Godreau, 2000. Et QS, Luc-Antoine Cochon, 1068 voix. Donc, et on est en droit de se poser la question, est-ce que M. Couillard va rester? On pourra y revenir un peu plus tard. On reviendra dans quelques minutes. On ira justement dans quelques minutes au quartier général de la CAQ, qui se tient au centre des congrès. On ira rejoindre tout à l'heure Flore Bibeault, qui pourra nous rapporter justement comment ça se passe. Ça doit être l'allégresse absolument parfaite dans cet endroit-là, parce que c'est d'être la folie un peu chez les gens de la CAQ. Quelques résultats plus près de la région de Québec. Charlevoix, Côte-de-Beaupré, quand même. Oh oui. Il y a Émilie Foster, qui est de la CAQ, qui est en avance par 843 voix. qu'elle est devant sur Caroline Simard, qui représente le Parti libéral, et Nathalie Leclerc, la fille de Félix Leclerc, oui, qui est candidate du Parti québécois et qui, malheureusement, mord la poussière pour l'instant, en tout cas, à 16,6% des voix exprimées. Oh, c'est incroyable. Il y a, dans Rivière-du-Loup, un comté, comté de Mario Dumont, libéral, l'ancien comté de Mario Dumont, Denis Tardif de la CAQ, qui mène par 5110 voix sur le député ministre sortant Jean D'Amour, avec 4852 voix. Donc, loin derrière, Vincent Couture du Parti québécois, 1934. Oui, Jean D'Amour, qui est député sortant, mais qui était aussi responsable de la stratégie maritime du gouvernement Couillard, qui était un peu, si on veut, l'équivalent du plan Nord de M. Charest, qui n'a jamais vraiment fonctionné, la stratégie maritime. Et M. D'Amour, comme tu le mentionnes, Luc, qui a été défait. Donc. Oh, plusieurs idées ont été pigées dans le livre de François... Rébellé. Oui. Exactement. Qui est un ancien du Parti québécois. Ouais. Si ça peut te faire plaisir ce soir, Luc, je te laisse le mentionner. Tu as beaucoup de plaies à penser ce soir. Non, mais le Québec maritime de François Legault aussi. Absolument. Oui, effectivement. Tout à fait. Marie-Soleil, de ton côté, oui? De mon côté, en fait, on a Philippe Couillard qui a eu l'occasion de remercier, en fait, de féliciter François Legault en ce moment. Oh. Donc, François Legault a reçu quelques appels dans les dernières minutes, définitivement. Bon. Les chefs des partis lui ont dit félicitations. Ben, c'est très bien. Il y a beaucoup de respect. Oui, tout à fait. Bon, on l'a entendu avec Abdoulkadir Abké tantôt, tout à l'heure aussi. Là, les gens, on dit bien sûr, il y a de la chicane, puis on ne partage pas nécessairement les mêmes idées, mais en définitive, le soir du vote, les gens se regroupent puis se félicitent de bonne aloi. Ils font tous, on va se le dire en bon québécois, ils font tous la même job. Ben oui, à un certain point, c'est difficile, c'est normal de vouloir défendre son point durant la campagne, mais en bout de ligne, c'est ça, ils ont les mêmes moi, problèmes. Je peux vous dire que pour y avoir été, il y a un respect énorme entre parlementaires. Il est évident que ce que les gens voient dans la vraie vie à la TV ou au Parlement ou peu importe, c'est différent, ça ne projette pas ça, mais faut juste comprendre que à l'Assemblée nationale, juste les projets de loi qui sont votés, 8 projets de loi sur 10 sont votés de façon unanime. Absolument. Oui, c'est ça. Puis on n'en parle pas. On parle des deux où on chicane un petit peu. Exactement. Alors oui, il y a beaucoup de respect. Et on l'a dit tantôt, ceux et celles qui ont le courage de faire le saut en politique active, peut que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral, ils méritent notre respect définitivement. Absolument. Quelques chiffres plus généraux cette fois-ci, d'un ordre plus macro, si on veut, ou à l'échelle de la province. Je vous rappelle que le prochain gouvernement sera majoritaire et qu'il sera formé par la CAQ pour un total potentiel de 74 députés. On en a 53 d'élus du côté de la CAQ, 21 en tête. Du côté du Parti libéral, 34, c'est peu, c'est quand même peu parce qu'on a à peu près 30 députés convaincus sur l'île de Montréal. Donc 23 d'élus, 11 en tête. Le Parti québécois est en troisième position avec 4 élus seulement, 5 en tête. Et du côté de Québec solidaire, eh bien, on en a 4 élus, 4 en tête pour un total possible de 8. C'est quand même incroyable. Et on revient au scénario. Rappelez-vous le début de la campagne. Les premières projections, on mettait la coalition Avenir Québec à 74 députés. Une seule l'avait mis en haut de 80, mais là, c'est un petit peu exagéré. Oui. Mais on était à 74. Donc, on est à... Pile dessus. Oui, définitivement. On est dessus. Absolument. Mais, moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est le taux de participation aux élections. Ça, on n'a pas de... Pas tout de suite, non. Tout de suite. Non, mais c'est ça. Je trouve ça... Personnellement, les jeunes, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup parce que, on se fait souvent dire d'aller voter, mais en même temps, il n'y a pas juste nous. À un certain point, c'est la population générale qui ont des difficultés à y aller. Puis, je pense, à 16h tantôt, c'était 40%. C'est sûr, c'était l'heure du trafic. Les gens revenaient de travailler. Ouais. Mais on va voir ça tantôt, curieux. Mais j'espère. Le plus haut va se retrouver le taux de participation, le mieux ce sera pour tout le monde. Effectivement. Alors, dans quelques instants, on va faire une pause publicitaire. Peut-être avant de vous laisser à la pause, quelques résultats dans Rosemont, qui est un comté, évidemment, qui m'intéresse particulièrement et qui devrait probablement vous intéresser, vous aussi, parce que c'est le comté du député sortant Jean-François Lisée. Eh bien, Jean-François Lisée, il tire de l'arrière, encore une fois, alors qu'on a 62 bureaux de scrutin de dépouillés sur 178. Oh. Donc, près du tiers des bureaux, ça commence à être assez significatif, là. Si on fait une règle de trois, hein? Ben, c'est ça. Vincent Marissal, le candidat de Québec solidaire, qui est en avance par 703 voix sur Jean-François Lisée. Alors, on fait une pause de publicité. Je vous rappelle que vous écoutez la soirée électorale à CKRL le 89.1. On vous revient par-delà la pause avec d'autres résultats et d'autres commentaires, bien sûr, sur l'avenir peut-être des chefs des partis, justement, tel qu'on le perçoit ce soir. Alors allez, on se retrouve dans quelques instants. CKRL, communication, culture. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. Allô, allô, ici Kim Auclair. Je vous invite à écouter Dans la tête des entrepreneurs dès 9h les mardis pour découvrir les différentes facettes de l'entrepreneuriat avec des invités qui partagent leur parcours, expérience et passion dans leur domaine d'activité. En direct sur CKRL ou sur Facebook. Je vous dis à bientôt. En octobre, voyez au cinéma Le Clap. Les Abominables Petits Pieds dès le 28 septembre. Venom dès le 5 octobre. Chair de poule 2, l'Halloween hanté dès le 12. La haine qu'on donne dès le 19. Et Maria by Callas dès le 26. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Laissez-vous impressionner par le souffle rebelle que Beethoven insuffla à son troisième concerto. Le pianiste français Cédric Stébergen rend hommage à ce tournant radical qui marqua la carrière du grand compositeur. Ce mercredi 3 octobre à 19h30 au Palais Montcalm. Hydro-Québec, partenaire de saison. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL lance le concours Talent en scène à la Korigane. Chant, musique, poésie, slam, humour, soyez l'un des 32 artistes à participer à notre concours. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2019 de la Korigane, une campagne publicitaire d'une valeur de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée ou encore une séance photo professionnelle. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site ckrl.qc.ca. Amateurs de cidre, cet événement est pour vous. Le 17 octobre prochain, la Korigane reçoit Émile Robert de la cidrerie Somnambule. Au menu, 6 cidres artisanaux à déguster tout en apprenant sur le plus qu'intéressant univers de la pomme. De très beaux produits du Québec et d'ailleurs à vous faire découvrir. Mercredi le 17 octobre 18h, 380 rue Dorchester, c'est un rendez-vous. Un atelier, 6 cidres, 25 $. Billets en vente au korigane.ca. La soirée électorale vous est présentée dans le cadre des élections générales provinciales 2018. Alors, on est de retour en studio avec cette soirée électorale, justement, sur le CKRL de 89.1 avec Luc Ferland, Marie-Soleil Bro. Ah, je l'ai bien eu cette fois. Oui, merci. Soleil nocturne. Et Jean-François Arthaud. Oui, écoute, il y a le Parti québécois qui en a besoin de soleil parce que ça va mal. Je vais te dire une chose, mon Luc, ils sont quatrième pour l'instant, le Parti québécois, avec un potentiel de 9. Le même nombre que Québec solidaire, mais Québec solidaire a déjà 6 députés d'élus, quand, mm-hmm. de candidats élus quand même. Hein? Moi, je trouve ça, c'est sûr, c'est triste parce que c'est un grand parti. On ne peut pas se réjouir de ce qui se passe présentement au Québec. Ça, c'est définitif, c'est clair dans mon esprit. Par contre, c'est ça la démocratie, c'est la volonté populaire. Les gens s'en vont vers ça. La soirée n'est pas terminée, mais on a un bon indicateur de ce qui pourrait arriver. Et personnellement, je ne peux que trouver malheureux ce qui arrive à un grand parti comme le Parti québécois, le parti de René Lévesque. Absolument. Écoute, une illustration, Luc, de la débâcle du Parti québécois, c'est dans Hochelaga-Maisonneuve. On vient tout juste d'annoncer que le comté qui était détenu par d'abord Louise Arel, il y a quelques années, plus récemment par Carole Poirier, eh bien, il vient de passer des mains du Parti québécois à Québec solidaire. Ouais. Alexandre Leduc, qui a été élu, justement, avec une majorité de 2836 voix. C'est énorme dans Hochelaga-Maisonneuve. Énorme. C'est énorme. Quand même, il y a des choses intéressantes qui se passent. Moi, je vérifie toujours Rosemont, bien sûr. Dites-moi donc de votre côté, la pelleterie, ça s'est confirmé avec M. Kerr. M. Kerr qui est un bon député, qui transcende, je pense, la CAQ, non? Il y a des difficultés un petit peu avec cette histoire d'un prêt privé que le maire d'Ancienne Lorette lui avait consenti. Mais ça ne lui a pas nuit, véritablement. Non, ça lui a pas nuit, les gens. Et moi, j'ai trouvé là-dedans que Ricard s'en est quand même bien sorti. Il est demeuré la tête haute. Et il a été franc avec ses électeurs, oui, et envers lui-même, puis envers le, parce que c'est pas facile déjà. Et moi, je trouve que une des dernières entrevues qu'il avait accordé, je crois, à une radio ici, je pense que c'était à Luc Lavoie et Madame Segal. Madame Segal, où j'ai adoré sa entrevue. Il est resté haut, il est resté humble. Et qu'on soit dans la victoire ou dans la défaite, l'humidité est toujours à propos. Donc, moi, chapeau, c'est parce que quand tu sors publiquement comme ça, dans un contexte comme celui-là, c'est dur pour l'individu et c'est surtout difficile pour ta famille. Oui, exactement. Tes enfants, tes... Eux, évidemment, qui ne se présentent pas, mais qui souffrent des conséquences, ouais, justement, d'un proche. Je pense que c'est ça, être, quand on se lance en politique, c'est en fait, c'est pas un métier, c'est un mode de vie à un certain point. Là. C'est tout ce qui est autour de toi va toujours toucher à ça. Même que si après, si tu l'as encore dedans ou si tu ne l'es plus, c'est toujours présent. Oui, tout à fait. C'est très, très difficile. Alors, cette soirée-là, si elle vous intéresse, en tout cas, si elle vous plaît, nous, elle nous plaît beaucoup. On a beaucoup de plaisir à participer à cette soirée électorale sur CKRL. Et on ne fait pas ça tout seul, bien sûr, parce que c'est présenté en collaboration avec l'Exemplaire, qui est le Média École des étudiants en journalisme de l'Université Laval. C'est ce qui nous permet, justement, de rejoindre des collaborateurs dans les différents quartiers généraux des partis. Et on va, en ce moment, rejoindre Flore Bibeau, qui, elle, la chanceuse, est au centre des congrès de quartier général de la CAQ. On l'a perdu, alors on va la remettre en ligne, c'est pas plus grave que ça. On l'a échappé. Ça va nous laisser le temps à Luc, en fait, d'exprimer son exultoire. Je sais pas trop, tu t'enthousiasmais de quoi, là, je sais pas. Non, mais je peux pas me réjouir ce soir, c'est évident. Mais on voit un Québec qui change, on voit un Québec nouveau. Cassé aussi. On voit, mélanger un peu, là, aussi, OK? Bon, on s'entend. Des jeunes qui arrivent, sont en train de prendre leur place. Et ça, je suis content pour ça. Peu importe de quelle façon ils vont reprendre les rênes, ils vont faire du Québec. Qu'est-ce qu'ils vont faire du Québec demain? Ça leur appartient. Ouais. Le Parti québécois, pour moi, dans mon livre, n'était pas un vieux parti. Au contraire, quand je vois un parti, d'autres partis qui ont 150 ans d'histoire, du Parti québécois a peut-être, malgré et à cause de lui-même, créer sa propre perte. Il y a eu des éternelles chicanes et ainsi de suite. Donc, le parti était identifié à ça. Toutes sortes de raisons. Ouais. L'option souverainiste n'était plus la saveur du jour, on le sait. Il y a quand même 36% des Québécois, malgré tout, les Québécois, qui sont encore souverainistes. Où vont-ils aller demain matin? Dans quelle niche ils vont se retrouver? Ça va être à voir. Alors, on a justement rétabli la communication avec Flore Bibeau, qui, encore une fois, la chanceuse, est en direct du Centre des congrès de Québec, le quartier général de la CAQ, ce soir. Madame Bibeau, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, et oui, ça va bien, et ça doit aller fichtrement bien de votre côté aussi. Oui, écoutez, l'ambiance est survoltée ici au Palais des congrès. C'est fou, là. Ça a été très, très rapide, donc l'annonce du gouvernement majoritaire. Et... là, on peut dire que tout le monde est très, très content ici. Là. Et avant cette annonce, justement, est-ce que vous ressentiez de l'inquiétude là-bas? Est-ce que les gens étaient confiants? Est-ce qu'on pensait se diriger davantage vers un gouvernement minoritaire? Ou si on avait confiance, on allait avoir justement un gouvernement majoritaire? Comment ça se passait à ce moment-là, avant la grande annonce du gouvernement majoritaire? Non, je vous dirais que la majorité était très, très confiante. Il n'y avait pas toute d'inquiétude de la part des gens. Puis de toute façon... Comme ça a été annoncé très, très rapidement, l'inquiétude n'a pas eu le temps de monter beaucoup là, de la part des partisans ou des candidats qui étaient présents. Donc, ça a été comme une surprise, là, l'annonce aussi rapide, je dirais. Là. Et est-ce que le chef est déjà sur place au Palais des congrès? Non, il est tout près d'arriver. Là, donc, on l'attend là, au palais. Là. Bon, j'imagine qu'il aura un discours, évidemment. C'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais ça sera véritablement un discours historique cette fois-ci, parce que c'est la première fois que la CAQ va prendre le pouvoir. Le Québec va, à partir de ce soir, changer encore une fois, devenir nouveau, devenir meilleur, je sais pas, mais va devenir nouveau, en tout cas. Et comment on ressent ça là-bas? Est-ce que les gens sentent déjà cette énorme pression qu'ils auront à livrer la marchandise, comme on dit, à livrer les annonces et les promesses politiques qu'on a fait pendant la campagne, ou si pour l'instant c'est la fête et c'est l'allégresse et on pensera au travail plus tard un peu? Mais je vous dirais pour le moment, c'est la fête. C'est sûr qu'il y a quelques surprises de la part des personnes. On mentionne justement ce vent de changement-là, là, donc tout le monde est bien content que bon, le gouvernement ait changé. C'est surtout ça, là, la réaction des gens qui sont là, des candidats et des partisans, là, c'est surtout ça qui ressort. Là, c'est vraiment ce vent de changement-là là, qui qui va souffler le Québec, là, si on pourrait dire. Alors, je vous trouve bien chanceuse et vous me faites envie parce que j'aimerais bien être à votre place au quartier général de la CAQ. Je vous remercie grandement pour votre participation, Fleur Bibeau. Vous étiez au Palais des Congrès, le quartier général de la CAQ ce soir. Merci encore une fois et bonne fin de soirée à vous. Ben, ça fait plaisir, puis j'espère que je peux vous envoyer un peu de cette énergie là qui est avec moi. Absolument, on la ressent déjà. Merci bien. Bonne fin de soirée, au revoir. À vous aussi, au revoir. Alors, on est de retour en studio, donc ça doit être quelque chose au quartier général de la CAQ. Ça doit être l'euphorie, ça doit être... Moi, je me rappelle des années où, quand on partit, ça prête à prendre le pouvoir, les chances sont bonnes, et quand les résultats sont... Ça doit être l'euphorie. Et moi, je leur souhaite d'en profiter ce soir, parce que demain, ils vont retourner vraiment... Là, ils vont aller dans la vraie vie. Ils vont s'en aller au Parlement. Monsieur Legault aura un travail énorme, exigeant de la part d'un premier ministre, celui de former son premier cabinet. Très exigeant, très difficile. On va attendre un peu, mais on en discutera tantôt, parce qu'effectivement, quand on aura un petit peu plus d'élus confirmés... Encore, OK, écoute. Il y a 62 élus confirmés à la CAQ pour l'instant, c'est énorme. 12 en tête avec une possibilité totale de 74. 74, du côté du Parti libéral, il faut le mentionner, c'est la débandade. C'est la débandade. Parce qu'on se retrouve avec un potentiel total possible de 31. On a 27 élus, seulement 4 en tête. Le troisième parti, c'est Québec solidaire. Avec 10, une possibilité de 10, 6 élus déjà, 4 en tête et 5 du côté du Parti. Moi, je dirais, Jean-François, les deux gagnants ce soir, c'est la CAQ, bien sûr, et Québec solidaire. Ah, les deux grands perdants, le Parti libéral et le Parti québécois. Tu mentionnais tantôt pour la CAQ, il y a des lendemains qui vont être difficiles, mais il y a des lendemains qui ne chanteront pas du côté du Parti québécois non c'est plus. C'est quand même curieux, on le disait tantôt, vous vous souviez, on parlait des deux extrémités. Oui. D'un côté, la CAQ et les libéraux, de l'autre, le PQ et QS, et de chaque extrémité, il y a un grand perdant. Et voilà. Les libéraux et QS. Et qui sont les grands perdants? Les deux plus vieux partis. C'est vrai, à un certain point, effectivement. C'est ça. Mais c'est un peu une élection qui est une sorte de transition aussi, on en parlait un peu tantôt. Pour la CAQ majoritaire, dans 4 ans, qu'est-ce que ça va être à un certain point? Est-ce que, justement, les libéraux et le PQ vont être des vrais ancestraux et donc plus nécessairement aussi présents? On ne sait pas. Je fais des suppositions. Ah non, absolument, on ne sait pas. Est-ce que les partis vieillissent plus vite là-dedans? Mais je vais me permettre d'avoir un léger spasme de bonheur. Bon, oui. Si je peux m'exprimer ainsi. Oui, allez-y. Le comté d'Ungava, maintenant en tête, le candidat Jonathan Masson du Parti québécois, avec 1425 voix. Alors, maintenant que vous m'ouvrez la porte, j'aimerais que vous élaboriez sur votre spasme de bonheur relativement à Ungava. Non, il y a un grand espace entre le mot spasme et le bonheur. Alors, je vous laisse le soin. Vous qui êtes justement un ancien député de Ungava. Non, je suis, mais quand même une lutte à trois. Jean Boucher, le député sortant, 1150 voix, troisième. Denis Lamotte, candidat caquiste, 1172 voix. Et le jeune Jonathan Masson, le seul avec Alisha Tukiapik, qui sont de la région. Oui, tout à fait. OK, donc, c'est intéressant de suivre. Absolument. Bon, mon spasme est terminé, revenons... Revenons peut-être ici, justement, à Jean Lesage. Oui. C'est extrêmement serré dans Jean Lesage. Depuis tout à l'heure, on s'échange la tête entre Sol Zanetti de Québec solidaire et Mme Gamache, Christiane Gamache de la CAQ. Pour l'instant, c'est Sol Zanetti qui est en tête avec 33,2% des votes exprimés, alors que Mme Gamache est en deuxième position à 32,9%. Mais je pense que ça va se terminer quand même assez bientôt. Là. 120 bureaux sur 168, ça l'a augmenté assez vite. Absolument. Donc, on va avoir une confirmation... Et si on demeure avec une différence d'aussi peu de voix, il est possible qu'il y ait un recomptage dans ce comté-là. Il y a une autre surprise. Hors des sentiers battus par Québec solidaire de Montréal, maintenant Québec, on s'en va en Abitibi. La candidate de Québec solidaire mène dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue avec 6658 votes, suivi du caquis Jérémy Bélanger avec 6566 voix, très serré. Et Gilles Chapadeau du Parti québécois, loin derrière, avec 3863 voix, suivi de Luc Blanchette, le député ministre sortant, avec 3635 votes. Celui à l'égard de qui Jean-François lisait avec des propos assez insignifiants, faut le dire. Il avait repris la parole biblique en disant « Loin de moi ce calice ». Il avait dit « Loin de moi ce... » avec un point d'exclamation. Il y a des choses que, des fois, c'est peut-être par humour, mais il y a des moments où elle n'est pas à sa place. Mais, Je ne sais pas s'il a envie de rire beaucoup ce soir, M. Lisée, parce qu'il tire encore plus de l'arrière au moment où on se parle. Il y a 75 bureaux de scrutin de dépouillés dans Rosemont sur 178. Il est en deuxième position, loin derrière Vincent Marissal, qui mène par près de 800 voix quand même. Et puis presque la moitié des bureaux de scrutin qui sont ouverts. Absolument, oh, oui, c'est et ça. Voilà, c'est significatif. Donc, alors, laissons donc pour l'instant les résultats. Christian Dubé, le temps de mentionner que Christian Dubé est élu dans la Prairie, qui est un excellent candidat. Pas de surprise. Pour la CAQ, un ministre, comme on dit en mauvais français, c'est un gars qui est ministrable. Alors, il probablement qu'il détiendra un portefeuille très prochainement. Mais parlons donc de M. Couillard, qui est réélu dans Robertval et qui a à peine assez d'argent pour ses prochaines années, comme il mentionnait. J'espère qu'il va se trouver un emploi. Oui, mais peut-être s'il applique sa propre médecine, c'est-à-dire qu'il serait 75 heures. Sans faire de mots. Non, mais c'est végétal. Peut-être qu'il va surveiller. Mais est-ce que vous pensez qu'il va rester à l'Assemblée nationale pour les quatre prochaines années? Non, moi je vous annonce tout de suite que M. Couillard va annoncer dès ce soir qu'il quitte la vie politique. Il ne peut pas rester. Même s'il voulait, avec les résultats que le Parti libéral connaît ce soir, il ne peut se permettre de rester. Et toi, Marie-Salée? Mais je me demande à un certain point, s'il décide aussi s'il est plus motivé, je vous dirais, de rester, est-ce que ça peut avoir un impact à un certain point? Est-ce que dans quatre ans, ça pourrait aider le Parti libéral à comme rester un peu en autre nombre? Non, pas du là, tout. C'est une photo là. Ouais. C'est un événement qui se passe depuis les 39 jours qu'on appelle une campagne électorale. Aujourd'hui, c'est le peuple qui décide. Ouais. Et M. Couillard livre à son propre parti, aux instances du parti, c'est une débandade, là. Mm. On est moi, j'ai envie de vous dire que la politique est si cruelle qu'il y a déjà probablement des candidats qui se pointent à l'horizon. Oh, c'est fait pour devenir chef. Je pense aux députés de Châteauguay, entre autres. Ça, M. Pierre Moreau. Oui, peut-être. Il y en a d'autres aussi. Oubliez certains noms, des fois, qui ont circulé. Gaétan Barrette, oubliez ça. Non. Mais il faudra voir, parce que, regarde, on parlait du Parti québécois tantôt, c'est dramatique. Qu'est-ce qui va arriver pour la suite? Les libéraux vont se reconstruire, c'est évident. Mm-hmm. Les libéraux vont se reconstruire. Ça, c'est certain. Mais avec un nouveau leader. Ouais. Et quand je disais tantôt, c'est pas parce que M. Couillard, de toute façon, il faut qu'il quitte. Il n'y a pas le choix. Rappelez-vous les élections de 2008. Mario Dumont, qui était chef de l'ADQ à l'époque, a quitté le soir même et bon, ainsi de suite. Donc, il ne peut pas se permettre de rester. Et ça serait une erreur. De toute façon, je ne vois pas ce qu'il ferait là pour... comment voulez-vous reconstruire sur tes propres cendres? À moins d'être un phénix, bien sûr. Eh oui. Oh oui, mais ils sont très peu nombreux aujourd'hui. Ben, il y avait dans Harry Potter, il y avait Fumsec qui était le phénix de Dumbledore. On est dans le monde des légendes. Ah, okay, peut-être oui, c'est ça. Avant de faire une pause musicale, de vous redonner les résultats dans Jean Lesage, d'abord vous confirmer que Mme Bourdon ne sera pas élue. Elle est troisième, Mme Bourdon, dans Jean Lesage à 18%. C'est trop bas. Impossible. La vraie bagarre se livre entre Sol Zanetti et Christiane Gamache. Sol Zanetti, pour l'instant, qui est en avance par 345 voix. Il y a 130 bureaux de scrutin de dépouillés sur 168. Alors, on se dirige lentement vers sûrement peut-être vers un autre élu du côté de Québec solidaire. Québec solidaire qui pourrait en avoir 10 pour l'instant. Peut-être 5 secondes rapidement. Dans Rousseau, Nicolas Marceau, ancien ministre des Finances, qui tire de l'arrière. Tout en pratique, c'est terminé. La CAQ mène avec Louis-Charles Touin, 7 934 voix. Nicolas Marceau, deuxième, 3 750. Bon. Quand même. Alors, Luc et Marie-Solé, on s'arrête quelques instants pour une pause musicale. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de la soirée électorale sur les ondes de CKRL, le 89.1. On fait une pause musicale et on vous revient tout de suite après avec d'autres résultats et d'autres commentaires, bien sûr, sur les résultats de ce soir. 1, 2, 3, 4. Tu rinces des dents, tu respires trop fort. T'es même pas du monde, toi, quand tu dors. Dis-tu, fais-tu exprès de faire le mort? De me laisser seule à conduire le char pour 10 heures d'asphalte noir. Mieux de les ouvrir tes yeux. Retour à la soirée électorale sur les ondes de CKRL de 89.1. On vient d'entendre justement les sœurs Boulay. T'es bien mieux de les ouvrir tes yeux. Je pense qu'il y a un parti ce soir qui aurait avantage à les ouvrir ses yeux. Oui. C'est ton ancien parti, mon cher ami Luc Ferland. Oui, mais je pense qu'ils se sont fermés les yeux. Et mais disons que c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est, je ne peux pas me réjouir de ça, mais bon. Les gens ont parlé, les gens se sont prononcés, c'est correct. Absolument. Mais je pense que les Québécois et les Québécoises vont quand même admettre que le Parti québécois a été un grand parti, a fait des grandes choses pour le Québec. Et c'est le parti qui a le plus réformé. Ah, je suis d'accord avec toi. Et puis, comme le disait M. Lévesque dans une lettre qui avait déplu à plusieurs de ses collègues à ce moment-là, ce but que nous croyions si proche, hein, c'est imparfait qu'a tué le Parti québécois. Ce beau risque qui a été pris par M. Lévesque que plusieurs lui ont reproché pendant plusieurs années. Ouais, mais ça, c'est comme ça. Donc, c'est un peu le paradoxe des Québécois et des Québécois. Je disais tantôt depuis le début, où vont aller s'héberger les 36% de gens au Québec qui sont encore souverainistes? Ah, une grande question. Marie-Soleil, de ton côté, tu nous donnes des résultats peut-être de Rosemont et ensuite Marie-Victorin. Oui, effectivement. Rosemont, en ce moment, Vincent Marissal. 34,8% Québec solidaire. En fait, presque la moitié des bureaux de scrutin sont terminés. Vous avez aussi par la suite Parti québécois avec Jean-François Lisée à 29,1%. Fait que la différence se fait. Oui, je pense qu'on peut dire presque que M. Marissal va remporter. Heureusement. Ouais. Et pour Marie-Victorin, Catherine Fournier, Parti québécois avec 32% des votes, la CAQ juste ensuite avec Martine Prévost avec 28,3% et la Québec solidaire suit par la suite. Et voilà, fait que je pense qu'on a vraiment des J'ai aussi dans Bourgeois. Oui, vas-y là. Quand même avec ma cacoteau. Bourgeois, le candidat de la CAQ, Richard Campeau, qui mène avec 3132 votes, suivi de ma cacoteau de très près avec 3084 votes. Donc c'est une course à deux, très serrée. Ça va être à suivre. Ma cacoteau, qui était ministre de la Culture sous le gouvernement de Mme Marois. Oui, qui était l'ancien député du Bloc québécois. Ancien député du Bloc québécois et conjoint de l'ancienne mairesse de Longueuil, Caroline Saint-Hilaire. Et oui, effectivement. Madame Marie-Soleil, vous aviez quelque chose à dire? Oui, mais un, je vous disais que je suis comme pas surprise à un certain point. Sherbrooke, tantôt on avait Luc Fortin qui était en avance. Là, finalement, Christine Labrie, Québec solidaire, en avance de 872 voix, 33,6%, remontée une pente assez rapidement. Que Sherbrooke, dans ma tête, est une ville quand même tout de même assez étudiante, je crois. Oui, universitaire, exactement. Puis un peu comme le stéréotype veut bien le dire, les jeunes ont voté Québec solidaire à ce qui paraît. Et l'avez dit, c'est un stéréotype. Ah, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Fait que Québec solidaire, libéral par la suite et la CAQ. Alors, grâce encore une fois à la collaboration que nous avons ce soir avec l'exemplaire que le Média École des étudiants en journalisme de l'Université Laval, on va pouvoir aller rejoindre cette fois quelqu'un qui va collaborer avec nous et qui est en direct du quartier général, en fait, le bar. le quartier général, qui se trouve être le quartier général du Parti québécois ce soir, M. Guillaume Mazoyer. Bonsoir, M. Mazoyer. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, essayez de nous décrire cette ambiance qui doit être plutôt mortuaire au moment où on se parle. Oui, mortuaire, c'est le mot. Écoutez, en fait, même en début de soirée, dès 20h, le bar a peiné à se remplir, entre guillemets. Et puis, les gens étaient, disons, optimistes, mais de façade, parce que lorsqu'on leur parlait, ils étaient bien au courant des sondages qui plaçaient le Parti québécois dans une position précaire. Et puis, les premiers résultats ont commencé à tomber. Il y a eu un silence de mort lorsqu'on a annoncé Vincent Marissal en avance sur Jean-François Lisée. Et puis, vers 20h40, les résultats sont tombés que Dan Lavallée, dans Tachereau, était battu par la candidate de Québec solidaire, Catherine Dorion. Au même moment, donc on a eu un petit silence, parce que Dan Lavallée est rentrée dans le bar. Elle a été ovationnée, bien sûr. Elle était accompagnée d'Agnès Maltais, ouais. qui était là pour répondre un peu aux partisans amassés sur place. Agnès Maltais a mentionné qu'il y avait eu, en fait, tout simplement une volonté de changement dans la province, et plus particulièrement dans Tachereau, et que le Parti québécois en a fait les frais, tout comme le Parti libéral. C'est ce qui expliquerait la défaite dans Tachereau ce soir. Oui, je pense que l'analyse de Mme Maltais est effectivement assez juste. Mme Maltais, d'ailleurs, qui a beaucoup accompagné Mme Lavallée tout au long de cette campagne électorale-là, qui doit être, elle aussi, de son côté, passablement déçue des résultats que le Parti québécois obtient ce soir, pas vrai? Oui, elle était visiblement déçue. Madame Lavallée, pardon, était très émue, mais elle a quand même promis de reprendre le comté dans 4 ans. Elle l'a annoncé déjà ce soir, mais elle a tenu aussi à féliciter Catherine Dorion de sa victoire. Elle était contente de sa campagne. Elle a senti les gens derrière elle, mais elle a avoué que il y a un mois à peu près, ils ont senti que les partisans du Parti québécois, fidèles normalement, hésitaient avec Québec solidaire, et elle espérait convaincre les indécis dans les derniers droits, mais ce qui ne s'est pas produit. Est-ce que vous avez pu apercevoir le chef Jean-François Lisée, ou s'il n'est pas encore arrivé? Non, il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas. Ouais, j'imagine bien qu'il doit être dans son comté, parce qu'effectivement, c'est très difficile pour lui pour l'instant. Vincent Marissal, qui est en avance par 1155 voix au moment où on se parle, alors qu'il y a 90 bureaux de scrutin de dépouillés sur 178. Alors, quelques mots encore peut-être sur cette ambiance un peu désolante qu'on retrouve du côté du quartier général du Parti québécois? Oui, en fait, l'ambiance est très calme. On attend les derniers résultats, ou en tout cas la suite des résultats. Il y a eu quelques applaudissements, notamment lorsque Véronique Yvon est arrivée à la télé, ou qu'on a annoncé la victoire de Catherine Fournier. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très tranquille. Alors, Guillaume Mazoyer, vous étiez au bar Le Quartier Général, qui se retrouve à être le quartier général du Parti québécois. Voilà. Je vous remercie grandement de votre collaboration et je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup. Merci bien, au revoir. Alors, de retour en studio, Marie-Soleil, il y a quoi de neuf de ton côté? De mon côté, justement, Jean-François Lisée a tweeté. « Je viens de féliciter François Legault pour sa victoire décisive. La grande volonté de changement s'est canalisée en sa faveur. Je lui ai souhaité d'être à la hauteur des espoirs que les Québécois ont investis en lui. » Ah, c'est bien quand même. Donc, oui, c'est courageux. Il y a aussi de grandeur d'homme, en fait. Oh, définitivement. Voilà. Puis, de toute façon, tous ceux et celles qui aspirent à ce premier poste, si on veut, au Québec, c'est-à-dire d'être premier ministre ou première ministre, ces gens-là méritent tout notre respect. Mm-hmm. Hein. Ça prend un courage énorme. Dans un comté libéral traditionnel de longue date, Bro-Missisquoi, oui. Isabelle Charest, qui était élue avec 16015 votes. Isabelle Charest, qui est une ancienne olympienne, candidate de la CAQ. Et voilà. Ça, c'est le comté de Pierre Paradis. Oui, le comté de Pierre Paradis. Qui l'occupe depuis 128 ans, je pense. Minimum. Oui. Minimum. Alors, un autre comté, Châteaufort libéral, qui tombe aux mains de la CAQ. Il y en a beaucoup. On regardait tout à l'heure, plusieurs Châteaufort libéral qui sont tombés au combat, là. Tout juste avant de faire une pause publicitaire, Luc, j'aimerais rapporter les propos du premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, qui justement a mentionné ce soir un petit peu plus tôt que les Québécois ont choisi d'élire un gouvernement majoritaire dirigé par la Coalition Avenir Québec. Au nom du gouvernement du Canada, je félicite chaleureusement les nouveaux députés de l'Assemblée nationale du Québec et François Legault, qui aura le privilège d'agir à titre de premier ministre. Je suis impatient de collaborer avec le premier ministre Legault pour faire rayonner encore davantage la province dont nous sommes tous fiers.

Quelques résultats dans Rosemont. D'abord, pas une surprise, mais ce qu'on craignait un petit peu du côté du Parti québécois, ben, ça semble s'avérer. Et voilà, Parti québécois qui est en deuxième avec 28,7 et Vincent Marissal qui est élu avec une avance de 35,5% dans Rosemont. C'est un gros coup quand même pour Jean-François Lisée. C'est très difficile. Pour M. Lisée lui-même, qui a fait quand même une des belles campagnes, il faut le dire. Jusqu'au deuxième débat. Aller jusqu'au deuxième débat. Mais tous les candidats ou candidates ont fait des... je dirais, ont trébuché durant la campagne. Oh, non, ça, c'est normal. Mais M. Lisée a mené une des meilleures campagnes jusqu'au débat, vous l'avez dit. Mais c'est moi, pour M. Lisée, mais aussi pour le parti. Je trouve ça d'une tristesse. Comme voit partir quelqu'un, il va. Je sais pas comment on va avoir des députés. J'ai pas regardé, j'ai pas osé là, aller voir, mais on fait même pas élire 10 députés. On sera pas. Le Parti québécois ne sera pas un parti reconnu de façon officielle. Alors, c'est très, très difficile. C'est un pan entier de l'histoire du Québec qui s'éteint ce soir à toute fin pratique. Mais alors, bon, c'est pas la fin. Mm-hmm. Il y a une autre vie après. Il y a des gens. On parlait tout à l'heure des jeunes. Il y aura un après, c'est certain. Mais si on me demande au moment où on se parle, mes sentiments puis qu'est-ce que je ressens, c'est ça. Est-ce que c'est à Mme Yvon qu'on va confier la lourde tâche de remonter le Parti québécois? Il est beaucoup trop tôt pour parler de remonter le Parti québécois. Et moi, honnêtement, je vais vous dire, je vois pas qui va pouvoir remonter le parti. Il faut voir la suite. Ça va être difficile, là. Et c'est pas les jours qui vont suivre pour ceux et celles qui vont avoir été élus ou réélus vont être aussi, sinon plus difficiles que ceux et celles qui auront perdu. Mm-hmm. Parce qu'ils auront la lourde tâche de reconstruire ou qu'est-ce qui va arriver après. Moi, je reviens toujours à ce que je dis depuis des mois et des mois. Ouais. Le vrai changement au Québec va arriver après. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. J'ai avancé certaines théories, certaines choses en disant je vois peut-être pointer un nouveau parti à l'horizon. Je reviens tout le temps des progressistes au niveau, que ce soit avec Québec solidaire, que ce soit avec... Mais je prends l'ensemble de ceux qui croient encore à la souveraineté. Il y en a 36%. Mais justement, est-ce que tu penses que la souveraineté va être remise à l'avant-scène lors d'une prochaine élection? Non, mais sans qu'elle soit l'article 1, peut-être l'article 2, on verra. Mais sans je fais ça. Mais non, il y aurait le danger de ça, hein, c'est faux pas. Moi, je le dis. Et René Lévesque le disait dans un de ses discours à l'époque. Il n'y a rien de pire que des gens qui n'ont plus de demeure. Ouais, ils vont s'en faire une. Ouais. Ils vont s'en créer une. Ouais. Et souvent, c'est peut-être pas au bon endroit, malheureusement, qu'on les retrouve. Et tu sais, quand M. Lévesque, mon père était un proche de M. Lévesque, là, il travaillait longtemps avec M. Lévesque, et quand M. Lévesque a quitté la vie politique, il avait mentionné, j'avais trouvé ça absolument merveilleux, il avait dit merci, merci beaucoup, merci quand même. Ouais. Et je pense que Jean-François Lisée va avoir envie de dire ça ce soir. Ouais, définitivement. M. Lisée a quand même assez... c'est un homme d'État. C'est un homme qui va être capable de... Même si la défaite est très difficile pour lui. Mais n'oubliez pas une chose, il porte le poids sur ses épaules des résultats. Donc, ça va être difficile pour lui, mais je suis convaincu qu'il va trouver les mots justes. Oui, je pense que oui. Oui, définitivement. Marie-Soleil, quelques résultats peut-être? Oui, on pourrait y aller pour Rouyn-Noranda, Témiscamingue. Encore là, pas pour tourner le couteau dans la plaie, mais Émilise Lessard-Terrien en avance de 38 voix avec Québec solidaire. La CAQ avec Jérémy G. Bélanger, 31% par la suite, et Gilles Chapadeau, Parti québécois, par la suite avec 18,4. Encore là pour Sherbrooke, une avance aussi de Québec solidaire, mais qui peut se devenir serré aussi avec les libéraux. Luc Fortin, 24,5%. Mais encore là, les libéraux du scrutin sont... il n'y en a encore pas beaucoup qui sont rentrés en ce moment. Alors, on a eu la chance, il y a quelques minutes, de parler avec le candidat libéral défait dans Lévis, M. Abdoul-Kadir Apke. Et on a cette chance maintenant grâce à Flore Bibeau et à cette collaboration que nous avons avec l'Exemplaire, qui, je le rappelle, est le média-école des étudiants en journalisme de l'Université Laval, d'avoir des extraits du discours du candidat gagnant, le député sortant François Paradis, qui est de la Coalition Avenir Québec. Alors, si vous permettez, on va l'écouter puis on va commenter tout juste après. Ça dure environ une minute ou à peu près. Je me prépare. à vous dire que ce matin, lorsque je me suis levé, comme plusieurs d'entre vous, j'avais mal au ventre, il y avait une saine nervosité. Puis la journée avançait, puis je me disais, oui, on y croit, oui, on va y arriver. Là, les gens disaient, ben oui, on vous veut comme gouvernement, minoritaire, majoritaire. Des gens disaient, ça va peut-être être tard. Ben non, c'est pas tard, c'est maintenant! En quelques secondes encore pour vous dire que je vous remercie de votre appui au nom de tous mes collègues, au nom de tous les députés, au nom de tous les candidats. Alors, on vient d'entendre François Paradis, qui est le candidat gagnant, vainqueur, avec beaucoup d'enthousiasme et d'émotion même dans la voix, qui reprend un peu le slogan. De, comme disait Camille Sanson, un slogan, hein, qui reprend le slogan de la CAQ. Maintenant. Alors, il était très heureux, et on peut le comprendre d'ailleurs, qu'il est député sortant, un ancien du monde des communications, M. Paradis, qui a animé une émission, justement, qui a succédé à Jean-Luc Mongrain, hein, dans une émission où on recevait les appels des auditeurs. Alors, c'est intéressant de voir qu'il est réélu dans Lévis. Est-ce que c'est un ministre possible, ça? Qu'en pensez-vous, Marie-Soleil? Paradis, je pense que oui. Donc, ça va être un joyeux casse-tête pour M. Legault, hein? Parce qu'il y a des concentrations aussi, puis il faut aller dans la région. Parce que là, on regarde un peu partout, là, au Saguenay, partout, dans la région de Montréal, dans le centre du Québec, dans l'Outaouais, dans Montérégie, partout, partout. Et c'est évident que François Paradis, à tout le moins, il est ministrable. Je pense que oui, moi aussi, je suis d'accord. Mais évidemment, il faut satisfaire les régions, il faut avoir une parité homme-femme, jeune. Bon, c'est un exercice très difficile que de se livrer à la composition d'un conseil des ministres. Monsieur Legault va l'expérimenter prochainement, mais c'est un beau problème. Oui, puis dans la région de Québec, là, tu ne pourras pas avoir 6 ministres. Là. Non. Mais juste un commentaire avant de passer la parole à notre jeune et charmante collègue et brillante et politisée. C'est le fun d'avoir des jeunes comme ça, j'adore ça. Mais j'entendais... J'entendais M. Paradis et je peux pas faire autrement que me réjouir aussi pour lui. Autant je trouvais triste tout à l'heure, je le trouve encore ce qui arrive au Parti québécois, mais autant je suis content pour ces gens-là qui vont prendre le pouvoir, qui vont prendre des grandes responsabilités, se joignent à ça. Mais ce soir, ils ont au moins l'opportunité d'en profiter, de savourer, ne fût-ce qu'un soir, cette victoire-là. Et je comprends très bien dans quel état d'esprit M. Paradis peut se trouver. Je suis très, très content pour ces gens-là. À toi, Marie-Soleil. C'est un peu dans la même lignée, mais aussi une question peut-être qui sort un peu du de où ce qu'on est en ce moment. La parité, à un certain point, est-ce que est-elle obligatoire? Non, ou elle est recommandée? Non. Ben, c'est difficile de passer à côté maintenant que M. Charest l'a atteint cette parité-là, homme-femme. C'est difficile maintenant de dire on aura deux tiers ou 75% des gens. On est mal vu si on ne suit pas la même ligne. Oui, c'est ça. Mais c'est pas qu'une parité homme-femme, c'est une parité région, région aussi. Grand centre, jeunes, personnes âgées, d'expérience, pas d'expérience. Et on a aussi des dus envers les anciens députés. Comme par exemple, François Paradis, ça fait longtemps qu'il est député de la CAQ. On a une espèce de devoir moral que de récompenser maintenant qu'on a atteint le pouvoir. Mais t'as des François Bonnardel, t'as des... Éric Kerr, est-ce qu'il sera nommé avec ce qui est arrivé? J'en doute, malheureusement, mais on verra. Mais il est évident que... et j'en parlais à une de nos émissions, Jean-François. Quand M. Legault va arriver tout seul, parce qu'à la fin, c'est lui seul qui va décider. Mais là, il va devoir composer avec les régions où il a parité le plus possible hommes-femmes. Et il y a des concentrations quand même de députés. Si je prends la grande région de Montréal et Québec, mais il va y avoir des déçus, là, il va y avoir des malheureux. Là. Ah, ben oui. La beauté, la chance que M. Legault a, c'est qu'il est majoritaire. Personne ne va pouvoir lui mettre le couteau sous la gorge en lui disant « Si tu ne me nommes pas, moi, je m'en vais ailleurs. » Ou « Je traverse le parquet. » Oui, ben là, il y a le juste du gars « Traverse mon homme. » C'est ça. Okay? Ouais, il va avoir le choix. Va l'autre côté. Mais c'est un heureux problème. Absolument. Dans quelques instants, on devra, justement, grâce à cette collaboration qu'on a avec l'Exemplaire et les étudiants en journalisme de l'Université Laval, rejoindre quelqu'un qui est au parti général du Parti libéral, où il ne doit pas avoir grand monde. On va aller rejoindre cette personne-là dans quelques minutes. Mais d'abord, vous mentionnez que Sol Zanetti est élu dans Jean Lesage. Un autre gain dans la région de la capitale. Par 474 voix sur Mme Gamache. Alors, très serré, donc il n'y aura pas de recompte. Possible le recomptage. C'est élevé quand même, 400 voix. C'est risqué, alors je ne penserais pas. Alors, écoute, moi, je te partage mon enthousiasme. Moi, je l'aime, ça, Zanetti. Bon, c'est un gars, c'est un philosophe, c'est un gars qui étudie en philosophie. Moi, j'ai des grands respects pour ça. Et puis, je trouve que c'est un gars fort intéressant. Alors, c'est intéressant de l'avoir avec nous aussi. J'aime ça vous retrouver à des extrêmes dans votre dans votre fabulation. Oui, bon, c'est agréable. Pas difficile. Alors, ça, qu'on essaiera d'avoir en entrevue, justement, notre émission. Oui, parce que nous, on continue. Hein. D'ailleurs, Marie-Soleil, moi, je te lance l'invitation. Si jamais un jeudi matin, entre 9h et 10h, ça te tente de venir avec nous, la bienvenue à venir à Accès Pouvoir. Ben, oh, mon Dieu, ça me tente. Ça va me faire plaisir. Bon. Oh, définitivement. Oui, définitivement. Écoute, si ma femme a dit que tu étais excellente, là, c'est parce que tu es vraiment excellente. Ouais, j'ai passé le test, écoutez. Oui, c'est ça. Non, mais ça fait le fun. On a presque 3 générations ici, là, où, trois. Ben, j'en ai très, très vieux. un petit juste milieu, non? Moi, je dirais une génération et demie. C'est ça. Pour ça. Alors, sur ces bons mots, on va aller rejoindre Charles-Antoine Sirois, qui est au quartier général du Parti libéral et qu'on a justement en ligne. Monsieur Sirois, bonsoir. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien, vous? Très bien, merci. Écoutez, décrivez-nous un peu l'ambiance qui ne doit pas être très facile au Parti libéral. Ah, l'ambiance n'est pas très facile, pour être franc avec vous. Beaucoup de mouchoirs au pied carré pour être franc, des faces longues. Puis, je dirais que pas nécessairement une grande non plus population. On était à l'hôtel Plaza. Qui était, on était le quartier général sur l'hôtel Plaza. Puis dans les deux, c'était assez mort, pour être franc avec vous. Est-ce que dès le début de la soirée, on savait que ça allait être difficile pour le Parti libéral? Ouais, ben en fait, on savait qu'il y avait d'avance le CAQ depuis quand même, pas seulement depuis le début de la soirée, mais depuis quelques jours, là, je dirais. C'est assez serré, puis là, l'avance s'est faite assez rapidement. Puis dès que ça s'est fait, on a vu des faces longues se tirer, puis les gens, pour les peu d'élus, pour les membres élus du libéraux, c'est sûr que les gens s'écriaient, mais autrement, on a entendu beaucoup de pro-AA pour les membres élus de la CAQ. Est-ce qu'on, quand même, on se consolait et on se réjouissait du travail accompli dans ces dernières années, près de 15 ans de règne libéral, quand même, et on allait se dire, un peu comme M. Lévesque l'avait dit, à la prochaine fois? Oui. C'est ça, c'est pas facile pour le Parti libéral, je comprends bien votre désarroi là-dessus. Il y a évidemment peut-être pas beaucoup de personnes qui restent au quartier général. Je vous suggère d'aller rejoindre un autre quartier général. Tiens, il peut pas peut-être mieux terminer cette soirée que d'être tout seul avec les libéraux. Oui, en fait, justement, au quartier général qu'on a été, il n'y avait pas un chat. C'est ça. Que le monde devait être trop attristé dans leurs élections pour s'y rendre. Absolument. Alors, monsieur. En fait, ça sort quand même aussi des normes. En fait, Tachereau, que Québec solidaire est rentré avec Catherine Dorion, c'est assez. Des noms, c'était tagué PQ depuis les années 94. Absolument. Même chose dans Jean Lesage, qui était occupé par un libéral, tout juste avant par André Drolet. On vient de confirmer l'élection de Sol Zanetti pour Québec solidaire dans Jean Lesage. Quand même. Alors écoutez, M. Sirois, je vous remercie beaucoup de votre participation ce soir. Vous étiez depuis le quartier général du Parti libéral où on comprend que c'est le calme plat. Allez, bonne fin de soirée à vous. On se retrouve aux prochaines élections. Absolument, avec grand plaisir. Alors, de retour en studio, écoutez, ça n'a pas l'air d'être la joie au Parti libéral. Non, on ne sent pas d'euphorie, on ne sent pas de... J'aurais aimé un peu entendre, mais il était trop tôt, mais là, on voit que M. Couillard a été, lui, réélu dans Roberval. Qu'est-ce qui va arriver avec M. Couillard quand il va prendre la parole? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va quitter? S'il doit quitter, je pense qu'il doit l'annoncer maintenant. Ben, moi, je pense, si j'étais M. Couillard, moi, je pense sincèrement qu'il va le faire ce soir. Il n'a pas d'autre choix que de le faire. Peu importe là, si le comté va retourner en élection partielle, M. Couillard n'a pas le choix de quitter compte tenu des résultats atteint. Si le Parti libéral, on avait été dans un gouvernement minoritaire caquiste, Parti libéral, a 50 députés, la CAQ a 54, comme on a connu en 2012. Oui, c'est ça. Et là, peut-être, ça aurait été différent. Mais dans le contexte actuel, non. Et M. Couillard, qui règne qui est sur le Québec depuis quelques années, quand même, si, encore une fois, on jouait au même jeu que tout à l'heure et on devait ne choisir qu'un seul mot, puis je vous empêche d'utiliser austérité. Quel autre mot vous vient en tête pour M. Couillard? Marie-Soleil? rigide? Oui, rigide, hein? Ouais. Froid. Rigide. Une planche de 2x4. Mais qu'est-ce qu'il a accompli pour le Québec? Est-ce qu'il a accompli quelque chose pour le Québec? Mais de ce que j'entends beaucoup, on parle beaucoup du rétablissement de l'économie. Ouais. C'est un argument que j'entends énormément. Je ne sais pas si c'est un argument qui est seulement repris de citations que les gens lisent dans les journaux ou autres et qui... pense à ça, mais je pense que le numéro un, c'est vraiment l'économie. Oh, autour de moi, j'ai une famille de libéraux, je ne mentirais pas, et de libéraux, et c'est de ça qu'on parle. Et peut-être qu'on n'en a pas assez parlé pendant la campagne électorale. Non, effectivement. Luc, qu'est-ce que tu as retenu du gouvernement? J'allais dire, on choisit nos amis, mais notre famille, on ne la choisit pas. Non, c'est bien vrai. J'allais dire, en même temps que l'héritage de M. Couillard, si on peut l'appeler ainsi, aurait été, d'avoir ramené les finances, le public. Mais en même temps, paradoxalement parlant, ça a été son talon d'Achille. Oui. Parce que les gens se souviennent plus de quelle façon il a rétabli les finances. Et on parle d'austérité. Et on se rappelle que M. Couillard détestait avoir l'étiquette, mm-hmm. qu'on lui accole l'étiquette d'austérité. Il n'y revenait pas. Donc, sa réussite aurait été également son échec. À part de ça, je pense pas que M. Couillard va passer à l'histoire pour avoir été un des grands premiers ministres, pas un des plus mauvais, mais il passera pas à l'histoire pour ça. L'autre chose, c'est que du côté du Parti libéral, il y aura aussi une reconstruction qui sera pas facile. Justement, en parlant de M. Couillard, quelques mots qui nous viennent de TVA Nouvelles. M. Couillard qui dit qu'il entreprendra une courte réflexion sur son avenir personnel au cours des prochains jours. Alors, on lui souhaite la plus profonde réflexion possible, parce que ça ne sera pas facile. On le disait tantôt, à un certain point, est-ce qu'il va rester? Je l'annoncerai là, mais peut-être qu'il est mieux de se garder quelques jours pour l'annoncer de façon plus sereine, plus mm-hmm. avec une certaine distance. Mais bon. Tu dis ça comme un libéral, toi, là. Plus noble. Oui, ben, je prends facilement la peau. J'ai beaucoup d'influence sur toi, finalement. Non, je prends facilement la peau d'un libéral, comme je pourrais prendre la peau d'un caquiste. Oui, absolument. Alors, on va aller faire un tour aux îles de la Madeleine avant de faire une pause musicale pour vous dire qu'on se livre toute une lutte là-bas. Il y a une avance de seulement 41 voix qui appartient à Joël Arsenault, qui est le candidat du Parti québécois, sur Maryse Lapierre, qui est le candidat du Parti libéral. Alors, il y a 44 bureaux de scrutin de dépouiller sur 48. Ça promet d'être assez serré pour la fin de la soirée. On fait une pause musicale. Vous écoutez la soirée électorale sur les ondes de CKRL, le 89.1 au microphone, Jean-François Arthaud, Luc Ferland et Marie-Soleil Brault. On vous revient dans quelques instants après cette pause musicale. Parti Alors, c'était Marie-Pierre Arthur avec la pièce Rien à faire. Vous écoutez la soirée électorale sur les ondes du 89.1. C'est KRL. Alors, il n'y avait rien à faire aussi pour le Parti libéral dans Sherbrooke, Marie-Soleil. Non, dans Sherbrooke, c'est ça. Christine Labrie avait remporté avec 1579 voix, 34,2%. Donc, Québec solidaire remporté et Luc Fortin qui est avec un 24,1%. Luc Fortin qui avait été ministre, hein, ministre de la Culture. Oui, oui. On s'en rappelle, il avait des problèmes de santé. Oui. D'ailleurs, un jeune ministre. C'est ça. Mais je vous fais remarquer une chose. Avez-vous remarqué qu'à là où les QS a fait des gains en région... Oui. Je fais abstraction de la région de Québec, là, parce que bon, mais même encore là, des endroits où il y a une université, Chabrois ou Rwanda-Randa, en région. Oui. Je n'ai pas ta voix dans Chicoutimi, mais je vais aller voir. Université Laval pour Tachereau, même principe. Ouais, absolument, tout à fait. Ouais, et allons voir dans Chicoutimi. Élu André Laforêt, la CAQ. Quand même, hein, bon. Donc, on se dit sur les pourcentages exprimés, les pourcentages généraux de la province. Marie-Soleil, t'as ça pour nous, je pense. Oui, en fait, la CAQ, avec justement 69 élus, 38,1% des votes. Les libéraux, vous allez avoir 24,3% des votes. Parti québécois, 17,3% et Québec solidaire, 15,7% des votes. Et le Parti québécois, je le rappelle, qui est bon dernier jusqu'à maintenant. Oh, là, six candidats élus, encore une fois. C'est incroyable. Quatre en tête, pour un total de 10. Et ça donne pas de budget de recherche. Non. Ça donne pas de temps parlementaire. Non, ça donne une question par semaine à la période des questions de l'Assemblée nationale. Ça donne la débandade totale pour le Parti québécois, mon cher ami Luc. Là. C'est sans mots. Hein. Non, on se réjouit pas de ça, sérieusement. Là. Ben, je peux pas. Moi, pour moi, ce soir, c'est un deuil. Je me réjouis pour les vainqueurs. Je me réjouis pour tous ceux et celles qui ont été élus et ou réélus. Mais je peux pas me réjouir de ce qui arrive ce soir à ma famille, politique. Avec 6-7 députés, peut-être même pas, d'après ce que vous me dites, là. Ben, on en a 6 confirmés, peut-être 4 autres. Ben, écoutez, ils vont aller nicher où? Est-ce qu'il y aura un... De toute façon, la CAQ a plus besoin d'une entente. Ils sont majoritaires. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui... Non. Puis avec Québec solidaire, je vois pas comment le Parti québécois va pouvoir ressouder des liens avec le Parti Québec solidaire. Je le vois pas. Avec ce qui est arrivé. Mais même si on n'est pas de cette famille péquiste, Luc, je pense pas qu'on puisse se réjouir de ce qui arrive au Parti libéral, au Parti québécois ce soir. Luc, juste avant, je t'arrête parce qu'on va aller rejoindre en ligne Karina Kesserwan. Maître Kesserwan, je vous dénonce tout de suite mon conflit d'intérêts, c'est mon associé. On a un bureau d'avocats ensemble, et les spécialistes du droit des Autochtones, si on veut, n'ont pas des droits autochtones, on discutera de ça une autre fois. Karina, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Moi, ça va. Monsieur Fortin, j'imagine, ça va un peu moins bien. Ben absolument. Mais je pense que c'est Ferland, une surprise. Monsieur Ferland, ça va très mal, effectivement, parce que le Parti du québécois est en débandade. Oui, non, ça va très bien. J'étais en bonne compagnie. Mais Karina, à cause de Jean-François, on a une nouvelle, une jeune, ce soir, qui baisse la moyenne d'âge. Mais Karina, est-ce que tu es surprise de ces résultats? Je ne suis pas surprise. Je pense que vous, sans mettre à tout, vous le voyez venir. Oui, vous l'avez annoncé, le CAQ majoritaire. Oui. Je pensais plus une CAQ minoritaire, parce qu'on avait vu une baisse dans les dernières semaines. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux grands gagnants et deux grands perdants ce soir. Oui, ouais, tout à fait. Donc, la CAQ Québec solidaire, les gagnants, et le PLQ et le Parti québécois, les perdants. Oui. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est les vieux partis. Absolument. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il y a M. Couillard qui mentionnait tout à l'heure qu'il était en réflexion, en courte réflexion sur son avenir politique. Est-ce que vous pensez qu'il va rester avec nous ou qu'il ira peut-être retourner à la pratique de la médecine? Ben, probablement. On sait que M. Couillard n'a pas beaucoup d'économies. C'est ça qu'il nous a avoué dans la dernière semaine. Oui. Donc, j'imagine qu'il va faire un choix économique pour lui. Puis on sait qu'un seul député... de l'opposition, on est une guerre reluisant. Absolument. Et le problème aussi qu'on entrevoit, c'est qu'au Parti québécois, pour l'instant, on ne formerait pas un parti officiel à l'Assemblée nationale. Donc, pas de budget de recherche, du recrutement d'employés extrêmement difficile. C'est des jours sombres qui s'annoncent pour le Parti québécois. Mais peut-être, excuse Karina, je te permets, parce que tu parlais des deux extrémités, effectivement, tu as raison. Il y a des perdants des deux bouts, hein. Et l'autre chose, dans les deux extrémités, si on prend QS et le Parti québécois, ni l'un ni l'autre ne sera reconnu comme parti officiel. Non, mais c'est quand même une victoire incroyable pour quelqu'un. Oui, pour d'accord, mais oui. Par rapport dans la vraie vie, demain matin, là, oui. On célèbre, c'est beau, là, mais demain matin, on s'en va au Parlement, on n'a pas plus de budget. Là. Et Carina, qu'est-ce qu'on doit retenir, selon toi, de cette campagne électorale qui a été assez terne et grise quand même, mais si on avait quelque chose à retenir de cette campagne-là, qu'est-ce que ce serait, tu crois? Je pense que les gens sont déçus de la politique, ils sont déçus des politiciens. Ils ont envie de remplacer les politiciens de carrière par des gens qui ont des idées nouvelles. Que ce soit l'idée qu'on qualifierait au Québec plus de droite, là, parce que je veux pas qualifier la CAQ de droite nécessairement sur le spectre politique général. Parce qu'on sait qu'au Québec, à la fin, on est très à gauche là, par rapport au reste du Canada et à l'Amérique du Nord. Tout à fait. Ou alors vraiment à gauche là, avec Québec solidaire. Donc, je pense que les gens ont envie de changement et sont prêts à donner la chance à des gens qui n'ont pas toujours fait de la politique. Et Carina, toi qui es très sensible à la cause des femmes, bien sûr, est-ce que tu penses que M. Legault doit absolument arriver à une parité homme-femme dans la composition du Conseil des ministres? Bien, il s'en est engagé. Il a fait un engagement avant le début de la campagne. Il s'est engagé à avoir une parité entre les hommes et les femmes sur le Conseil des ministres. Maintenant, il va falloir regarder qu'est-ce que ça signifie. Moi, je pense que son plus grand défi, ça va être d'avoir une représentation de l'île de Montréal, qui est vraiment l'îlot libéral, surtout dans l'Ouest, avec avec quelques circonscriptions de Québec solidaire dans l'Est. Absolument. Donc comment est-ce qu'il va... comment gouverner le Québec sans Montréal? Ça, c'est, je pense, une question fondamentale. Absolument. À laquelle M. Legault va devoir répondre ou trouver une solution à ça. C'est peut-être ce que les quatre prochaines années vont nous enseigner, justement. Mais ça, c'est un fait. Carina, tu as raison. En même temps que Montréal est un incontournable, il va devoir composer aussi avec les régions dont il n'a pas beaucoup parlé, mais il a fait élire des candidats et des candidates dans les régions. Donc, c'est... je ne sais pas si on a le temps, juste dans une prédiction. Oui, j'avais le goût, parce que je connais Marina dans son ancienne vie aussi. Carina. Qui a, ouais. Et voyons ce que j'ai dit là. Des fois, je suis ailleurs. Hein? Mais je vais me ramener facilement. Mais la cause autochtone te tient beaucoup à cœur également. Dans l'équipe de M. Legault, qui pourrait occuper le poste de ministre des Affaires autochtones? C'est une bonne question. Ce n'est pas une réponse évidente. Je ne vois pas personne en ce moment qui aurait ce poste-là. Là, dans Ungava, qui est un ancien comté, Luc, oui. Le PQ est en avance par 22 voix. Oui, c'est par la CAQ, là, vraiment de proche. Moi, je pense que géographiquement, si jamais Denis Lamothe le remportait dans Ungava, ça pourrait être ça. Ou sinon, c'est un choix que le PQ a fait dans le passé, c'est prendre un député de la BTB. Oui. En ce moment, à BTB Est et à BTB Ouest, il y a des candidats de la CAQ qui y ont été élus. Donc, prendre des candidats qui sont autochtones dans leur circonscription. Maître Carina Kesserwan, vous êtes une spécialiste du droit des Autochtones. Vous nous parliez depuis Mont-Tremblant, je pense. Je vous remercie beaucoup de votre collaboration. Et puis, on se dit à demain, Carina. Merci, au revoir. Bonne fin de soirée. Une remarque. Oui, vas-y, Luc. À comté. Avant qu'on passe à la pause publicitaire. De Parti québécois, où on avait 5 comtés du PQ sur 5. On se retrouve ce soir avec 3 comtés caquistes, Dubuc, Chicoutimi, Lac-Saint-Jean, l'ancien comté à Alexandre Cloutier, et Robertval est libéral, et Sylvain Gaudreau a sauvé son comté. C'est quand même significatif. Absolument. La carte du Québec, à tout le moins du point de vue électoral, est complètement redessinée ce soir. Je vous arrête tout de suite. On va faire une pause publicitaire. On va revenir, bien sûr, dès après la pause, avec peut-être les résultats finaux ou à peu près de cette soirée électorale. C'est justement la soirée électorale que vous écoutez à CKRL de 89.1. Microphone Jean-François Arthaud, Luc Ferland, Marie-Soleil Brault. C'est un plaisir d'être avec vous. On vous revient dès après la pause. CKRL, communication, culture. L'émission de cinéma Situation Critique, c'est 8 chroniqueurs qui se succèdent au micro pour vous parler des films à l'affiche et de l'actualité cinématographique. Situation Critique, chaque mercredi, 18h30, aussi disponible en balado-diffusion. Une présentation du Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. la 28e édition des Rendez-vous Estrade de Québec du 4 au 8 octobre dans plusieurs salles de la ville. Mettant en vedette, entre autres, Yves Lambert Trio, les chauffeurs à pied, ainsi que des artistes de la Bretagne et du Pays Basque. Ce sont plus de 40 artistes porteurs de traditions qui se joignent pour offrir 5 jours de musique traditionnelle. Au programme, activités familiales, concerts, ateliers, lancement d'albums, veillées de danse traditionnelle, randonnées chantées, joutes chantées et jam de fin de soirée. Découvrez toute la programmation sur estrade.qc.ca, un festival qui présente une vision contemporaine des traditions musicales d'ici et d'ailleurs. Nouveauté chez Slamdisk, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot, le démon normal d'Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions puis des pensées élevées. Octoplot, disponible maintenant partout. Édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Les Journées de la participation citoyenne, c'est une série de conférences, ateliers, projections, discussions et spectacles. Au menu, densification urbaine, environnement et qualité de l'air, histoire et patrimoine, talents locaux et plus. Les Journées de la participation citoyenne, c'est une façon pour les conseils de quartier du Vieux-Limoilou et de Saint-Jean-Baptiste de célébrer avec l'appui de la Caisse des Jardins de Limoilou et de la Ville de Québec leur 25e anniversaire. Les Journées de la participation citoyenne, c'est du 3 au 7 octobre et vous êtes invités. Programmation complète sur monlimoilou.com/jpp. Laissez-vous impressionner par le souffle rebelle que Beethoven insuffla à son troisième concerto. Le pianiste français Cédric Stébergen rend hommage à ce tournant radical qui marqua la carrière du grand compositeur. Ce mercredi 3 octobre à 19h30 au Palais Montcalm. Hydro-Québec, partenaire de saison. La soirée électorale vous est présentée dans le cadre des élections générales provinciales 2018. Alors, on est de retour à la soirée électorale. C'est quand même de bon ton, on a du plaisir. La soirée qui s'achève, on est avec vous jusqu'à 23h ou à peu près. Marie-Salé, est-ce que tu as des résultats encore étonnants? Ça achève quand même le dépouillement des boîtes de scrutin. Oui, ben, on pourrait aller autant pour des résultats, mais on ne laisse pas encore terminer. Mais d'autres participations cette année de 67 à date. Ouais, pour le moment, 67 % 2014, 71. C'est ça, quand même. C'est un taux de participation qui est préliminaire. Là, tu fais bien de le mentionner. Pas encore tout de suite. Mais oui, maintenant, tes écouteurs, là, que tu vas m'entendre mieux. Salut, salut. C'est un taux de participation qui est préliminaire à 67 %. Toi, tu semblais dire que c'était assez élevé. Moi, je suis même sur. Moi, je m'attendais à un taux moins élevé que ça. Pour les raisons suivantes. La campagne a été d'une morosité puis d'être plate à la mort. OK? Ouais. Et peut-être vers la fin, là, les gens sont sentis interpellés parce qu'il y a eu tellement cette volonté de changement de gouvernement qui était forte. C'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'on est à 67. On finira pas à 71, 72, ça me surprendrait. Mais moi, j'avais pensé le contraire. Je pensais qu'au contraire, on allait dépasser l'année passée. Non. J'avais un petit espoir. Finalement, je me suis tiré dans le pied. Non, c'est ça. Tu sais, en ce moment, vous avez Marie-Victorin encore là avec Catherine Fourier en avance, 31,2% avec Parti québécois. Mais là, 153 bureaux de scrutin sur 157. Donc, ça reste... C'est proche, là. Ah, ouais. Et après ça, Rouyn-Noranda encore là, Québec solidaire en avance, Ungava. Vous allez avoir aussi Parti québécois en avance. Ouais. En fait, Parti québécois en avance, Île-de-la-Madeleine, Marie-Victorin, Ungava et Rouyn-Noranda avec Québec solidaire. Oui, Ungava, des grands changements quand même. C'est un parti, évidemment. C'est un parti, mais surtout un comté que tu connais bien, là, que tu as parcouru et que tu as dirigé pendant de nombreuses années. Pendant presque. J'ai été 8 ans et quelques député. J'ai été 6 ans avec au cabinet de l'ancien député et qui a été ministre jusqu'à les tourneaux. Donc, 14 ans, là, de façon active. Est-ce que je m'ennuie de la politique? La réponse est non. Est-ce que j'aime encore la politique? La réponse est oui. Parce que c'est. Il faut s'intéresser à la politique, il faut la vivre. Je l'ai fait, je suis content, mais ceux que je vois aujourd'hui élus, je me dis c'est vraiment un privilège et ils le reconnaissent, j'en suis convaincu. Absolument. 125 personnes sur 8 millions point quelques au Québec qui vont être assis au Salon Bleu et en commission parlementaire décider de l'avenir des projets de loi, c'est une responsabilité majeure. Alors Luc, si tu me permets, on va aller rejoindre deux collaboratrices. D'abord, Nora Legrand, qui était dans les bars de la Basse-Ville, et aussi Inès Rebéry. Oui. Inès Rebéry, qui était avec à la Ninkasi, qui était le quartier général de NPD Québec, justement, ce soir. Alors, on va les rejoindre. Ils sont en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben, très bien, et vous? Très bien, merci. Alors, dites-moi, comment était cette ambiance, justement, dans les bars de Québec, ce soir? Eh bien, écoutez, moi, j'étais sur la rue Saint-Joseph, donc j'ai fait à peu près tous les bars, puis j'ai fait certains restaurants aussi. Puis je dois dire que globalement, il n'y avait pas tant d'ambiance que ça. Là. Les gens avaient l'air d'être plutôt chez eux, devant leur télévision. Mais c'est ça. Donc, je suis rentrée au Level Up aussi. Je discutais un peu avec les barmans pour tâter un peu le terrain. Là. Mais ouais. C'est sûr que j'ai dû aller chercher des avis là, parce que sinon, les gens n'étaient pas vraiment là pour regarder la soirée électorale. Mais par contre, à la fin, je suis arrivée au Noctem en descendant, puis c'est la seule soirée électorale que j'ai trouvée. Fait que c'est ça, il y avait un peu plus d'ambiance quand même dans ce coin-là. Et on n'aurait donc pas dit qu'on était en soirée électorale, à tout le moins, si on fréquentait les bars ce soir, c'était pas clair qu'on était en soirée électorale. Non, vraiment pas. Bien contrairement à lorsqu'il y a un match de hockey des Canadiens, par exemple. Oui. Bon, c'est ça, c'est un peu dommage. Il y en a qui étaient là, par contre, pour regarder un match de football ou de hockey, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, il y en a qui étaient venus qui se déplaçaient pour le sport. Chacun ses raisons. Absolument. Toutes les raisons sont bonnes pour aller dans les bars, mais il y en a des plus intéressantes que d'autres. Mais peut-être que c'est des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait une campagne, qu'il y avait une élection aujourd'hui. Ouais. Donc, un peu déçu quand même de voir qu'il y avait aussi peu d'ambiance dans les bars, ou ça vous a pas étonné autre mesure? Oui, on a été déçus, surtout moi, parce que ça fait 2 ans que je suis au Québec, puis c'est ma première élection, puis je m'attendais vraiment à avoir quelque chose, comme quand il y a un match, là, des militants, puis de l'ambiance, puis ouais. Tout ça, des gens qui crient dehors, puis je sais pas, là, quelque chose de vraiment festif, puis finalement, non, pas tant que ça. C'est ça. En même temps, j'ai juste fait la rue Saint-Jean. Là. Je sais pas, c'est mes collègues qui sont allés en Haute-Ville. Fait que je peux pas vraiment parler pour toute la ville de Québec. Là. Parfait. Alors, bon, on espère que la prochaine campagne électorale, il y aura davantage d'ambiance. Plus de festivités. Ben, c'est ça, pourquoi pas. Ben, d'autant que ce soir. Parce qu'avec les changements qu'on voit. Ben oui. Et moi, je reviens à ce que je disais au début, puis dans nos émissions antérieures. C'est qu'il y a un vent de changement avec les jeunes, avec au niveau de la population. Mm-hmm. On le voit avec Québec solidaire. Peut-être que le prochain tour, il y aura un changement encore plus significatif. Peut-être que des partis comme la NPD ou d'autres vont pouvoir prendre une place un petit peu plus grande. Oui. Très bien. Alors, je vous remercie beaucoup de ces propos que vous nous avez tenus sur l'ambiance qu'on retrouvait dans les bars de Québec ce soir. Oh oui! Alors, on va maintenant passer à Inès Rebéry, qui, elle, était au quartier général de NPD Québec à la Ninkasi. Bonsoir, Inès. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, parlez-nous donc un peu de cette ambiance, s'il y en avait une, qu'on retrouvait au quartier général de NPD Québec. Oui, tout à l'heure, on s'est rendu au Ninkasi, donc le bar en Haute-Ville. Et il se trouve que le NPD avait décidé de venir s'installer dans le bar pour profiter de la soirée électorale. Il y avait quelques militants et quelques personnes aussi qui étaient là pour encourager le parti. Est-ce que c'était calme ou plutôt inquiet, survolté? Comment on composait avec cette soirée, avec les résultats qui sortaient au fur et à mesure des minutes, bien sûr, et on a rapidement vu qu'on allait avoir un gouvernement majoritaire CAQ. Est-ce que ça semble avoir surpris un peu les militants de NPD Québec? Non, écoutez, les militants étaient assez conscient de la situation. Moi-même, quand je leur ai parlé, je leur ai dit, on sait que ce soir risque pas de créer la surprise, mais est-ce que vous êtes confiant par rapport à l'avenir du parti? Est-ce que vous avez de bonnes relations en ce moment avec vos électeurs par rapport à cette soirée? Et ils m'ont assuré qu'ils étaient absolument contents, mais que peu importe le résultat, ils étaient sur la bonne voie pour faire progresser le parti. Après tout, c'est leur première élection provinciale, mais ils disent qu'ils sont assez contents, peu importe l'issue du vote, ils sont satisfaits, disons, du rapport qu'ils ont avec leurs électeurs, et ils ont reçu des soutiens supplémentaires pour la suite de leurs activités. Donc c'était une assez bonne ambiance, disons, même si on était tout à fait conscient de l'issue finalement de la soirée. Bon, tant mieux. Alors on était prêts à se retrousser les manches et à remettre l'ouvrage sur le métier pour la prochaine campagne électorale, j'imagine. Oui, absolument. Bon, tant mieux. Alors, merci de ces propos. On rappelle que vous appelez Inès Rebéi, que vous étiez justement à la Ninkasi ce soir, qui était le quartier général du parti NPD Québec. Merci à vous et bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée. Allez, au revoir. Alors, évidemment, un comté qui nous tient à cœur pour toutes sortes de raisons, c'est Ungava. Oui. Et c'est extrêmement serré encore. Ah, c'est serré, comme je vois également dans Abitibi-Ouest, très serré entre la CAQ et le Parti québécois. À peine 100 voix de différence. Dans Ungava, Ungava, il y a 41 voix qui favorisent Jonathan Mattson, qui est du Parti québécois, sur Denis Lamotte, candidat de la CAQ, le député sortant libéral Jean Boucher, qui est en troisième place pour l'instant avec 25 % du vote. Ça, c'est un peu étonnant quand même. Ouais. Un soleil de ton côté, ça se passe comment? Ça se passe, on a reçu... En fait, il y a eu un tweet de Catherine Dorion qui cite d'un air un peu philosophique, d'un air un peu profond, ici, dans notre petit chez-nous, dans notre grande petite, dans notre petite grande ville de Québec, dans la course normale et ronflante du temps politique, une nouvelle force vient de se lever. Donc, pour leur grande montée historique, à un certain point, une station qui se note. Et aussi encore, là, Québec solidaire qui, dans le côté historique, 15 % du vote populaire. Oui, c'est énorme quand même. C'est énorme. Moi, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi bien que ça. Non, c'est énorme, énorme. Mais je vois encore, je regarde dans Huntington, Stéphane Billette, qui était quand même un député bien connu, battu par Claire Isabelle avec 9932 voix. Serré quand même, 9209 voix. Mais c'est significatif. Beaucoup de châteaux forts sont tombés. Oui. Au combat. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que M. Couillard ne sera pas en longue réflexion. Mais non, moi, je suis d'accord avec toi. Et si j'étais parmi ses conseillers, c'est que je ne suis pas. Hein, je l'ai été pour M. Charest, je ne serais pas pour M. Couillard. Ça, oui. Bon, ah, okay. J'aurais aimé avoir M. Charest. Hein, on pourrait l'avoir. On essaiera dans quelques instants. On essaiera peut-être la semaine prochaine. On verra peut-être la semaine prochaine aussi. Mais non, c'est vrai, c'est quand même significatif. Mais moi, j'aimerais ça vous entendre sur une question que j'ai avant qu'on passe à une pause musicale. Les résultats qu'on obtient ce soir ne sont pas du tout ceux qui avaient été annoncés par les sondages. Non, Est-ce qu'il y a trop de sondages? Puis est-ce qu'ils nous influencent trop, ces sondages-là, Marie-Sabine? Sincèrement, oui. Je dis un grand oui. Et ça, c'est par mes conversations que j'ai avec des pères autour de moi, autant familial qu'à l'école. Les sondages ont tendance... Les gens ont tendance à regarder les sondages et à faire un vote stratégique tout dépendant du sondage. Et malheureusement, ça l'enlève, je pense, le pouvoir aux citoyens de décider par lui-même d'être critique en voyant, exemple, selon ses valeurs, quel parti va plus le refléter du mieux qu'il peut. Maintenant, c'est ça, quand un sondage, exemple, annonce la CAQ, les libéraux, avec une forte majorité, les gens perdent espoir de dire « Ah, oh, les autres partis, je vais gaspiller mon vote. » Est-ce que tu gaspilles réellement ton vote à un certain point? Et aussi en rapport à ça, le mode de scrutin qui est... archaïque quand même. Oui, archaïque définitivement. Mais tu sais, encore là, je regarde un peu, dites-moi si je me trompe dans mon analyse, mais Parti québécois, on a 6 élus, 17,2 % des votes. Québec solidaire, 9 élus, mais 15,7 % des votes. Est-ce que la représentation c'est du vote grande du peuple, question, effectivement. Elle est très déséquilibrée et en plus, le peuple se déséquilibre dans son choix de vote à cause des dizaines et des dizaines encore là de sondages qui voient à la télévision ou dans les journaux. Absolument. Ta réflexion est très juste, comme l'ensemble de tes réflexions ce soir, rassure-toi. Et ça pose cette question-là, effectivement. Est-ce qu'on doit avoir des élections proportionnelles avec là une majoration, une normalisation régionale, une normalisation nationale? Bon, les partis ont dit pour 3 des 4, qu'on allait vouloir... Dans la CAQ. Moi, je pense qu'avec la CAQ majoritaire... Mais c'est tout un défi, Luc, là, de reprendre ça. C'est tout un défi. Oui, mais parce qu'il y a tellement majoritaire forte, je ne suis pas sûr qu'ils vont avoir le goût de revoir le mode de scrutin. Mais c'est ça que je trouve pas à un certain point. Ça non, mais c'est parce que j'ai rarement vu quelqu'un couper la branche sur laquelle il est assis. Ben, c'est ça. Hein. Et si je peux m'exprimer ainsi. Mais vous avez raison. Je pense qu'il était... J'ai toujours été quelqu'un qui était favorable à un nouveau mode de scrutin. Là-dedans. Par contre, il faut que ce soit fait de façon éclairée, surtout informer la population. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire en bout de piste? Okay? Oui. Pour les régions surtout. Il y a un seul parti qui était totalement contre, c'est le Parti libéral. Mm-hmm. L'autre chose que vous avez soulevée au niveau des participations du vote, les sondages, vous avez raison. À mon avis, il y a non seulement il y a beaucoup trop de sondages, mais il y a deux autres bébites à côté que les gens regardent à tous les matins, mm-hmm. comme la température, tout close, tout calme, et Q625. Ouais. Okay. Et ça, je peux vous dire qui autre chose. Des, qui sont, juste pour préciser pour les gens, qui sont des amalgames de sondages. Et voilà, c'est ouais. ça. Mais quand même, et sur un calcul, puis des fois, ils se trompent, des fois, ils se trompent pas. Ouais. L'autre effet que ça, pervers, à mon avis, que ça a, c'est le monde regarde ça, dit, oh, la CAQ va gagner, je n'irai pas voter. Oui, ouais, ça décourage d'aller voter. T'as raison là-dessus. Oui, ça l'encourage pas. Bon, j'irai pas. De toute façon, ce que je voulais, mon souhait était, je veux plus voir le tel parti au pouvoir. Cette année, c'est les libéraux. Bon, OK, la CAQ va gagner, j'irai pas. Ou, je vais aller voter CAQ parce que ça l'a serré. Et je veux plus voir les libéraux. Ouais, c'est ça. Le vote chance. Stratégique auquel voilà. tu réfères. C'est ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'effets pervers à ouais. ça, ouais. Au sondage. Moi, et c'est sur cette perversité électorale ben qu'on oui. va s'arrêter là, qu'on va faire une pause c'est musicale. Ça. On va vous revenir dans 2 ou 3 minutes. Je vous rappelle que vous écoutez la soirée électorale sur les ondes de CKRL de 89.1. Encore une fois, microphone, Jean-François Arthaud, Luc Ferland, Marie-Soleil Brault. Et on vous revient après cette pause musicale avec les derniers résultats peut-être dans les îles de la Madeleine, dans Ongava. Puis on va finir cette émission-là en beauté. Ouais. Allez, on vous revient. Avec le temps, je fais en attendant vider le cinéma sans souvenir en attendant, je n'essaierai. C'était Simon Kearney avec la pièce En attendant. On est de retour à la soirée électorale qui tire à sa fin. On se termine, on va terminer ça dans quelques minutes, pas tout de suite, dans quelques minutes quand même, avec un gouvernement majoritaire de la coalition Avenir Québec, je vous le rappelle, une possibilité de 73 députés. Il n'y a personne qui avait vu ça venir. Hein? Il n'y a pas les crop, les légers, les mainstream de ce monde, non. QC125, tout close, tout call. Non. Il n'y a personne qui avait vu ça venir, sauf moi, en début de soirée. Et voilà. Wow, t'avais pas dit le nom. J'avais pas dit le nom. T'avais dit majoritaire. C'est vrai, c'est vrai. C'est, voilà, c'est ça. Mais nous, on a suivi la tendance. Absolument. Ben, c'est ça. En parlant de nombre, ça a l'air de quoi aux Îles-de-la-Madeleine? Îles-de-la-Madeleine, 44 bureaux sur 48, donc c'est sur le bord d'arrêter. Joël Arsenault avec Parti québécois, 38,9% des votes est en numéro 1. Vous avez Maryse Lapierre, libérale, avec 38,3. Québec solidaire en troisième et la CAQ en dernier. Quand même, hein? Ouais. Dans le plus grand comté du Québec, celui d'Ungava, ouais. Luc. Ungava, très serré, mais avec seulement deux bureaux de vote à ouvrir. Jonathan Mattson, du Parti québécois, mène avec 1911 voix, suivi de Denis Lamotte, de la CAQ, avec 1872 votes. Donc, ça fait quoi, 41 voix? Ouais. Le député sortant libéral, Jean Boucher. 1776. Donc, ça va jouer entre la CAQ et le Parti québécois. Ouais, soirée difficile pour le député Boucher. Ouais. Alors, on va rejoindre en ligne Georges Gomard. Georges Gomard, que j'aime beaucoup, qui est un chroniqueur à CKRL, qui est un animateur aussi, que j'ai eu le bonheur de croiser plusieurs fois. Georges Gomard, qui était un candidat de Québec solidaire dans le comté de Lévis et qui a bien fait, qui a obtenu 11,7% des votes. Oui. Bonsoir, Georges. Bonsoir, et merci de m'inviter. Mais c'est un plaisir de t'avoir en onde encore une fois. Comment vas-tu? Ben, je vais bien, très très bien même. Je me sens très très très très bien. Ben écoute, je voulais te féliciter d'abord pour ton courage et t'as tout mon respect d'avoir mené cette campagne électorale-là. C'est ô combien difficile de faire ça, de participer à la chose publique. Et tu l'as fait encore une fois admirablement et je tiens bien honnêtement à te féliciter, Georges, pour tout le travail que tu as accompli. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les pensées qui t'habitent ce soir? Écoute, les premières pensées qui m'habitent ce soir, c'est que nous allons faire un bon travail. Nous allons faire un bon travail, et puis Québec solidaire, tout le monde l'a vu à l'œuvre, et nous avons souvent été un peu, comment je peux dire ça, un peu négligés, s'il faut le dire. Ouais. Rappelez-vous qu'on a commencé la campagne dans notre bus. Après la première semaine, les journalistes ont déserté notre bus. Tout à fait. Vous voyez un peu? Ouais. C'est quand même fort pour ne pas le mentionner. Mais nous avons continué à travailler. Nous avons continué à travailler et les gains que nous avons réalisés ce soir, je crois que beaucoup ne croyaient pas. Mais nous, à Québec solidaire, nous croyions que nous ferions cette percée. Oui, et vous aviez bien raison parce que... Tout à fait. Et Georges, vous aviez bien raison de le croire chez Québec solidaire parce que vous avez atteint un sommet ce soir avec 15% des votes exprimés, ce qui est une grande victoire pour tous les candidats de Québec solidaire. Absolument. Alors, et on est bien content de nos leaders, Mme Manon Massé et puis Gabriel Nadeau-Dubois, qui nous ont bien entraînés dans cette aventure-là. Et c'est à eux que nous pensons d'abord, mais pas seulement à eux, mais aussi à leurs dévanciers. À leurs dévanciers, Amir Kadir et puis Mme David, qui ont, n'est-ce pas, pavé le chemin sur lequel nous marchons aujourd'hui. Tout à fait. Et pour l'instant, vous avez 9 candidats d'élus. Un qui est encore en tête, alors une possibilité de 10 députés élus chez Québec solidaire, ce qui vous placerait en troisième position devant le Parti québécois, ce qui était un peu inespéré quand même, Georges. C'était inespéré. Oh ben, inespéré. Je ne sais pas, c'est vous qui le dites, mais je pense qu'à notre niveau, nous étions bien décidés déjà. Et puis, bon, ma foi, le PQ, on l'a dit pendant la campagne, hein, moi je l'ai dit personnellement, que le PQ avait quand même déserté ses fondamentaux. Hein, vous savez, Québec solidaire était le seul parti déjà à mettre en avant, n'est-ce pas, la thématique de l'environnement. Hein. Je crois que nous avons bâti toute notre offre politique autour de la transition économique qui emporte composante qui est l'environnement. Ouais. Et nous avons aussi porté, n'est-ce pas, la question de l'indépendance ou de la souveraineté au moment où tout le monde disait ben écoutez, cette question était évacuée de l'espace politique durant ces élections, alors que beaucoup sont les Québécois qui ont toujours cette question de l'indépendance, n'est-ce pas, en tête. Beaucoup aussi ne veulent pas en entendre parler. Mais à partir du moment où il y a un pourcentage qui pense que nous devons aller vers l'indépendance malgré les référendums qui sont passés, qui sont soldés par un échec, et bien ça reste une question politique auquel il faut penser, et Québec solidaire était le parti qui l'a porté, n'est-ce pas, le flambeau de l'indépendance. Tout à fait. Alors, Georges Gomard, je veux vous... dire encore ceci, oui, pour terminer sur ce point-là, que nous avons quand même été au regret quand nous écoutons la radio, quand nous regardons la télévision, quand nous disent que voilà, la question de l'environnement n'a pas été trop abordée et que la question de l'indépendance aussi n'a pas été abordée, alors que nous n'avons pas arrêté d'en parler. Tout à fait. Alors, Georges Gomard, vous êtes candidat de Québec solidaire dans Lévis. Je vous remercie beaucoup d'abord d'avoir mené campagne et aussi de votre participation à cette soirée électorale sur CKRL. Merci bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Allez, au revoir. Au revoir.

historiquement au Parti libéral. C'en est un de ces comtés-là, Saint-Henri-Saint-Anne. Oui. Alors, Dominique Anglade qui est réélu, mais même chose pour Mont-Royal-Outremont avec Pierre Arcan. Pas de surprise non plus. Gaétan Barrette, on l'avait mentionné dans Lapinière, qui est réélu et qui ne sera pas ministre. Votre temps long, M. Barrette, hein? Médecin spécialiste, anesthésiste. Oui, mais ça, c'est pas surprenant, d'un comté quand même assez sûr. On pourra parler peut-être une autre journée de l'avenir de ces personnes-là, comme M. Couillard, bon, je pense que c'est fait. Mais comme M. Barrette, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est ça. Est-ce qu'il va s'ennuyer dans la position? Est-ce qu'il va... On le verra. On verra. Parmi ceux qui n'ont pas été réélus, il y a Stéphane Billette. Qui n'était pas connu du grand public, mais qui est bien connu dans le caucus libéral, qui fait un bon travail d'ailleurs, Stéphane. Oui, puis qui était quand même apprécié dans sa circonscription. C'est Huntingdon, quelqu'un qui était whip, qui était ministre, qui était bon. Non, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup, plusieurs châteaux forts libérales qui sont tombés. Absolument. Ça, c'est clair. Même dans l'Outaouais. Même dans l'Outaouais, mais avant d'aller en Outaouais, à Charlebourg, François Blais. Ben qui est défait par Jonathan Julien. Pas surpris. Moi non plus. Pas surpris. Mais je suis un peu déçu pour M. Blais quand même. Moi, je suis pas quelqu'un que je connaissais personnellement, mais ça n'a pas été le ministre le plus flamboyant. Non. Dans le sens où, non, il n'a pas fait... Et sa dernière sortie durant la campagne, elle a fait qu'il avait demandé une enquête sur Éric Kerr, alors que la vérificatrice avait déjà... Ça n'avait pas été sa meilleure, ça. Non. D'autres ministres défaits dans Soulanges, Lucie Charlebois, dans Rivière-du-Loup, Témiscouatois, Jean Damour, pardon, qui est défait. Dans Sherbrooke également, comme tu le mentionnais, Marie-Soleil, Luc Fortin, qui mord la poussière encore une fois. Puis... Pierre Moreau, c'est pas sérieux, ça? Ah oui, Pierre Moreau qui battu? Battu. Hein? Dans Châteauguay, Pierre Moreau est battu par la caquiste Marie-Chantal Chassé. Hein? Madame Chassé qui remporte le comté par une majorité de 879 voix. Ben oui, oui. Marie-Chantal. On parlait de M. Moreau comme étant un successeur possible à M. Couillard. Bien, il aura tout le temps voulu pour préparer la succession, en tout cas. Ben, je pense qu'il est mieux à l'extérieur pour revenir. Prendre une sabbatique. Mais c'est peut-être pas ça qu'il voulait. Mais non, surprenant. Je ne l'avais pas vu, celle-là. C'était surprenant. Pierre Moreau, qui est un avocat spécialisé en droit municipal, justement. Oui. Qui a déjà été ministre des Affaires municipales, ministre responsable de l'habitation. J'avais eu l'occasion de travailler avec lui à ce moment-là. Oui, ça n'a pas été... Pierre Moreau, qui est défait dans Châteauguay. Honnêtement, c'est une grande surprise pour moi, ça. Oui. Définitivement, on n'avait pas... En tout cas, je ne l'avais pas suivi. Je retourne voir dans l'Abitibi-Ouest. Abitibi-Est, ben c'est fait. C'est Pierre Dufour, on le sait. Abitibi-Ouest, pas encore de résultats. Très serré entre Suzanne Blais, la CAQ, 6984 votes, et Sylvain Vachon, le candidat péquiste, 6817. Deux derniers, si tu permets, Luc, ministre défait. Véronique Tremblay, ici, dans la région de Québec, dans Chauveau, ministre délégué au transport, qui est défait. De même que Dominique Vien, sur la Rive-Sud, dans Bellechasse, qui est aussi défait. C'est pas surprenant, mais quand même. Véronique Tremblay, je suis pas surpris. Non. Mais Dominique Vien, quand même, mais ça, on pouvait un peu le prévoir dans les sondages. On le voyait venir. Alors, peut-être on pourrait peut-être parler justement des chefs. Qu'est-ce qui va arriver de ces gens-là? Ben, M. Couillard a été réélu dans Robertval. Ben, il a dit un petit peu plus tôt ce soir qu'il allait faire une courte réflexion. J'espère qu'il n'aura pas un court raisonnement, mais qu'il aura un raisonnement profond. Sa décision est prise, là. Et quelle était sa décision? Sa décision, elle est prise. Il va quitter. Bon, est-ce qu'il va attendre demain pour l'annoncer? Ou il va le faire ce soir? Est-ce que je sache qu'il n'a pas pris la parole encore, je pense? Non, pas encore. Et il va attendre, c'est ça. Et pour M. Lisée, c'est réglé. Parce qu'il n'a pas annoncé rien. Il s'est fait battre par... M. Lisée qui est allé, selon une dépêche qu'on a ici, qui a pris la parole avant que Mme Massé ait terminé de parler. Ce qui n'est pas très élégant. Non, on l'a vu un peu à date et on aurait aimé que ça l'arrête par la suite. C'est ça. Tu nous dis, ce serait le fun qu'il arrête de nous dire pourquoi lui réfléchit mieux que nous autres. Ça ferait du bien. Les jeunes l'ont arrêté. Je pense qu'il va arrêter de le dire. Il va arrêter parce que, moi aussi, je trouve ça un petit peu déplorable parce que je me serais attendu que quand je disais tantôt, autant dans la défaite que dans la victoire, de l'humilité à sa place. Tout à fait. M. Lisée a quand même dit ce soir, il faut être bon joueur, qu'il y avait des leçons à tirer de cette soirée. Et il s'est adressé aux militants, bien sûr, qui avaient le cœur brisé du Parti québécois. Soirée difficile. Peut-être la soirée la plus difficile dans l'histoire du Parti québécois, hormis le référendum de 80. Ben c'est la plus difficile. Même en 1973, la première année, le Parti québécois avait fait élire, je crois, ses 6 députés. en 1973. Ouais. Après 1976, prennent le pouvoir. Ouais. Donc j'ai pas de mots pour la suite des choses et je vois pas l'avenir. Incertaine, on va dire ça. Ouais, disons. Ouais, continuons être... donc notre tournée des chefs. Manon Massé, ben des chefs, enfin. Ouais. Des porte-paroles. Hein? Bon, Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, qui tous deux ont été élus ce soir. Ouais. On a des journées intéressantes pour ces gens-là, quand même. Oui, non, parce que un pourcentage de vote extrêmement intéressant pour Québec solidaire. Ben, oui. Pour eux aussi, et pour d'autres raisons, ouais, par contre. Ouais, ouais, une soirée historique pour Québec solidaire. Non, parce que Québec solidaire ont fait, à mon avis, une bonne campagne. Ils ont réussi à aller chercher non seulement l'attention, mais l'écoute. Pas juste des jeunes, parce que j'entendais sur le terrain, que ce soit en région, dans la grande région de Québec, ici, on l'entendait souvent. J'allais dans la région de Montréal, mais plus dans la Boucherville, dans ces coins-là. Donc, les gens écoutaient ce que la Québec solidaire avait à dire. Oui. Même au-delà des promesses, au-delà des engagements, au-delà de 30 milliards de promesses, ben là, ils doivent être contents de pas avoir pris le pouvoir, parce que ça aurait été difficile, mais une belle campagne, très content pour Québec solidaire. Ça va amener quelque chose de nouveau à l'Assemblée nationale, parce que moi, j'ai vécu le règne avec Amir Kadir, avec Françoise David, il amenait quelque chose de nouveau au Parlement dans les débats. Mais comme Mario Dumont avait amené en 1994, rappelez-vous de 94 ouais. Et 2003. Tu dis qu'il amenait du nouveau, mais tu dis ça avec beaucoup d'hésitation. Du nouveau, du non, bon nouveau ou du mauvais studio, nouveau? Ça paraît pas. De toute façon, tu jettes pas la TV, ça. Oui. Mais non, je le dis avec sincérité. C'est, oui, oui. C'est vrai, parce que j'ai l'été en politique. Je sais c'est quoi. Et peu importe, quand t'es un parti comme Québec solidaire, et il y a des partis, bon, un peu en marge, comme on a reçu notre... Ouais. Ben, les voilà, ouais. C'est ça. Ouais. Que je savais même pas que ça existait. Non, plus, non. Non, c'est ça. Parce que c'est moyen. Bon, ouais, ils pourront ça, donner ouais. Les recettes à M. Couillard, peut-être. Mais c'est pas la recette de la victoire, je peux te dire ça. Non, définitivement pas. Donc, oui, QS, chapeau, très content, on verra pour la suite. Mais attendu, grand gagnant. La CAQ, le défi, le travail commence. Parce que, ah oui, c'est ça. Là, la oui. Tâche est très lourde. Moi, je dis tout le temps, la politique, c'est comme la chasse à l'orignal. C'est quand tu as tué. Que le travail commence. Oui, c'est ça. Exactement. Mais parlant de ça, justement, je suis quand même surprise que le Parti québécois ait eu autant peu de présence en tant que telle, finalement, ce soir, pour le principe qu'on a beaucoup, beaucoup parlé d'environnement. Et là, tu sais, je veux pas radoter avec l'environnement, mais bon, ça me tient à cœur. Parti québécois qui avait un très bon programme environnemental, oui. Québec solidaire, parmi même principe. Les meilleurs, je pense. Oui, définitivement, mais finalement, on en parle, mais. On dirait que les résultats ont montré un peu le contraire. Ouais, Québec solidaire qui a augmenté, un Parti québécois qui a c'est un point intéressant que tu soulèves. Et moi, j'ai toujours pensé que l'environnement, on en parle pendant les campagnes électorales, mais on ne vote pas pour ça. Ben, c'est ça, effectivement. C'est décevant, mais c'est... Tout le monde est d'accord avec ça parce que c'est la vertu. Puis tout le monde veut un monde meilleur, plus durable et tout et tout. Ouais. Et ça, en parole, c'est vrai. Bon, mais au moment de voter, c'est pas à ça qu'on pense. Ouais. Mais quand on regarde, si on recule un peu... reculons au dernier référendum, puis même on pourrait aller encore un petit peu plus loin. Quand on parle du Parti québécois, l'ère des pénibles descend. Le référendum de 1995 a laissé des traces évidentes. Ça, ah, c'est ça, clair. C'est sûr, ouais. Après ça, Lucien Bouchard est arrivé. Ah, Luc, excuse-moi, un élément important, Ungava. Mm-hmm. Ungava. Le candidat de la CAQ est élu, Denis Lamotte. Oh. Mais... Par 45 voix. Ça a été, ça a été là, il va y avoir un recontage. Un recontage, assurément. Recontage. Mais ce qu'on peut aussi dire de façon assurée, c'est que Jean Boucher, le candidat, le député sortant libéral, n'est pas réélu dans Ungava. Il termine troisième avec 24,9% des votes exprimés. Et un autre élément que je veux mentionner, la candidate de Québec solidaire, Alicia Torkapik, qui vient de Koudjarapik, qui a quand même très, très bien fait avec 16,5% des votes exprimés. Toutes nos félicitations à Alicia Torkapik. C'est vraiment une performance. Et ça, c'est dans quelle circonscription? Ungava. Ok, oui, la Québec solidaire, donc, oui. Denis Lamotte qui est élu, ça pourrait être possiblement un ministre responsable des affaires autochtones. Peut-être. Parce qu'il connaît, il a travaillé à Coudjouac, c'est un policier, ouais. Denis Lamotte. Ouais. Bon, encore une fois, félicitations à Denis Lamotte. Jonathan Mattson, qui doit être amèrement déçu parce qu'il a mené presque toute la soirée dans ce comté-là, puis s'est fait coiffer au fil d'arrivée par M. Damotte et par très peu de voix, encore une fois, 45 voix. Donc, on se dirige vers un recomptage assurément dans ce comté. Assurément, mais bon, ça a été serré, une lutte chaude. Même les trois parties, tu vois, même la région est divisée là, en trois grands parties. Bon, on s'en va encore à la CAQ. Ça fait un 74e. 74e de la CAQ. Et écoute, le Parti québécois va terminer bon dernier, Luc, avec 6 députés élus. Il y en a 3 en tête seulement pour l'instant, un maximum de 9 pour le Parti québécois. Ouais. Une performance catastrophique. Bon, c'est. Vous l'avez dit tantôt, je suis sans mots. Et on voyait malheureusement un peu se dessiner ce scénario-là. Pas aussi catastrophique que celui qu'on vit ce soir. Dans le pire des scénarios, moi j'avais mis à 8 dans le pire. Oui. Là, on se dirige vers. On a 6 assurés, ben, peut-être 9. C'est incroyable. C'est incroyable. Un grand parti comme le Parti québécois. Fini, mais c'est pas une première dans l'histoire. Rappelez-vous l'Union nationale avec. Mais il reste qu'on peut pas parler de. On verra pour la suite. Non, puis la bonne nouvelle, s'il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que les partis meurent, mais les idées survivent. Elles. Oui, les politiciens quittent. Non, les... Moi, ça, c'est les hauts fonctionnaires dont j'étais. C'est ce qu'ils disaient. Hein? Les politiciens quittent, nous autres, on reste. Soleil, t'as quelques mots avant qu'on fasse une pause musicale. Une supposition à certains points. Vous disiez tantôt 36 % des gens sont encore souverainistes au Québec. On a pour Parti québécois 17 % des votes, Québec solidaire 15,8 % des votes, pour un total, je vous dirais, d'environ comme 32 % on pourrait dire. Est-ce que vous pensez que des gens qui ont pu tourner le dos au Parti québécois pour aller vers Québec solidaire, vraiment, et c'est peut-être la montée de Québec solidaire depuis le dernier a volé un peu... Les souverainistes du Parti québécois ont quitté la maison pour aller à deux endroits. À la CAQ et à QS. C'est ça. Remarquez, quand il y a eu le dernier débat, la CAQ a perdu 4 points. Mm-hmm. 3 points sans s'en aller à QS et 1 aux libéraux. Et là, quelqu'un me dit, « Ouais, mais Luc, j'ai dit, ces 4 %-là ont parti du PQ pour aller à la CAQ. Et au lieu de revenir à la CAQ, ils sont allés à QS et aux libéraux. Et Luc, tu l'avais un peu prédit, Radio-Canada qui vient de rendre public cette nouvelle, Jean-François Lisée qui quitte ses fonctions de chef du Parti québécois. Oui, c'était clair. C'est la seule chose à faire. Alors, on va faire une pause musicale de quelques instants, le temps de reprendre nos esprits. Devant César, Vachin et Torix, à déposer les armes. Mon Dieu, vous êtes poète ce soir, vous? Ben, il me reste ça, moi. Vini, Vidi, Vici. Et voilà. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Exactement. Alors, la finale. La finale, oui. Au retour de la pause musicale avec nos derniers propos sur cette belle soirée électorale qu'on aura vécue ici à CKRL. On fait une pause musicale et puis on vous revient par-delà la pause, bien sûr. Oiseaux te perceront la peau dans les trous d'eau. Je trouverai les mots. Dans une autre pour être sûr de comprendre que ton visage est creux, que le mien serait mieux contre le tien. Thank you. Je parle des Nicolas. J'ai pas peur de la mort. Avant qu'il soit trop tard, dépose ton corps contre les. Alors, c'était Sophia Nolin avec la pièce Technicolor. On est de retour en studio pour cette soirée électorale sur CKRL le 89.1. Jean-François Arthaud au microphone, bien sûr, avec Luc Ferland et Marie-Soleil Brault. Alors, qu'avez-vous pensé de cette soirée? D'abord, satisfait de cette soirée-là? Étonné, ben, j'imagine. Hein? Étonné. Oui, ben, vous êtes premier, oui. C'est, Ben, je vous dirais, étonné, même pas. Je pense que, dans le fond, moi, je le savais. Dans le fond, moi, la CAQ, je sentais que le Québec voulait aller vers quelque chose de nouveau, définition, quelque chose qui n'avait pas encore touché. Les libéraux, je me disais, peut-être, je pensais que les libéraux, Parti québécois, un peu plus. Un peu plus que ça, mais ouais. Finalement, non, la CAQ l'a remporté majoritairement. Mais je voudrais, je suis quand même contente, je suis quand même fière un peu de mon Québec de voir qui ils ont osé. Ils ont osé, sincèrement. Ouais, c'est très ça. Agréable. Mais est-ce que je peux dire pour Marie-Victorin? Ben oui, avec grand plaisir. Marie-Victorin, qu'on attend en fait depuis tantôt. Catherine Fournier, Parti québécois, remporté par 721 voix, 31,2%. Ont remporté Marie-Victorin et la CAQ juste en dessous avec Martine Prévost, 28,4%. Il nous reste Rouyn Noranda et de la Madeleine. Catherine Fournier qui est donc la. Abitibi-Ouest et les îles de la Madeleine. Madeleine. Ouais, Catherine Fournier qui est donc la septième députée élue du Parti québécois. Ben, content pour Catherine. Moi aussi. Jeune, dynamique, brillante. Mm-hmm. Oui, c'est. En politique, c'est un plus. Bon, mais elle avait une armée de bénévoles, d'ailleurs, qui l'aidaient dans Marie-Victorin. Oui. Mais mon premier commentaire pour la soirée, c'est d'avoir co-animé avec. Ah, c'est un plaisir. Absolument. Vous ne direz pas qui j'ai préféré, Jean-François. On regardait ça un secret. C'est un secret. Mais bon, mais comme disait M. Mulroney, on a fait ça dans l'honneur et l'enthousiasme. Et voilà. Les deux étant pareils. D'abord, quelques messages qu'on aura reçus du côté de M. Legault. Oui. M. Legault qui soudainement devient très, très populaire, bien sûr. Hein. Alors, il n'y a pas que des lobbyistes qui vont s'intéresser à lui, mais aussi les élus au niveau municipal. Il y a M. Labeaume qui a parlé dès 20h47 avec M. Legault afin de discuter, bien sûr, de leur éventuelle collaboration pour les projets de la Ville de Québec. Probablement que le troisième lien va faire partie de ce projet-là. Hein? C'est certain, oui, parce que j'ai hâte de voir aussi la on va avoir du plaisir à voir un peu la cohabitation, si on veut, avec le maire de Québec, la CAQ. Oui. Et M. Legault, ben pas M. Legault, mais. Legault-Labeaume. Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'avait pas reçu. C'est pas un mariage de bonheur. C'est pas automatique. Ça. La noce ne sera pas demain matin. Et on dit qu'à 20h50, donc ce que ça nous dit, c'est que l'appel de M. Labeaume à M. Legault n'était pas très long. C'était à 20h47 à 20h50. Il y a M. Couillard qui a parlé à M. Legault et qui lui a bien sûr offert sa pleine collaboration pour la transition. Ouais. Parce qu'il faut comprendre aussi que M. Legault ne va pas dans le bureau du premier ministre sur l'édifice Abitibi-Price demain matin. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une transition qui va se faire. Et il n'y a pas de secret décrit sur un papier comme on le laisse croire des fois, là, tu sais, comme les secrets de la Sainte Vierge Marie. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est des légendes. Exactement. Donc, il y a M. Legault qui a parlé à M. Couillard, mais qui a aussi parlé à Mme Plante. Oui. Ah. Parce que ça, c'est un mariage difficile entre Valérie Plante et François Legault. Il ne s'était jamais trouvé, dans le fond. Je pense qu'il ne s'était jamais trouvé. On se rappelle que Mme Plante avait critiqué M. Legault pour ses prises de position sur l'immigration pendant la campagne électorale, ce qui était, ma foi, fort mal avisé de la part de Mme Plante, mais ce ne sera pas la première fois qu'elle était mal avisée, dirons-nous. C'est la mort de la ligne rose. Ouais. Ah, M. Legault qui s'était prononcé plusieurs fois contre la ligne rose. Alors ça, c'est la mort de la ligne rose. Et il y a déjà plusieurs personnes de Montréal qui se mettent à paniquer un peu sur Twitter. Là. On y voit de toutes sortes de commentaires en disant « Je ne crois pas que Montréal sera une trop grande priorité pour le nouveau gouvernement. Vivement le changement de mode de scrutin. » Et d'autres qui disent encore « On vous souhaite, Mme Plante, la meilleure des chances. » Les choses qui vont changer aussi. Mais moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois le contraire. C'est-à-dire? Ben, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est beau prendre le pouvoir, mais je connais pas un parti qui ne veut pas le garder. Donc, ils auront à cohabiter et à trouver des terrains d'entente avec la mairesse de Montréal, ainsi de suite, comme la ville de Québec, bon, oui, voyons. Absolument. Oui. Alors, on a les derniers résultats aux Îles-de-la-Madeleine. Oui, Parti québécois qui est réélu. Tiens, vas-y, Marie-Saëlle. Ah, Parti québécois. Reviens aux îles. On a quelqu'un d'heureux ici, hein? Ah, enfin, lumière brille dans mes yeux. C'est encore un Arsenault. C'est Joël, cette fois-ci. C'est pas Maxime. C'est encore un Arsenault qui est élu aux Îles-de-la-Madeleine. Oui, ben, les Arsenault, c'est une grosse famille aux Îles-de-la-Madeleine. Mais par combien de voix, Luc? Je ne sais pas, j'ai pas vu. J'allais dire 21 voix. Excusez-moi, c'est que c'est très serré. 21 voix, mon Dieu. C'est reste des pinottes. Gagné. C'est quand t'arrives deuxième, t'as passé proche. C'est pas gagné, mais il a gagné par 21 voix. Non, il y aura sûrement un recontage. Mais comme on dit, passer proche, ça compte pas, sauf pour une grenade. Oui, effectivement. Non, je vous le donne. J'en ai pas vu un politique de ça. Donc, mais il nous reste quelques minutes, à peine quelques minutes pour conclure cette émission-là. On a eu beaucoup de plaisir. Je tiens d'abord à remercier Michel Gauthier qui était à la régie. C'est intéressant, qui était à la mise en onde, en fait. Oui, c'est intéressant oui. d'avoir un metteur en onde. Merci beaucoup, Michel Gauthier. C'était fort intéressant de vous avoir avec nous. Jessica Leb aussi, sans qui cette soirée-là n'aurait pas été possible. Elle nous a alimenté tout au long de la soirée, puis elle a fait des milliers d'appels pour nous. C'est un grand bonheur de l'avoir. Ah, mais c'est vraiment bien. On a eu du sport extraordinaire. Absolument. Soirée. On a presque eu l'air bon, toi et moi. Pas des farces, hein? Ben, c'est vrai. Demain, on était supportés. Tu sais. Ben, on avait l'air intelligent. Mon Dieu, Denis. Et Marie-Solette était vraiment très bonne. Ben, oui, j'ai essayé, je voulais. Mais on veut te revoir. Oui. Je suis jeune en politique, là. J'apprends par le... L'expérience, dis-toi bien une chose, l'expérience, c'est pas gage d'intelligence, ça. Oh, bien dit. Oui, définitivement, je vais me coucher là-dessus à ça. Alors, chauffe dans certains cas. Encore une fois, tu reviens quand tu veux. Nous, excellent. On anime tous les jeudis matin de 9h à 10h. Faites attention, j'ai noté. Ah oui, tu viens quand tu veux. T'as une carte chouchou, comme on dit. Allons-y pour ça. Tu reviens quand tu veux. Et Luc, tu viens, je vais avertir Jean-François. Ce matin, tu peux laisser faire. Et Luc, mon cher ami, sincèrement, c'est toujours un bonheur de quoi toujours un plaisir. Et moi, je l'allais dire, il est 23h22. Oui. J'ai pas vu passer le temps. J'allais dire exactement la même chose. Ça a tellement passé vite. Ben oui, mais c'est un feu roulant, hein? Oui, effectivement. Il y a quand même quelques comtés qu'on n'a pas les résultats encore. Rouyn-Noranda, c'est sorti. Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Émilie, le Sartérien, Québec solidaire, par 506 voix. Oh, ouais, c'est incroyable. Québec solidaire sort non seulement solidaire. Mais ça en va en région. Ça, c'est leur 10e député élu, ça. Oui, 10e, donc il en manquait deux. Deux, ouais, c'est ça. C'est comme... C'est vraiment. Ils peuvent se réjouir et festoyer autant que la CAQ ce soir. Absolument. Le pourcentage de vote exprimé pour QS, est-ce qu'on a? 15,9. C'est énorme. 15,9, ouais. Ils ont augmenté de 0,1% depuis le début de la soirée, mais définitivement, oui. Oui, puis par rapport à 2014, c'est énorme. Le Parti québécois, combien? Parti québécois, 17,1. Bon, c'est jamais vu. Quelques nouvelles en finissant. Jean-François Lisée, on l'a mentionné tout à l'heure, qui a annoncé sa démission à titre du Parti québécois, qui disait d'ailleurs, pour l'emporter, il fallait remonter les chutes du Niagara à la rame. C'est une grosse job. Les chutes du Niagara sont au Québec, ça. C'est en Ontario. Mais il coule. Non, ça coule vers le fleuve. En partie des États-Unis, Buffalo, puis Niagara du côté de l'Ontario. Là, c'est à la rencontre des joueurs. C'est ça. Il disait aussi que pour lui, les partisans de QS et du PQ rassemblés pointent à nouveau la boussole québécoise vers l'indépendance. Et enfin, il disait que tant que le Québec ne sera pas un pays, le Québec aura besoin du Parti québécois. C'est l'exemplaire qui nous a fourni cette dépêche-là, avec qui on a eu une collaboration justement exemplaire. Ce soir, on a eu beaucoup d'aide de la part de ces gens-là, qui est l'École Média en journalisme, bien sûr, des étudiants de l'Université Laval. Ouais. C'est un grand plaisir d'être avec vous. C'est un grand plaisir d'être avec toi, franchement. Beaucoup de plaisir. C'est ma première expérience derrière un micro pour commenter une campagne, une élection, un jour J. J'en ai vécu 7. Quand même. Dans ma vie. Alors, je laisse la place aux jeunes. J'en ai vécu deux. La deuxième, là. Quoique j'ai encore quand même plusieurs bonnes années. Pour ça, je suis passé à d'autres choses dans la vie. Mais j'adore encore commenter l'actualité politique. Et c'est palpitant. Par la politique, c'est que les gens le veuillent ou non, fait partie de notre quotidien. Moi, je dis souvent aux gens, la politique, je ne connais rien là-dedans. Non. T'en fais chaque jour. Mm-hmm. Dans ton milieu de travail, à la maison, tu fais de la politique. Ouais. Parce qu'il faut que tu prennes des décisions. Et si, c'est ça, exactement, tu as tout à fait raison. Et si tu t'occupes pas de la politique, la politique vous occupe de toi. 75 $, tu vas faire l'épicerie. C'est de la politique. Oh, j'en ai bien trop à 75 $. Ouais. Alors, quelques derniers mots peut-être, à part merci. Moi, je tiens à vous remercier sincèrement. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à co-animer avec vous. Ouais, j'espère que les auditeurs en ont eu tout autant que nous. C'était une première pour CKRL d'avoir une soirée électorale. C'est une première, je sais pas. Oui, okay. On a eu beaucoup de plaisir. J'espère que c'est pas une dernière parce que franchement, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à l'animer. On a essayé de vous donner le plus d'informations possible, de faire ça un petit peu sur le ton humoristique aussi, mais pas trop. Hein, pas comme le Parti québécois. Politiquement correct. Exactement. J'ai pas ri de la soirée. On a eu tout l'arc-en-ciel des opinions qui se sont exprimées. C'est un grand bonheur. Je vous dis merci beaucoup, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous dis portez-vous bien et j'espère que vous avez gagné vos élections. Et on se revoit jeudi. On se revoit jeudi, bien sûr, dans notre rendez-vous hebdomadaire de 9h à 10h, Accès au pouvoir, pour décanter un peu tout ça et peut-être parler du prochain Conseil des ministres. Oui, on pourrait essayer d'extrapoler sur qui pourrait être... Ça serait un bon exercice qu'on va faire. Ça. Alors, Marie-Soleil Brault, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Tu reviens merci, voir. Luc Ferland. Définitivement. Allez, voilà. Bonne soirée à vous tous. À la prochaine. Bonne soirée et bonne nuit. On est parti d'en bas de la côte jusqu'à la grosse gate ornée de lions d'or. On a frappé, ils nous ont demandé... Qu'est-ce que vous voulez? On a dit tout. S'il y a personne dans ta vie qui s'en vient boire à ta fontaine, s'il y a personne dans ton lit qui donne sa peau contre la tienne, si on te vend l'amour trop cher, toi qui traverses un désert, si on te vend l'amour trop cher, à toi qui aimes comme un geyser, assois au bord de l'eau, t'en auras beaucoup, t'en auras beaucoup. Si tu veux casser le corps qui donne sur le minimum, si on te fait mettre à genoux, oh, toi qui portes les tatous, si on te fait coucher par terre, oh, toi qui frappe comme le tonnerre, assois, assois au bord de l'eau, on donne un coup, on donne un coup. Jeté dans le noir avec tes yeux fous dans le souterrain, si c'est comme ça qu'on te préfère, si tu veux te faire de la lumière comme le fort